encore minuit sur Skyrock. Eh oui, oui, c'est parti, Radio Libre. C'est parti jusqu'à minuit. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Non, c'est fini la chorale, là. Ça, ils chantent tout. Voilà, que tu chantes bien en plus, Karim. Bon, Cédric, il est un micro. Voilà. Non, mais il est à côté, c'est pour ça. T'as bien, bien fait de le fermer. Bien joué, Cédric. C'est pas con. Bien vu, bien vu. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Bienvenue à vous tous et à vous toutes. C'est la Radio Libre. C'est parti jusqu'à minuit avec toute l'équipe. Vous pouvez nous appeler dès maintenant. Allez-y. Faites péter. On salue d'ailleurs ceux qui sont déjà là. Bonjour à Rihanna qui nous écoute. Bonjour Rihanna. On vous offrira d'ailleurs des places de concert pour Rihanna. Pour il y en a plein, oui, pour Riri. Plein à gagner sur Skyrock tout au long de la journée. Vous restez bien sur Sky toute la journée. À n'importe quel moment de la journée, on fait tourner la roulette. Elle tournera ce soir, notre roulette. On salue Louis qui vient d'arriver. Laura, bonjour à Mohamed, à Amine. On salue Stevie, Steph, Miko. Il y a du monde. Mohamed, encore un autre. Bonjour les Mohamed, vous envahissez les SMS de Skyrock. Allez-y, profitez. On salue Théo, Lucas aussi, Gaëtan qui vient d'arriver. Romano qui est là aussi. Bonsoir. Bonsoir Romano. Mais qu'est-ce que vous faites une blague aujourd'hui? Il y a Cédric qui est à la place de Romano. Romano qui est à la place non, de tu veux Cédric. Pas l'avoir en face une soirée? Mais t'as vu, j'ai changé de position. Ouais, mais direct, je me tourne directement vers toi. Ouais, c'est étrange. D'accord. Bien là, toi. Ah, ouais. Bah, alors, Cédric. Alors, a priori, t'as eu quelques problèmes, j'ai entendu technique. Oui, t'as remarqué. Il a pu passer les bons boutons, il coupe le studio de Fred. Ah ouais, non, mais n'importe c'est, quoi. Non, c'est bordel sans nom. Tu sais que je suis prof de radio, je peux te donner des cours. Ah, il te fera un tarif. T'avais qu'à te là à l'heure. Des cours de radio Louis Vuitton. Ouais, ça c'est la classe. C'est 100 euros les 10 minutes. Pas cher, ouais, c'est pas cher. Pas, pas cher. Bon, toute l'équipe est là. Bon, tout le monde revient à sa place. Allez, c'est parti. On se tourne. Jusqu'à minuit. Bonsoir, Marie. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, Samy. Salut. T'as vu le PSG, son nouvel entraîneur? Ouais, je sais, Emery, ouais, l'entraîneur du FC Séville. C'est une bonne nouvelle pour eux, je pense. Pour le PSG? Ouais, c'est un bon entraîneur. Aïe, aïe, aïe. Séville, là, non? Karim, t'as entendu le Marseillais pense que c'est. Mais pense pas à nous porter la poisse. D'accord ou pas, Karim? C'est un bon entraîneur. C'est un pète d'entraîneur, gros. Franchement, c'est un bon mec. Je pense qu'avec lui, Unai Emery, c'était l'entraîneur du FC Séville qui a gagné 3 fois là. Il est connu, ce mec? Ouais, quand même, ouais. Pas de Romano, en tout cas. À mort, ouais. J'imagine pas. Non, il a gagné 3 fois l'Europa League. L'Europa League d'affilée. J'ai jamais entendu son nom, ce mec. Moi non plus. Mais écoute. Bon, je suis pas un professionnel du foot. Non, c'est l'équipe, elle joue vachement bien. Donc, ça, c'est la nouvelle footballistique du jour. Vous aurez votre journal des Bleus tout à l'heure. J'ai pas dit bonjour à Karim. Bon, Romano, c'est fait. Cédric, c'est fait aussi. Ben voilà. L'équipe est là. Vous pouvez en profiter jusqu'à minuit. Profitez de tous les membres de l'équipe. Allez-y. Au 41-759 sur l'appli Skyrock. Vous nous laissez vos messages. Vous venez faire les cons avec nous. On salue Lionel, l'Indien, qui nous dit appelez ma tante Georgette. Ah, j'adore le prénom déjà. Georgette pour le double appel. L'Indien Dupré qui vient d'arriver. Salut à toi, salut le Lyonnais, salut tous les autres aussi. Il y a Giuseppe qui est là. Bonjour à Louis, bonjour à Jérôme. Donc vous nous faites péter le 41-759 pour envoyer vos messages. L'appli Skyrock aussi, ça marche. Vous nous envoyez tous vos messages, vous y allez. Et puis le Skyrock.fm, évidemment, tous les réseaux. Le Yax pour envoyer vos photos qui déchirent. Et tout le reste. Je vais pas vous faire la liste des réseaux, autrement on est passé 3 heures, on a autre chose à foutre. Bon, alors, autre chose à foutre, je vous le disais. Le double appel, tiens, ça va donner envie, on va y aller d'ici pas très longtemps. On va s'y mettre. Nous allons débarquer, nous allons mettre en contact des familles, j'espère qu'ils seront aussi en forme qu'hier, et c'était rigolo. Donc on va s'en occuper ce soir, d'ici quelques instants. On a Marjo qui nous attend direct de Chalon-sur-Saône. Et puis, avant minuit. La Bourgogne. Exactement chez toi, Romano. Oh, mon Dieu. Et avant minuit, on jouera avec les bugs de Romano. Vous pourrez gagner vos maillots de foot et vous pourrez gagner vos jeux. Alors, jeux au choix, maillot de foot au choix. Vous pourrez même prendre le maillot de l'Islande. On est même capable de vous le trouver, donc n'hésitez pas. Bon, sinon, le maillot des Bleus et tout le reste, vous pourrez jouer avec nous. On jouera avec les bugs un petit peu plus tard dans la soirée, mais bon, ça peut arriver à n'importe quel moment si ça nous prend d'ici un petit quart d'heure. Sinon, avant minuit, c'est promis. Je vous ai dit pour Rihanna, je vous ai dit pour nous joindre et je vous ai dit qu'il y avait Marjo qui allait arriver en direct avec nous. Eh bien, on va la saluer, Marjo. Salut Marjo. C'est Marjorie. Ah, on dit comme ça en Bourgogne. Ah, c'est Marjorie. Marjorie. Eh bien, j'espère qu'on va bien rigoler, nous aussi, ce soir. C'est vrai qu'il n'a pas compris. Si, il a compris. Là, il a compris. Alors pourquoi compris. Salut Marjo. Marjo, salut les filles. Salut, t'as 19 ans et t'es bien à Chalon-sur-Saône, toi, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Eh bien, écoute, sois la bienvenue. Et puis, dis-nous pourquoi tu nous appelles. Et je vois que déjà, vous avez préparé des numéros pour ouais. Vous êtes prêts pour le double appel? Mal. Ouais, on va se préparer. Tu nous entends mal, Marjo? On va tout faire pour que tu nous entendes bien. Tu vas nous expliquer. Attends, on va mettre le son à donf. Tu vas nous parler de ton plan cul, Marjo, parce que là, un plan cul, et malheureusement, arrive ce qui devait arriver. Tu commences à t'attacher, d'après ce qu'on m'a expliqué, c'est ça? Ah, tu tombes amoureuse? Oui, voilà, c'est ça. Tu tombes amoureuse de ça, ton plan cul. Bon. La Bourgogne c'est ça. La Bourgogne. Oui, okay, Romano. Okay. La Bourgogne, oui. Qu'est-ce qu'elle a, la Bourgogne? Il n'y a plus de batterie, là, Romano. La Bourgogne. Vas-y, recharge-toi, mets les doigts dans la prise. La Bourgogne, ouais. La Bourgogne. Enfin, c'est pas bon signe quand il n'y en a qu'un qui tombe amoureux, parce que si les deux tombent amoureux, c'est bien. Oui, on va étudier tout ça. Tu restes avec nous, Marjo? Oui, oui, je reste. Oui, parlez-nous de vos plans cul, parlez-nous de tout ce que vous voulez, venez faire l'écho avec nous. T'es tombé malade, Samy? Ah, c'est les allergies, moi, putain. Ah, c'est les allergies. J'ai fait la piqûre cette année, mais elle a pas bien marché, je crois. On t'en fera deux l'année prochaine. D'accord. On te fera une double dose l'année prochaine, tu verras. Ça se passera mieux, ça ira beaucoup mieux. Bon, alors, on est prêt. Bon, tu voulais y aller pour le double appel, on y va? Ouais, vas-y, c'est parti. Allez, double appel. Allez, les bleus. Oui, j'écoute. Aucun des deux n'a appelé l'autre. Patrick, encule-le. Le double appel de Difool sur Skyrock. T'es un con, quoi, toi? Eh oui. Oh, un con, c'est quand même Patrick, hein. C'est quand même Patrick. Patrick. Qui demandait hier. Alors, on n'attend pas Patrick. Qui c'est Patrick? C'est pas Patrick de camping. Patrick? Non, non, c'est Patrick des réseaux téléphoniques. Ah, c'est pas le même, non, ça. C'est pas Patrick Chirac. Ouais. Pourquoi tu veux que j'encule Patrick Chirac? Vas-y. Non, mais oh. Patrick, donc. Il doit mettre des slips, lui, non? Je Patrick, vois bien en slip. Je sais pas, on a perdu son numéro. Enfin, on a perdu son numéro. Il a changé de numéro. Il n'attend plus, malheureusement. Alors, on n'attend pas Patrick. Eh bien, Patrick. Bon, on y va, c'est parti. Vas-y. Vous êtes prêts? Allez. On y va. C'est parti. Où c'est qu'on va pour démarrer cette soirée? Michel et Simone. Ouais, Michel. Oula. C'est ceux que t'as eu juste avant que t'étais mort de rire. Ouais, voilà. Ouais. Ça fait rêver les prénoms. Ouais, ils sont sympathiques. Voilà. Surtout Simone. En voiture, Simone. Allez, Michel Simone. Bon, ça sonne, ça ne répond pas. Oui, ah, oui. C'est bon. Allô? Allô? Allô? Oui, qui est à l'appareil? C'est Michel. Non. C'est Michel. Erreur. Michel. Yep. Ah, bonjour Michel. Il y a erreur. Pourquoi? Appelle un autre. Ben pourquoi qu'il y a erreur? Ben non, c'est Simone ici. Bonjour Michel, les oiseaux ils viennent. Hein? Ah, ben c'est bien ça. Oh, ben j'ai un couple de besoins d'arriver. Ben ah, Isabelle a dit ben non, quand dit c'est salutaire. Hein? Ah oui, oui. Oh, comment vous les avez accrochés? Je le vois de ma fenêtre de salon, alors je vois qu'ils font l'aller venue, c'est beau. Il n'y a pas que des mésanges qui viennent, quelquefois il y a des pivets. Hein. Là, ah oui, là, on verra, là pour l'instant c'est un couple de mésanges. Ah oui, c'est bien, ils vont faire leur nid dans le coin alors. Content, ça va, parce qu'ils ont à manger, ils vont pas aller loin. Ah ben tant mieux. Oui, oui, oui, oui. Pourquoi qu'on disait il y a erreur? Ben je sais pas, qui c'est qui disait ça? Je sais pas. Parce que moi, je sais pas, j'ai entendu deux sonnettes. J'avais un téléphone qui se balade là quelque part. Ouais, ou bien quelqu'un qui l'appelait en même temps que toi, je sais pas. Ah, je sais pas ce qui se passe avec le téléphone. Ah bah oui, écoute, mais j'ai eu des problèmes aussi. Je peux téléphoner à une copine. Oui, ça va mieux. Bah ouais, je te l'ai dit. Et puis, elle dit, bah Simone a parlé, puis d'un seul coup, pouf, elle dit, j'ai peut-être pas compris. Mais j'allais pas vite assez, elle a raccroché. Mais non, d'un coup, je suis coupée. Alors, quelquefois, on est à deux sur la même ligne. Bah, ou je sais tu pas. Vois, là, j'ai entendu, il y a erreur. Bah ouais. Bon, enfin, bon. En tout cas, ça marche. J'ai mis les graines dans la boîte. Ah, et puis, Isabelle a dit, t'as pas donné la boîte. Non, Michel a dit, je pouvais le garder. Alors, les mésanges, ils viennent. Hein? Les mésanges, ils viennent. Ah, bah, tant mieux. Putain. Il en marre, hein? Oh là là là là là. J'ai mangé lundi, t'es vous. Moi, j'ai fermé tous mes volets, puis je n'ouvre plus, hein. Oh, bah, écoute, hein. Après, je vais devoir refaire tous mes carreaux, de la zuc. Ah, ouais, bah, perfection. Hein? Ah, bah, ouais. Bon, oui. Bon, bah, c'est bien. Allez. Ah, bah, je suis bien contente. Alors, il Bisous, a été content, monsieur, des renseignements que tu lui as donnés. Patrick. Mais non, qui c'est qui parle, là, en même temps? Je ne sais pas, Nathalie. Allô. Allô, j'écoute. Patrick. Patrick, comment? C'est Cédric. Comment? Il y a quelque chose qui va pas, on doit être à trois sur la même ligne. Ah bon, d'accord. Bon, mais je vous laisse, je vous embrasse. Salut hein. Les filles. Oui. Allez, à bientôt. Allô, il y en a deux qui parlent en même temps. Ah oui. Bon. Oui, j'écoute. J'ai vidé mes couilles là. Comment? J'ai vidé mes couilles là. Espèce de petit con, petite salaud, va. Ah, non, ils sont vraiment détraqués, hein. Allez. Bon, ben, je vous laisse, hein, Simone. Oui, Dobradox. Là, je suis en train de me branler bien comme il faut, là. Bah oui, mais ça recommence, et encore quelqu'un d'autre. Il n'y a pas dit que tu vas me branler, je vois ça. Ouais, ouais, ouais, ben, si ça y fait du bien. Ouais. Putain, Dobradox. Hein. Allez, au revoir. Dobradox. Allô? Allez, mes anges. C'est dire quoi, Dobranox? Si vous savez ce que veut dire Dobranox. Allez, Dobranox. N'hésitez pas à nous laisser la traduction. Je parlais de la traduction des bugs de Romano, mais je savais pas qu'il fallait qu'on traduise les familles. Les familles. Ah, Gaël Dobranox. Big up Melchior, merci pour le numéro de tes deux voisines. Il voulait qu'on appelle ses deux voisines. Ah, sympa les deux voisines. Il nous a dit, elles sont trop gentilles. Bon, bah, c'est ok. Elles sont gentilles. Elles étaient mignonnes. Elles sont mignonnes. Elles ont parlé de pider, de maison. Allez, mes anges. Allez, mes anges. Elles mettent des graines et tout. Moi, j'ai fermé les volets, sinon ça salit toutes les. Ah, bah, je fais tous les carreaux, sinon. Ah, bah, zut. Ah, bah, zut, hein, j'étais fait dimanche et lundi, les carreaux. Hein. Attends, Dobranox. Et il y en a pas un qui traduit. Non, vous avez pas trouvé. Dobranox. Fallait lui répondre, va dor mon goulis. D'accord, je ferai ça la prochaine fois, je ne sais pas ce que ça veut dire non plus. Elles étaient super. Ah, j'avoue. Elle, nous dit Jules. Elles étaient trop fortes. Ça veut dire bonne nuit en polonais. Ah, écoutez, je devrais savoir. J'ai un petit peu de son polonais là. Dobranox, alors à vous tous. C'est du polonais, ça veut dire bonne nuit. Ah ouais, il y a plein de messages. Ah ouais. Allez, c'est parti. Seb du 62, ok Seb. Béné aussi. Merci au joint du cendrier qui parle polonais. Le joint du cendrier est de plus en plus intelligent. Hein. Dobranox, c'est du polonais. Bonne nuit, ça veut dire. Bonne nuit en polonais. Bonne soirée. Dobranox. Dobranox. Dobranox. Ah, c'était sympa les deux mamies. Elles étaient drôles. Pas mamie, je suis pas sûr que c'était des mamies d'ailleurs, mais bon. Ça va, ça vient les oiseaux. Ouais, parle des oiseaux. Ça se parle les mésanges. Hein ouais, ouais. Non, mais on se rend pas compte, il y a des gens, ils ont des passions, c'est pas les mêmes que les nôtres. Bon, elles donnent à manger à des mésanges. C'est sympa. Bon, merci les amis polonais. On a reçu une centaine de messages de polonais. Eh bien, big up à vous, la Pologne. Ils sont plus à l'euro là. Si, si, bien sûr que oui. Ils sont toujours à l'euro. Je joue le Portugal jeudi 21h. Ah, c'est Pologne, Portugal, les deux P, mais oui. Allez, la Pologne d'ailleurs. Et à Marseille en plus. Ouais. Pologne, Portugal. Très bien. Donc on suivra ça. Jeudi soir. Grave, jeudi 21. Ça va être sympa. Ouais. Ouais, jeudi, ouais. Vendredi, on aura des matchs. Ouais. Jeudi, vendredi soir, les matchs. Et puis dimanche soir, ne loupez pas les bleus. Allez, les bleus, le journal des bleus, on se le fait tout à l'heure. Ouais. On fait un autre double appel ou on va prendre Marjo. Et puis on retentera le coup peut-être dans la soirée. J'espère qu'on aura le temps. De toute façon, on a 3 heures devant nous, donc on a le temps de faire des conneries. Hein. C'est la Bourguignonne Cushion. Si vous avez d'autres. on va offrir un maillot à Melchior parce qu'il est sympa. Ouais, Melchior, un maillot ou un jeu, on va t'envoyer ça parce que c'était sympa. Quand on a des bonnes familles, comme ça, on vous récompense. Melchior, on t'envoie ça tout de suite. Et Dobranox à toi, mais ne nous quitte pas encore. Reste avec nous, on est là jusqu'à minuit, ça vient juste de démarrer. Allez la Pologne, nous dit Béné. C'est bien noté, allez la Polska, nous dit Ryan du Creusot. T'as les Polonais, je savais pas que vous étiez. En force les Polonais. Ah ouais, en force. Moi je suis en force avec la Pologne. Attends, t'es pas. Ah, j'aime trop putain, vous êtes mal barré. Ah bah allez, les gars, prochain tour. Ah, non, je rappelle que Samy a soutenu l'Albanie. La Croatie. Sortir, la Croatie. L'Albanie. Bon, l'Albanie, tu prenais un risque, c'est une petite idée. Ouais, c'est une petite idée. L'Angleterre. Ouais, j'aimais bien l'Angleterre. T'aimais bien l'Angleterre. Bon, l'Angleterre. Là, j'aime bien la Pologne et l'Allemagne. Est-ce qu'ils vont rester? On va voir. Très bien. Surtout, ne dis pas que t'aimes les bleus. Non, je laisse tranquille. Non, laisse tranquille les bleus. Qu'on aille direction la finale. Bon, alors, c'est parti pour ce soir. On va reprendre Marjo avec son histoire, avec son plan cul. Si vous avez. Qui c'est qui est en plan cul ces temps-ci? Non, bah moi j'aime mon mec, c'est très bien. J'aime mon mec. Très bien, c'est quoi c'est... Ouais, traduisez la Marie également. Marie Ribéry. Ah, c'est clair, j'aime mon mec. Non, mais moi j'ai mon mec, oui. Bah, j'ai à manger aussi. Pas de plan cul. Bon appétit. J'ai à manger avant de venir, c'est avant c'est de viendre. Voilà. Bah, moi je m'en pas lavé. J'ai pas eu le temps. Ah, si, je suis lavé. Hein. Ah, ouais. Ah, c'est tout propre. Ah, ouais, j'aime bien. Enfin, ça allait une douche, t'en veux. Voilà, mais je suis pas normaux. Ah, ouais, si, je suis normal. Voilà, bon. Venez apprendre des mots nouveaux. Et oui, grâce parce à Skyrock. Je suis pas normaux, on est plus intelligent. Tiens, dites-moi, on va faire un petit sondage express pour le foot. Comme il n'y a pas de match ce soir, on peut faire un petit sondage footballistique. Tiens, lance le journal de l'Euro. On le fera en deux parties. Le journal de l'Euro des Bleus, de la Radio Libre, de Skyrock, de Samy, de Romano, de Karim, de la Marie. Ouais, quoi, moi, je sais pas grand-chose là-dedans. Et non, mais je vous connecte avec Didier Deschamps. On a tous des infos à donner là. Bah nous on pose des questions surtout avec Romano. Oui mais bon, Ah non moi je pose rien avec toi Marie. Non mais énorme. Alors moi j'ai posé sympa, tout à l'heure avant l'émission. J'ai posé un cac. Non même pas encore non. On va faire un petit sondage avec Chris. Allez, journal des bleus de l'Euro. L'Euro 2016. Journal des bleus. Samy sur Skyrock. Alors Samy, tu arriveras avec tes nouvelles de l'Euro car Skyrock est premier sur le foot bien sûr. Bien sûr. On parlera des bleus bien sûr de qui va remplacer Adil Rami qui est suspendu dimanche oui. Et de qui va remplacer Kanté qui est suspendu aussi. Très bien. Donc on en parlera tout à l'heure selon l'entraînement du jour, machin, tout ça. On va voir ça, on en reparlera tout à l'heure. Si vous avez des nouvelles sur l'Euro, des nouvelles de la France, mais également de toutes les équipes de l'Euro, n'hésitez pas à nous les donner au 41759 et sur l'appli Skyrock. Et la question que je voulais vous poser, le petit sondage que je voulais lancer dès maintenant sur tous les réseaux et évidemment sur le 41759, comme ça arrive directement dans le studio, c'est bien. Et sur l'appli Skyrock, vous nous envoyez votre équipe favorite pour l'Euro. Quelle est l'équipe qui, d'après vous, va gagner l'Euro? Donc, il reste la Pologne, le Portugal, l'Italie, l'Islande. Ouais. Oui, les Islandais, bon, les Français, évidemment, les Allemands, le Pays de Galles. Et il m'en manque un, la Belgique. Voilà, voilà, j'ai les 8. Et voici les 8 équipes qui restent à l'Euro. D'après vous, qui va gagner l'Euro? Vos pronostics, allez-y sur le 41-759. Alors, la Belgique, le Brésil, c'est vrai qu'ils sont pas dedans. C'est pas possible, mais ça, je sais. Le pays avec un B, c'est la Belgique. Alors, tiens, les Belges pour Roman Reigns, les Belges pour Maître Pimms. Pourquoi il est suspendu, nous demande Ayette, parce qu'il s'est pris un carton jaune. Carton jaune, le dernier match. Le dernier match. La France et la Pologne pour Kams, l'Allemagne pour Nadia, l'Italie gagnera l'Euro, Forza Italia, vai, vai, vai, nous dit. Sab, la France pour Souka 59. Donc vous faites comme eux. Le Portugal pour Difool Lebeau. Tiens, appelle le Portugal. On peut pas appeller Philippe, le Portugais, Philippe le Portugais pour lui demander son avis. On a essayé de l'appeler la dernière fois, il était pas joignable. Je suis là qu'il va être joignable. Go, go, go, les frites. Donc les frites, c'est bien noté, c'est les Belges. La France pour Goldweed. L'Islande pour Cuvette de WC. Bon, je pense que l'Islande, ils ont fait un bel euro. Maintenant, il faut s'arrêter, les Islandais. Hein. Bah, de toute façon, sinon, c'est nous qui s'arrêtons. Voilà, donc on est d'accord. Il faut qu'ils s'arrêtent, les Islandais. Stop. Il faut qu'il s'arrête. Oui, là, merci Didier Deschamps. La France, bien sûr, pour Hugo, Jojo Ben, la France, le Portugal pour Sofia. Donc, on va mater tous les messages, on va faire ça bien, on va vous donner vos pronostics pour l'Euro avant les 8, les quarts de finale. Avant les quarts de finale. Là, on appelle donc. Hein, le pote de Pamela, Philippe le Portugais. Le pote de Pamela. Ah oui, mais j'ai pas appelé Pamela. Pamela, mais je suis là. Oh là là. Ah, très bien. Ce qui est pratique, c'est que tu es toujours là, Philippe le Portugais. J'espère qu'il n'est pas parti en vacances, parce qu'on l'a appelé la semaine dernière, on n'arrivait pas à le joindre. Philippe le Portugais, vous savez, c'est Philippe qui, chaque fois qu'il nous répond, est dans les toilettes. Je sais pas, il va avoir la même maladie que Cédric. Bonjour. Ah, dommage. Vous êtes le répondeur. Oh, laisse-lui un petit message, Pamela, juste pour lui faire plaisir. Un 9. Voilà. De laisser un message après le bip. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, allez, je dis le Portugal, tapez dièse. Je dis. Bonsoir, bonsoir, Philippe. C'est Pamela, excuse-moi, j'ai un petit peu bu ce soir. Je voulais te dire vive à Portugal. Et pour fêter la qualification, je me prendrais bien une petite pétée rectale, éventuellement pour jeudi soir après le match. Eh bien Philippe, j'essaye de te rappeler un peu plus tard dans la soirée. Et vive à Portugal, vive à l'Anal. Si vous êtes satisfait de ce message, vous pouvez raccrocher. La fin était très bien. Vive à Portugal, vive à l'Anal. Vraiment, Pamela, félicitations. C'est pas Romano qui aurait ce genre d'idée de rime. Voici le message enregistré. Bonsoir, bonsoir, Philippe. C'est Pamela, excuse-moi, j'ai un petit peu bu ce soir. Je voulais te dire vive à Portugal. Et pour fêter la qualification, je me prendrais bien une petite pétée rectale. Voilà. Éventuellement pour jeudi soir après le match. Eh bien, Philippe, j'essaye de te rappeler un peu plus tard dans la soirée. Et vive à Portugal, vive à l'Anao. Si vous êtes satisfait, on est satisfait, on envoie. Allez, on va laisser plaisir. Hop là. Il a ça sur son répondeur. J'espère qu'on aura des nouvelles d'ici. Ah, bah là, bah avec un message pareil, c'est sûr. Ah, direct, bon, tu vas voir. Évident. Tiens, j'ai des nouvelles de 50 Cent. Vous avez des nouvelles de 50 Cent? 50 Cent. Ouais, moi, j'ai des nouvelles, moi. De temps en temps. T'as des nouvelles? J'en ai eu quelques-unes. Ouais, j'ai vu qu'il avait sorti un son. T'as pas un petit son de 50 Cent? Si. Tiens, on va faire un petit jeu à la con, tiens. Et Marjo, on s'occupe de toi tout de suite. Viens là, Marjo, viens avec nous. Donc toi, t'es un plan cul, tu commences à t'attacher à ton plan cul. Tu vas nous expliquer comment tu l'as rencontré, ce que vous avez fait ensemble, surtout ce que vous avez fait ensemble d'ailleurs, parce que ça nous intéresse beaucoup, parce qu'on aimerait bien savoir où est-ce que vous en êtes dans vos relations. Tu vas avoir les détails, quoi. Bien sûr, bah oui. Évidemment. Et oui, on vous dit tout sur Skyrock. Et puis tu nous expliqueras pourquoi tu nous appelles, parce qu'a priori, il commence à y avoir un problème. C'est quoi? C'est le fait que tu t'attaches à ce mec, c'est ça? Ouais, je me suis attachée et lui, c'est pas vraiment que je voudrais quelque chose de sérieux, quoi. Ah, pour le moment, lui, il pense que c'est du cul entre vous et toi, t'es un peu amoureuse. Comment tu l'as rencontré? En stage. En stage. Il y a et longtemps? Comme quoi, les stages, ça peut être relou, mais ça peut être sympa. Ouais. Regarde. Oui, voilà. Il a quel âge, ce gars? Toi, t'as 19, hein, c'est ça? Ouais, moi, j'ai 19 ans et il a 26 ans. Il a 26 ans. Ouais. Mais lui, il est juste là pour... Parce qu'il a une meuf, comment ça se passe dans sa vie? Non, non, il a eu une copine pendant longtemps et puis ils sont quittés parce qu'en fait, lui, il aime bien être libre et voilà. Ah ouais, donc c'est mal barré pour s'attacher. Il aime bien quoi, lui? Il aime bien être libre. Libre, colère, libre, ouais, bah, radio, libre, la meuf, libre. Ça dépend la meuf qu'il avait aussi. Si la meuf, c'était une vraie peau de colle. Alors, Reggae a eu un plan cul. On attend vos témoignages. Vous avez eu un plan cul, vous avez un plan cul, vous nous faites signe. Jojo Ben est très chaud là. Il est Jojo Ben du 26. Il nous fait. Elle a une très belle voix, l'auditrice. Donc si t'as un problème avec lui. Alors Reggae nous dit, mon plan cul s'est attaché à moi. Je lui ai dit que c'était juste un vide-couille. Elle a pas aimé. Oh non, mais enfoiré, quoi. Si, si, si, si te dit ça. Oh, l'enflure. Si te dit ça, comment tu réagis, toi, Marjo? Est-ce que tu, par exemple, il te dit, t'es juste un vide-couille, est-ce que tu referais l'amour avec lui? Ah non, non, non. Tu dis ça, mais réfléchis bien, dis ça parce que. Non, mais vide-couille, il dit ça mieux, quoi. Vide-burne. Voilà, vide-burne, ça c'est bien. C'est beaucoup plus classe. T'es mon réceptacle à foutre. Voilà, mon réceptacle à foutre. Oh non, non. Pire en pire. Ah, moi, je lui fais croire que je vais tomber amoureux d'elle et je change rien, ça reste mon plan cul. Mais pendant ce temps, je la baise. Qui c'est qui nous dit ça? C'est le message de Mr. B. Pas Mr. Bean, t'as raison parce qu'il est moche, Mr. Bean. Mr. B. B, ouais. Sur le 41759 et sur l'appli Skyrock. Mon plan cul est devenu ma copine, on va se fiancer dans un mois. Ah, tu vois, un message d'espoir. J'ai eu peur, Marjo, parce que j'aurais plein de messages qui défilaient. Ouais, et c'est que des messages. Ouais, j'ai un plan cul, je la ken. Enfin bon, il y en avait plein. En fait, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est s'il faut que je lui dise ou pas, en fait. T'es tombé amoureux, je sais pas. Dites-nous alors, vous avez un plan cul, vous avez déjà eu un plan cul. Ah, a priori Karim a déjà eu un plan cul. Ouais. Vous nous dites, est-ce que ça vous ferait plaisir qu'elle vous dise je vous aime, tout ça, est-ce que ça peut vous faire avancer un petit peu dans l'histoire? C'est mal barré un plan cul. C'est un plan cul, la simplicité, c'est ce qui est bien. Si tu compliques les choses, tu gâches tout. Dresse libre, elle a 19 ans et elle nous laisse ce message-là. Mais il faut quand même se rendre compte que c'est ce qu'elle est, un vide-couille. Non mais dis donc. Ah non. J'étais dans la même situation pour Amonix, 17 ans, et depuis 2 mois, on est ensemble. Ah, tu vois, un autre message d'espoir. C'est partagé entre les messages des gros chauds, là, qui ont envie de baiser. Après, il y a plein de trucs qui le dérangent, parce qu'on, maintenant, on travaille dans la même, Attends, boîte. Le stage est fini, t'as été embauché, toi? Ouais, enfin, pas dans le même service, hein. Oui, autrement, attention à ton cul. Là. C'est clair, à longueur de journée, je pense que le truc fumerait. Bon, vos réactions, et puis dans un instant, on va étudier. Ce que vous avez fait ensemble, on peut même en parler. On en parle dans un instant, tu bouges pas, Marjo. Allez. Ouais. Donc, je vous raconte ma petite histoire sur 50 Cent. On va jouer avec 50 Cent dans un instant. T'as les sons de 50, Romano? Écoutez ça, stay in the club, ça. Go. Alors 50 Cent a été arrêté aux États-Unis. Pourquoi? C'était pour son histoire de faillite là, qui s'était mis en faillite. C'était pas pour les stéroïdes? Pas du tout, les stéroïdes. Ouais. Pas du tout. Si c'était pas arrêté pour. Tiens, enfin, je vous offre un maillot. Est-ce qu'il y a un rapport avec, parce que je sais qu'il a lancé une marque d'alcool, je crois que c'est de la vodka. Est-ce qu'il y a un rapport avec son alcool? Non, mais c'est bien. Tu cherches. Ah, moi, je sais, moi. J'adore l'alcool. Oui, mais c'est la bonne réponse. Non, mais c'est pas ça la question, Barry. T'as d'autres sons de 50, Romano? Ouais. Ah, d'autres sons de 50. 50 Cent, donc, qu'est-ce qui lui arrivait comme problème? C'est c'était PIMP. T'es sûr que c'était aux États-Unis? Ouais, je suis pas sûr, moi. Si, je crois que c'est ça. Ah, ça y est, le Belge qui vient de mettre son grain de sel. Qui vient faire chier le monde, en gros. Je vais quand même vérifier. Il dégage ça. C'est tout bien. C'est diffus, en train de s'étouffer. Tu décèdes ou pas? Non, moi je crois que c'est sur une île que ça s'est passé. Attention, le Belge qui fait chier le monde. Qui a raison? Pas chier le monde. Moi j'ai mis sur une foule. Ouais, yeah. Je suis passé à Sainte-Kitte et Nevis. Je sais même pas où c'est. Ouais, c'est dans les Caraïbes. C'est des îles dans les Caraïbes. Caribbean Island. Caribbean style. Caribbean Island. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Si vous avez la bonne réponse, vous l'envoyez au 41759. Et sur l'appli Skyrock. Oh, je vois déjà des bonnes réponses là. C'est parti. Bon, bah, on vous retrouve en direct et puis on reparlera de 50. Peut-être qu'on se fera un 50 avant minuit, ça ferait du bien, ça ouais, fait c'est plaisir. Bien ça. Ouais, un petit 50 avant minuit. Là, on a le nouveau Wiz Khalifa à vous faire écouter. Wiz Khalifa et Lil Wayne, tout nouveau. Ah ouais. Et déjà sur Skyrock, évidemment. On écoute ça, on découvre ensemble, vous me dites ce que vous en pensez. Et puis je vous donne la réponse pour 50 Cent dans un instant sur Skyrock. Et on parle des plans cul, de Marjo, de vous tous en direct. Et si vous avez besoin de nous, hein, n'hésitez pas, c'est au 01 53 40 30 20. Et le 41759 et l'appli. Ouais. Faites péter. 6h-9h, Morning Best. Morning Show. Réveille-toi tous les matins avec les meilleurs moments du Morning de Default sur Skyrock. Alors, Sharon de Perpignan, 20 ans, chirurgie esthétique, y a quelqu'un à refaire dans ton entourage ou pas? Ouais, ma mère. D'accord. Best. The Morning Show. Les meilleurs moments du Morning de Default, tous les matins de 6h à 9h. Black, en e-cinéma. Mavella fait partie du gang des Black Bronx. Et Marwan, celui des 10-80. Je veux pas quitter les Black Bronx. Tu veux pas ou tu peux pas? Un Roméo et Juliette brutal et urbain. Rien de personne n'empêchera d'être avec toi. Un film coup de poing. Black. Maintenant, e-cinéma, sur vos services de vidéo à la demande exclusivement chez vous. Avec Skyrock.

devoted to destruction. A full dosage of detrimental dysfunction. I'm dying slow, but the devil trying to rush me. See, I'm a fool for pain. I'm a dummy, might cut my head off right after I slit my throat. Tongue kiss a shark, got jealous bitches up in the boat. Eating peanut butter and jellyfishes on toast. And if I get stung, I get stoked. Might choke like I chewed a chunk of charcoal. Naked in the North Pole, that's why my heart cold, full of sorrow. A lost soul, and only Lord knows when I'm coming to the crossroads. So I don't fear shit but tomorrow. And I'm a sucker for pain. It ain't nothing but pain. You just fucking complain. You ain't tough as you claim. Just stay up in your lane. Just don't fuck with Lil Wayne. I'ma jump from my plane or stand in front of a train. Cause I'm a sucker for pain. Used to doing bad, now we feel like we just now getting in. Getting in, getting in, getting in, getting in. Ain't got no other way, so we started and finished it. Finish it. No pain, no gain. Never stand down, made our own way. Never going slow, we pick up the pace. This is what we wanted from a young age. No emotion, that's what business is. Lord have mercy on the witnesses. Lil Wayne et Wiz Khalifa. Sucker for pain. Alors vous êtes complètement bilingue, les auditeurs de Skyrock. Bravo. Ça veut dire souffre-douleur et non sucer pour de la douleur. Rien à voir, ouais. Ce qui est quand même mieux d'ailleurs. C'était le nouveau Wiz Khalifa et Lil Wayne sur Skyrock. C'est parti pour une grosse soirée. La radio libre de Difool. Seulement sur Skyrock. Avec des nouveautés, avec Romano, mais oui, avec toute l'équipe qui est là. Ta gueule, le qui dit tout le temps Romano. Ben oui, mais c'est parce que c'est un de tes fans, Romano. Eh oui, mais bon. Eh oui, oui. Bon, on est en direct jusqu'à minuit. Comme vous le savez, vous pouvez débarquer à n'importe quel moment de l'émission. Il y a un instant, je vous parlais de 50 Cent. Un petit son de 50 Cent. On écoutait le club. Ah, ça c'est Just Little Bit, une petite dédicace à Romano d'ailleurs. Ah, merci. Il avait écrit ce morceau en sortant des studios de Skyrock. Il a dit, tiens, j'ai vu Romano, je vais faire Just Little Bit. Tu l'as inspiré, quoi. Just Little Bit. 50 Cent qui a eu quelques petits problèmes, il s'est produit dans des îles, donc juste à côté des États-Unis, des îles dans les Caraïbes. Caribbean. Et il s'est fait arrêter. Alors, tu as proposé plein de choses, sa faillite, Romano, non. L'alcool, parce qu'il a créé une marque d'alcool, non plus. Il a fumé sur scène, vous êtes nombreux à l'avoir dit, non, c'est pas ça. C'est Youssouf qui a trouvé le premier la bonne réponse. T'es là, Youssouf? Ouais, je suis là. Ouais. Salut Youssouf. 19 ans, dans le 9-2, t'es où dans le 9-2? À Colombes, mais bon, salut les Colombins. Ouais. Les Colombiens, gros. C'est Colombien. Oui, les Colombins, c'est ce que pose Cédric dans les chiottes. Oui, par exemple. C'est fort, ouais. Et oui. Alors, Youssouf, qu'est-ce qu'il a fait, 50 Cent, pour se faire arrêter par la police? Il était en concert et il a dit motherfucker. Oui, alors ça, t'as pas le droit de dire motherfucker. Dans les îles. Non, mais c'est. Dans les Caraïbes. Ouais, ça, c'est. Ah, mais juste ça, mais ouais, motherfucker. Ouais, des insultes. À son DJ, ouais. Motherfucker. Non mais ouais. T'imagines SCH et SCH, tu nous écoutes, le motherfucker, faut pas le faire. Faut pas le faire aux États-Unis, enfin faut pas le faire dans les Caraïbes, fais attention, sinon tu risques d'avoir des problèmes. Ah, mais il nous fait payer cash en plus. Hein. Combien il a payé? $1,800. Bonne réponse, Cédric, $1,800. Bravo! Il a au commissariat, le mec, il a dû payer son amende. Et ouais. Mais dans les morceaux, quelquefois, il y a des insultes. Et oui, mais il les enlève dans les. Certains pays, il arrive. Ça fait un mode. Ça fait pas motherfucker, ça fait mode bip. Donc SCH, il serait américain, il dirait. Il dirait pas Madafa qui ferait Madabup. Ouais. Bien joué, Youssouf. T'as trouvé le premier la bonne réponse. Merci pour toutes les réponses que vous avez laissées. Hein. Qu'est-ce que tu veux qu'on t'envoie, Youssouf? On a des jeux et des maillots, c'est au choix. Je vais prendre un maillot. De l'OM. Un maillot de l'OM. Très bon choix. Vois, comme quoi. Écoute, parfait. Je t'envoie le maillot de l'OM et puis je te copie une chanson spécialement pour toi. Elle est où? Bizarre, Youssouf. Hein. Elle est là. C'est bizarre. Pourquoi? Parce qu'il habite dans le 92, il est pour l'OM. C'est bizarre, gros. C'est il lâche pas l'affaire, il a raison. Tu joues rien cette année. Je t'envoie un bonus, un petit morceau sympa, c'est pour toi. Paris Saint-Germain. C'est pour toi, Youssouf. Paris Saint-Germain. C'était mieux 50 Cent quand même. Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Voilà, allez Paris Saint-Germain. Ça va. C'est gagné, Youssouf. On t'envoie ton maillot de l'OM alors, à la maison. Ça marche. Salut Youssouf. Salut. Et tout à l'heure, il y a d'autres maillots à choper. On jouera avec les bugs de Romano. Tenez-vous prêts. T'as déjà eu un plan cul, Youssouf? Non, jamais. Jamais un plan cul. Oh, non. Toi, t'es un mec bien, toi. Ouais. Pas de plan cul. Bah, c'est ah pas, non, jamais. C'est pas sérieux. C'est quoi. Pas le cas de tout le monde. Bon, ah dans l'équipe, ouais. Qui a eu un plan cul, Romano? Ouais. T'as essayé qui ton plan cul? Bah, il y a eu Carriole au début. C'était un plan cul au début. Ça, j'ai cru que t'allais dire ça l'est toujours. Bah ouais, parce qu'on s'est connus, on avait chacun quelqu'un et on se voyait pour baiser. Et ouais, et alors qu'avec la gothique, c'était direct une histoire d'amour. Ouais, tu vois, Romano, la gothique, vrai. La gothique, je te la conseille. Bien mon frère. Bah oui, bien, bien la gothique, trop belle. Bah non mais elle, parce que elle, j'ai pas pu la niquer direct, tu vois. Qui la gothique. Ah, t'as plus travaillé, ouais. Ouais, parce qu'il était amoureux. Tu lui as fait croire que c'était ta meuf. Donc plan cul pour Youssouf, non. Pour Romano, oui, la Marie, bon. Ouais, bah oui, ça. Et évidemment, j'en ai toujours, j'en ai 8-9, c'est un. Non, mais non, je suis avec mon mec. Mais ça fait 10 alors, ouais. Non, mais n'importe quoi. Bah là, on arrondit à 10. Non, non. Ouais, moi, ça m'est déjà arrivé aussi. Eh ben la pauvre. Oui. Ah, bah oui. Aux femmes. Tu choisir que depuis une lesbienne. Heureusement qu'elle lui fait. Heureusement qu'elle récupérait un peu d'argent chaque fois qu'il faisait l'amour. Non, mais c'est ouais, voilà. Elle se consolait comme ça, la pauvre. Rien t'as mis avoir. Un plan ouais, cul. Ouais, ouais, ça mais c'était une prostituée, quoi, Cédric. Non, rien servi. Ah, ouais, non, j'ai pas la différence entre les deux, quand même, t'es gentil. Bah, Karine, plan cul aussi. Ouais, aussi, ouais. Ouais, dans l'équipe, tout le monde a des plans cul. Bah, moi, mais payant. Si gratuit, c'est gratuit. C'est pas très sérieux, tout ça. C'est pour Marjo. Marjo, t'es tombée amoureuse de ton plan cul, toi. Ouais. Enfin, tu commences à t'attacher très fort à ton plan cul. Ça fait combien de temps que il a 26 ans, t'en as 19. Il y en a plein qui disent, d'ailleurs. Il est content de baiser une petite jeune, ça lui fait de la chair ouais, fraîche, ça, mais, ouais. Mais ouais, y a quoi, ça va, bien que c'est pas un vieillard non plus. Il y a que ça qui l'intéresse. Après, oui, 19-26, faites le calcul. Ouais, avec, ça fait combien, Marie? Oui, bah, calcul. Ah, bah, calcul, du con. Renard. Alors, Marie. Enculé. Moi, je voudrais savoir un truc. Non, mais attends, on n'a pas la réponse. Comment ça fait? Non, mais vas-y, calcul. J'arrive pas, vas-y, s'il te plaît. Allez, Marie. J'y vais au pif, je dis 5. Non, eh ben, pas loin, Marie, c'était 7 ans. C'est pas dommage. Ouais, 7 ans de différence. Après, ouais, t'as l'impression qu'il te considère comme une. Je sais pas, comme une chose. Gamine. Bah, il est un peu chiant parce qu'il arrête pas de dire qu'il y a l'âge. Ah ouais. Genre. Au début qu'on se voyait, il disait tout le temps que c'était la dernière fois qu'on se voyait, et puis au final, non. Ah, putain, t'as resté. Ah, c'était qu'il a envie de baiser. Et ah, bah, ouais, ouais, c'est ça, quand il a envie de baiser. En fait, c'est plus lui qui t'envoie des messages ou plus toi? Non, c'était plus moi au début, et maintenant c'est. J'ai normal, une question plus à fond que lui, tout simplement. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas dans l'équipe, bien sûr, mais vous aussi au 41-759, sur l'appli Skyrock, tout ça. Ouais, mais il faut pas trop attendre, parce qu'après j'oublie mes questions. Alors, vas-y, Romano. Ça y est, l'oublier. Ouais. Ah, voilà ma question. La question est revenue. Alors, oui, je voulais te demander, Marjorie, est-ce que vous voyez uniquement pour baiser ou de temps en temps vous faites d'autres trucs ensemble? Genre, je sais pas, aller bouffer au cinéma? Non, c'est vraiment que de la baise. Baiser. Mais vous, non. Non, mais des fois, tu sais, parce qu'un plan cul, tu peux quand même faire des trucs à côté, tu vois. Bouffer ou aller au cinéma. Bah, bouffer de la bite, ouais. Boire des coups. Prendre des coups. Ouais. Il veut pas trop se montrer parce qu'on vu qu'on travaille au même endroit. Et ah, il veut ça, pas que ça se sache. Bonne excuse, ouais. Il est fort. Ouais. Alors, faut surtout pas lui en parler, c'est ce que vous dites en majorité. Hein. Il y a Poison 28. Ne lui en parle surtout pas, il va se barrer. Message d'espoir de 6 ou 25 ans. Ça fait un an et demi que j'ai un plan cul dont je suis tombée amoureuse. Ne fais pas la même erreur. Va-t'en. Tant qu'il est encore temps. Mais non. Déjà, t'es sûre et certaine qu'il n'est pas encore une meuf ou... Non, ça je sais que non. Ouais. Il va te dire des conneries du style, je suis pas prêt, je veux pas te faire souffrir, blablabla. Moi, je commence à m'attacher à mon plan cul comme Marjo, c'est la copine de bière de Marie. Bonjour à toi, ma chérie. Salut à toi. Tiens, on a qui au téléphone aussi avec nous? Il y a Henrik. Salut, Henrik. Salut. Henrik, 25 ans, était à Lyon, toi. C'est ça. Alors, tu es un spécialiste des plans cul. Qu'est-ce que tu voulais dire à Marjo, toi, pour son histoire de plan cul? Faut pas qu'elle lui dise. T'es d'accord avec la majeure partie des messages qu'on a reçus. Hein. Ne lui dis pas, sinon il va se barrer. Il est juste avec toi pour le cul. Essaye de le séduire autrement, mais surtout pas. Cache un message de PSG sur SMS. Ah non, le PSG. Il faut pas que tu sois disponible tout le temps pour lui, en fait. Ah. Ouais, dans ce cas-là, ça sert à rien d'avoir un plan cul. Il faut que tu crées un peu le manque. Et là, peut-être qu'il peut s'attacher un petit peu à toi. C'est vrai. Ouais, elle a pas tort, la Marie. Moi, je pense qu'il y a absolument rien. Voilà, moi, je vais casser le délire tout de suite. Écoutez-moi, cette petite saloperie qui ne voit même pas la lumière au bout du tunnel. Ah, bah là, il n'y a pas de lumière, là. La lumière, elle est grillée, là. L'ampoule, elle est grillée, là. Il y a Enzo qui nous dit, tu le garderas pas, il a trouvé de la chair fraîche, 19-26 ans. Non, mais c'est même pas ça. C'est que déjà, le mec, voilà, il t'appelle uniquement quand il a envie de baiser, concrètement. Bah, c'est ça le principe d'un plan cul. Mais d'accord, mais tu sais, il pourrait. Genre, vous pourriez par exemple aller au cinéma et derrière il ken. Tu vois, là c'est vraiment le mec qui vient, il ken quoi. Et Barbie, elle est où? Donc je pense que. Elle est où, Barbie? Quoi? Elle est. Je sais pas où elle est. Elle ken. Mais moi je te dis, c'est mort. Voilà, moi j'ai donné mon avis. Moi je suis de l'avis de Romano un peu aussi. Bah, je suis assez d'accord avec toi. Merci. Ça se tente. Non, mais on a des messages qui disent qu'un plan cul est devenu un plan love. Bah, Romano, tu devrais être positif parce que tu parlais de carriole. Malgré l'amour que tu portes à la gothique, c'est quand même devenu un plan love. Par exemple, moi quand j'allais, tu sais, on s'appelait pour niquer. Tu vois, j'allais... faisais des trucs, une activité avant de la ken. Ouais, où on niquait, après derrière on allait bouffer, tu vois, je la kennais pas, je me rhabillais, je me barrais pas direct chez moi, tu vois. Ouais, propose-lui peut-être bah, des trucs. Bah non, c'est pas ça. Ah, quand même. Ah, quand même, oui. Non. Quand il vient, vous voyez chez toi ou chez lui? Chez lui. Mais là, on peut plus parce qu'en fait, il a plus. Et sa femme. Ah bah oui. Ah. Et ses gosses. Et ses quatre gosses, parce que ça, il avait oublié de te le dire. Oh, putain, mais en plus, pourquoi, place et... pourquoi vous pouvez plus, là, ce temps-ci? En fait, il a plus le permis et il est en scooter et ça se verrait en rentrant chez lui, en fait, parce qu'il habite derrière chez ses parents. Il a honte de toi? Mais je te dis, ce mec, il a une histoire cachée, moi, je ouais, sais. C'est vrai. Mais non, mais je sais pas, c'est bizarre. Et sexuellement, de plan cul, qu'est-ce qu'il a fait qui fait que tu tombes amoureuse de lui? Bah, au départ, c'était, je le trouvais trop beau. Trop beau. Et puis après, bah, j'ai commencé à lui parler sur Facebook et puis voilà, ça s'est fait tout seul. D'accord, mais en fait, ce qui t'attire, c'est que tu l'as pas, en fait, que t'arrives pas à l'avoir, je pense. Non, mais est-ce qu'il nique mieux que les autres? Bonne question, Manon. Oui. Ah bah voilà, ah bah ouais, ah ouais. Il faut bien niquer les gars, vous entendez, t'entends Henrik, hein, faut bien niquer. Ouais, ouais. Et donc toi t'as eu un plan cul, Henrik, comment ça s'est passé? Ouais bah moi en fait j'avais, en fait c'est une histoire bizarre. Vas-y, on adore ça les histoires bizarres. J'avais donc, j'étais à la recherche d'un appart et bon j'avais un plan cul à ce moment-là. Mm-hmm. Et donc je la voyais pour niquer. Et tiens, c'est qu'elle, elle m'a dit, en attendant que tu trouves un appart, viens t'installer à la maison. Absolument oui. Donc je suis allé m'installer chez elle et en fait au final pour elle c'était plus une relation de couple que non mais c'est vrai que la meuf à partir du moment où t'es chez elle bon voilà. Oui elle peut se dire le mec il a envie de vivre avec moi, c'est mon mec quoi. Ouais voilà c'est ça, mais ce qu'il y a c'est que elle petit à petit elle s'attachait et plus ça allait plus elle voulait faire. Ouais mais normal, toi t'acceptes de venir chez elle, elle pour elle c'était elle s'est dit ouais ça y est le mec il est à fond quoi. À fond. Ouais. Bien sûr. Mais toi, t'étais mais pas à fond, toi. Je ne fais rien du tout, quoi. Je me levais le matin. On t'entend plus. Ah, ça y est. Ah, ouais, ça coupe là. Ah, ça y est, on a perdu. Henrik. On a perdu Henrik. Perdu Henrik. Merde. Bon, un message d'espoir. Mon ex, alors ça, c'est un message qui marche dans le sens inverse. On n'avait pas eu mal de messages, hein, de plan cul qui sont devenus des plans love. Il y en a même qui ont fait des enfants. Je voyais Titi du 4 qui disait j'ai eu un plan cul, on est mariés, on a fait un enfant. Ah bah bravo. Bah comme quoi. Hein. Ah non mais ça je dis pas que ça peut pas marcher, mais pour Marjo d'après ce que tu nous as décrit, bon tu nous as dit je savais qu'elle est de Bourgogne, on m'a dit mais si tu pouvais être pas là en patois pendant l'émission, clair, hein, ça serait plus clair. Si elle a compris parce que parle mieux. Elle, non mais tu nous as dit que comment ça se passe en gros, il t'appelle, il dit allô Marjo, viens, j'ai envie de te ken. Allô, Marjo, non, viens, non, je te casse le dos. Il dit qu'il a envie de me voir et voilà. Très bien. Enfin, oui, j'ai envie de te voir. Ouais, en fait, c'est le, il dit oui, la même non, chose. Bon, ouais, mais en oui, gros, c'est oui, le voir, c'est mec, ça veut dire niquer. Le mec quoi. Est bien ouais. élevé, c'est bien. Ouais, non, mais c'est ça. Et du coup, t'arrives chez lui et vous quoi, vous discutez deux minutes et vous niquez quoi. Non, c'est pas, on se pose, on met un film. Non, je fais un peu son ménage. Dur passage. Je repasse. Donc ouais, il met un film. Non, mais le mec est plutôt bien éduqué, hein, ça va. Hein. Ah, une autre question de Romano. Il est fort. Oui. Alors, qu'est-ce que tu en penses? D'accord, merci. Merci Marjo. On a. J'ai rien compris. Bah, tu n'as pas compris normal. Alors que tout le monde a compris ce que disait Romano. Hein. C'est la dernière fois que je répétais. Hein. Évidemment. Hein. Tiens, MR 57, mon plan cul est devenu la mère de ma fille. Il a 25 ans. Salut à toi. Moi, j'ai un plan cul, mais ma meuf l'a su parce qu'on est tous dans le même bahut. Ah ouais, non mais ça c'est faux. Faut le plan cul, faut toujours le choisir. Surtout si t'as une meuf. Si t'as une meuf, tu le choisis loin. Le plan cul, loin. Ah puis en plus au bahut, ça parle. Ouais, en plus. Ah ouais. Non, mais après le mec c'est peut-être réel, tu vois, peut-être c'est une petite boîte où vous travaillez, il a pas envie que ça se sache parce qu'il y a des relous. Non mais après chez lui il fait la même chose, faut pas qu'on te voit rentrer, faut pas qu'on te voit devant chez lui. Ouais, genre, oui parce que bon il est grand, il habite derrière ses parents, mais bon j'imagine qu'à 26 ans il a quand même le droit d'emmener à peu près qui veut chez lui. Oui, en plus bah, t'as 19 ans, tu vois, t'es pas mineur. Oui. Sa mère va pas le gronder. Bon et Ikram, qu'est-ce qu'elle en pense? Appelez les pompiers d'ailleurs, les pompiers qui nous écoutaient, passez-nous un coup de fil, on a Ikram au téléphone. Et j'ai le feu au cul moi. Salut Ikram. N'importe quoi. T'as eu exactement le même souci que Marjo. Bonjour Ikram. Eh bien oui, je suis d'accord avec toi Ikram. Merci du témoignage. Je sais pas ce qui se passe avec le standard aujourd'hui, mais le standard Ikram aussi peut-être. Bon, est-ce que tu peux faire Marjo? Moi j'ai bien aimé l'idée de la Marie, de te faire désirer, c'est-à-dire de pas être tout le temps à disposition du gars. Ouais, quand il t'appelle, si tu lui dis j'ai autre chose à faire, j'ai rendez-vous. Voilà. Après, si vous faites des trucs avant, ouais, faudrait que tu viennes un peu mystérieuse, on nous dit, pour qu'elle puisse t'intéresser. Tiens, bah, tu vois, t'es du même avis que Théo, qui nous envoie un message il y a 15 ans. Disponible. Salut, salut à toi, Théo. Ça se tente, hein. Moi, je suis puceau, j'aimerais bien un plan cul. Ah, bah oui, oui, oui, bah ça, je sais. Ah bah, bon. Évidemment. C'est USA Dream qui nous laisse un message. Salut, USA Dream. Putain, mais moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont des plans cul. Ah, t'as dit, content d'ailleurs. Et Ikram, elle est revenue. T'es là, Ikram? Oui, je suis là. Ah, coucou. Après, moi, je croyais que c'était une fille, un homme, moi. On a non, c'est une femme. Ah, oui, c'est parce que tu as tu t'es dit il, Kram, ah ouais, il Ikram, garçon. Ouais. Bah ouais, peut-être, c'est doit être ça, ouais. C'est Ikram, sans le L. Alors oui. Non, Ikram. Toi aussi, t'es tombée amoureuse de ton plan cul? Exactement, c'est ça. Tu l'as rencontré où, ton plan cul? Ben, en fait, sur un site, en fait. On s'est rencontré sur un site. C'est quoi, Smax? Comment? Smax, Badou, Yax. Badou. Tinder. Badou.com. Voilà. Badou. Voilà. Salut les filles. Salut les filles. Je suis sur Badou. Salut les filles. Badou. Voilà. Je suis sur Smax. T'as bien raison, Cédric. Et donc le mec, tu l'as rencontré, vous avez donné rendez-vous, vous avez baisé tout de suite ou? Oui, au bout de deux jours. D'accord, oui, donc c'est. Trop vite. Trop vite. Voilà. Et qu'est-ce qu'il avait de spécial, ce mec, pour que tu tombes amoureuse? Qu'est-ce qui t'a fait de spécial quand tu vous avez fait l'amour, tiens? Parce que c'est je sais pas, non. La totalité, c'est-à-dire on faisait tout. C'était un mec. Est-ce que t'as fait des trucs pour la première fois que t'avais jamais fait avec quelqu'un d'autre? Comment? Un truc que t'as fait avec lui que t'avais jamais fait avant? C'est ça. J'ai fait beaucoup de choses avec lui que j'ai jamais fait avant. Mais tu t'es fait enculer? J'ai pas de Dieu. On se dit tout. On est entre nous. Tu sais. Elle s'est fait enculer. Moi, je suis franche. Je peux vous dire tout. Hein. Moi, je m'en fous. Après, je suis pas tease. Voilà, on a tout fait. Donc, c'est ce que j'ai aimé avec lui, en fait. C'était top, en tout cas. Donc c'est ça, en fait, qui t'a fait tomber amoureuse de lui. Et tu lui as dit un jour que t'étais amoureuse ou pas? Oui. Je lui ai dit. Bah, c'est ça le problème, en fait. Faut pas lui dire. Écoute bien, Marjo, faut pas lui dire. Je lui ai dit, en fait, elle m'a fait la misère. Donc, il m'a dit non, ça se fait pas et tout. Et il a commencé à crier. Ah non, ça ne se fait pas, je suis désolée. J'ai le droit de te baiser, mais c'est tout. Donc, voilà, on s'est disputé ce jour-là, mais grave. Il est parti, on était à l'hôtel. Donc, il est parti. Mais t'as eu des nouvelles quand même un jour? Je l'ai pas vu au bout d'un mois et demi. Ah, quand même. Ah ouais, quand même. Ouais. Il est parti loin. Ouais. Ah, tu l'as bien bloqué aussi. C'est lui qui t'a rappelé, peut-être. Il avait envie de baiser, non? Oui. On appelle ça l'appel du zgeg. Les gars, vous savez de quoi je parle. On a tous parfois, le zgeg est plus fort que la raison. Il avait plus de nana dans son répertoire. Il s'est dit, ah tiens, il crame. Ah ouais, c'est l'appel du zgeg. Ouais, voilà, il m'a rappelé, en fait. Il crame, je vais aller l'arroser. C'est ça. Donc, on s'est vu. Je dis ok, y a pas de souci, on s'est vu, mais rien de plus. Ah ouais. Elle t'a pas déglingué? Non, on a pris un café ensemble à l'extérieur. Ah bah tiens, il va être content du voyage. Il est dégoûté. C'est au bout d'un mois et demi, il a droit à un café, quoi. Et en plus, c'est lui qui l'a payé, j'imagine. En fait, si moi, quand il m'a laissé comme une merde à l'hôtel, je voulais lui faire payer ça, en fait. Ah bah oui, t'as raison. Tu lui as payé un café. Je lui dis, on se voit à l'extérieur, pas dans un hôtel, mais quoi que ce soit. Donc, on a pris un café à l'extérieur et le problème, il est tombé amoureux de moi. Et là, en lui prenant la tête et en lui faisant ce qu'il te faisait, toi, c'est-à-dire en étant pas cool, tu as commencé à l'intéresser. Et donc, il est tombé amoureux de toi. Et à ce moment-là, toi, tu n'étais plus amoureuse et c'est fini. Non. J'étais toujours amoureuse, moi. Et t'es restée avec lui. Et je suis toujours amoureuse jusqu'à maintenant. Très bien, et t'es toujours avec lui. Violon. Et vous êtes ensemble. On est ensemble depuis un an. C'est beau. Tu entends ça, Marjo, comme quoi nos conseils sont pas des conseils de merde, on peut le dire. Marjo, ne pleure pas tellement tu as d'émotions. Hein. Oui, beaucoup d'émotions. Mais tu vois, Marjo, faut être un petit peu mystérieuse, ne pas être tout le temps à sa disposition. Il y en a plein qui disaient ça depuis tout à l'heure. Clairement. Ah bah si t'es à ses pieds, de toute façon ça marche dans toute relation. Oh bah moi une meuf à mes pieds, elle meurt. Ça on comprend. Voilà, elle meurt parce que les pieds. Et surtout, lui dis pas que t'es amoureuse, quoi. Oui. Et d'accord. du coup Du coup Non, elle a répondu à ma question, Marie. Ah d'accord, très bien. Bah, super Marie, avant que tu poses. Marie quand même super intelligente. C'est Eh bien merci du témoignage, Ikram. On te fait un gros bisou. Et puis bah, sois heureuse longtemps, éclatez-vous. Hein. Merci. Et depuis qu'il est tombé amoureux, il continue de te faire la totale quand même. Ah oui, grave. Très bien. Le prochain rendez-vous, c'est pour ce soir, c'est pour quand? Ah oui, c'est pour ce soir, exactement. Très bien, donc on pensera à toi. À quelle heure qu'on pense à toi pendant l'émission? À minuit à peu près. Très bien, juste après l'émission, okay. Toi tu fais les choses bien, c'est bien. C'est bien, ouais. Voilà. Et Henrik qu'on avait perdu mais qu'on a retrouvé, t'es là Henrik? Ouais. Bon, bah merci des conseils Henrik, on va vous envoyer à tous les deux là, et puis même à toi Marjo aussi. Votre t-shirt Skyrock, Henrik direction Lyon, Marjo à Chalon-sur-Saône et Ikram, t'es dans le 95 toi. Hein. Exactement. Super, bah Ikram on te fait un gros bisou. Henrik, merci à toi. Et Marjo, tiens-nous au courant de cette histoire et surtout ne te laisse pas faire. Et sois pas tout le temps à sa disposition, tout le temps. Oui. Tout le temps. La prochaine fois qu'il t'appelle, même si t'en as très envie, tu lui dis non, j'ai pas le temps, j'ai un peu. Sois rebelle un peu. Ouais, je pense que je vais faire ça, Ok. Et méfie-toi parce qu'il a peut-être, s'il se cache tout le temps, il a peut-être une meuf et il veut pas qu'elle soit au courant. Ah, oui. C'est ce que nous disons. Ouais, c'est possible aussi. Mais bon, renseigne-toi quand même. Bon, en tout cas, merci Marjo. Salut Ikram. Salut Henrik. Salut tous les trois. Salut. Ciao. Et puis merci pour les messages que vous nous avez envoyés. Voilà, premier problème géré. Bon, si vous voulez qu'on vous appelle, vous nous laissez vos numéros. Sur le 41-759 et sur l'appli, on salue Supertouze qui vient d'arriver d'ailleurs. Bonjour Supertouze. J'ai une copine et un plan cul, j'arrive pas à les lâcher les deux, que faire? Bah fais en sorte que ta copine se rende pas compte que t'es un plan cul. Voilà déjà. Ouais. C'est mieux. Très belle voix. C'est un bordel. Ouais mais elle est prise, Ikram, elle a trouvé l'amour. Poteau, comme là. T'es intelligent, dit foule. Tu trouves? Pourquoi tu dis ça? Parce que par rapport à ce que tu disais juste avant, je rappelle plus mais c'était génial. Ouais. C'est vrai moi non plus, je me rappelle plus mais c'était génial. Tiens, quand j'ai eu 20 ans, il m'est arrivé un délire flippant. Appelle-moi, s'il te plaît, Nora. Bon, je vois que les filles, vous êtes déchaînées. C'est quand le double appel poteau? Fallait être là à 21h. On l'a fait à 21h, le double appel tout à l'heure. Eh ben voilà. On est tombé sur Simone et je sais plus qui, Michel, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Michel et Simone, elles étaient super. Elles nous ont parlé d'oiseaux pendant 2 minutes. C'était parfait. Les mésanges. Les mésanges, les pivers. Ah ouais, la discussion, quoi. La discussion. Et après, Patrick est intervenu. Alors là, c'était le summum du summum. Donc, double appel déjà fait. Ça veut pas dire qu'on en refera pas un autre d'ici minuit. Il y aura la traduction des bugs de Romano aussi. Ah, tiens, l'iPhone de Romano me demande des nouvelles de mes voisins. Je vais justement vous annoncer la suite de notre grand feuilleton puisque cet été sur Skyrock, on vous propose le feuilleton de l'été. La super production Skyrock pour la radio libre cet été. La voici, la voilà. Romano et ses nouveaux voisins. Que s'est-il passé? Vous saurez tout dans un instant. Ne bougez pas. Dans un instant, la suite du grand feuilleton. On n'a pas la musique de mes chers voisins. La musique de mes chers voisins. Je vais regarder. Moi, si je l'ai pas de mon côté, mais je sais pas si tu l'as. A priori, si tu l'as pas de ton côté, je devrais pas l'avoir du mien non plus, Romano. Parce qu'on a chacun nos ordinateurs. Je ne voulais pas partager. Oh oui. Mais tu vois, je vais regarder. J'ai pas mes chers voisins. Et donc oui, un petit rappel de l'histoire, petit résumé du premier épisode. Le premier épisode, c'était hier soir. Hein. Hier soir, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai des nouveaux voisins là depuis quelques jours. Là. Ouais, tu veux pas scène de ménage, non, toi? Bon, non. Oh bah si tu veux, ouais, parce que ça peut se terminer en scène de ménage. Ouais. Voilà, donc alors attention. Voici donc le résumé de la story de l'épisode d'hier. L'épisode d'hier soir. Bon, des nouveaux voisins sont arrivés hier matin 8h. Cariole s'est fait réveiller parce que la meuf du dessus était en train de passer l'aspirateur, mais à fond et limite, elle passait l'aspirateur en talon aiguille. Voilà, c'est sympa. Et là, comme ça. Donc, Cariole se lève. Moi, je me lève une demi-heure après. Elle commence à me chauffer. Elle me dit, les voisins, ils font chier. Je fais m'attaque à monter. Elle me fait m'attaque à monter. Quelle engraineuse, celle-ci. Quelle engraineuse. Et donc, et en plus, elle sait qu'on réveille. Faut pas trop me chatouiller les orteils, comme on dit. Ah ouais? T'es ronchon? Ouais, un peu. Ouais, moi aussi. Donc, je lui dis, ok, je monte. Donc, je sonne. Là, pas de réponse. Je croise ma gardienne et je lui dis, il va falloir leur dire, sinon ça va mal se passer. Voilà. Des menaces. Des menaces à la gardienne. Des menaces. Non, parce que la gardienne n'était pas contente non plus. Ça avait fait du bruit. Elle avait déjà fait la réflexion. Il y avait la porte qui avait claqué. Ça l'avait mis à bout de nerfs aussi. Oui. Donc, la suite des aventures dans quelques minutes. L'épisode du jour va démarrer. Exactement. Votre épisode avec vos voisins. Restez bien là sur Skyrock. Et puis, si vous voulez passer dans l'émission, je vous le disais, vous nous appelez 01 53 40 30 20. On est en direct. Il y a toute l'équipe qui vous attend. Et le son qui arrive, MHD. Une seule radio est officiellement partenaire des concerts de Rihanna en France. Et c'est encore Skyrock. Hi, this is Rihanna and you're listening to Skyrock. 3 semaines avant le raz-de-marée Rihanna. Skyrock t'offre les dernières places de concert pour les 4 stades de Rihanna. À

je vais enculer Cédric au bois de Boulogne. Difool. Je prends un t-shirt sale pour m'essuyer quand je me branle. Cédric. Allez Cédric, fais-nous ta blague. Et dans le Cantal, oublie le Cantal. Marie. Moi je recherche un homme un peu soumis. Est-ce que t'es soumis toi? Très très soumis. Cool. Moi j'ai un fouet à la maison. Ouais, ça me dérange pas. Et bon, moi je te bouille quand tu veux ma chérie. Momo. Oh là là là. Oh là là. Oh là là. Putain mais c'est un petit gros c'est un peu, faut être comptoir. Oh là là là. Et Karim. Karim. Je me prostitue là, j'ai pas le temps, désolé. Difool Radio Libre tous les soirs. 21h minuit sur Skyrock. Eh ouais, on est là pendant tout l'été sur Skyrock, en direct ce soir. Profitez-en, on est en direct pendant jusqu'au 14 juillet au moins. Et puis après, bon, un peu de vacances. Et ça vous permettra de retrouver d'ailleurs les meilleurs moments de l'émission, les pires également. Hein. Oui, bah ça. Et on retrouvera d'ailleurs Momo. Eh oui, parmi les meilleurs et les pires. Et il y avait aussi Momo. Notre Momo. Et oui, on le retrouvera cet été dans la radio libre. Ça nous fera bien plaisir, en tout cas, tout ça. Bah, en tout cas, on est content d'être avec vous, content de passer la soirée en direct sur Skyrock. Qu'est-ce que tu fais, Romano? Non, je fais des tests sur la table de mixage. Ouais, non, mais alors, tu. Ça marche bien. Il est content. Oui, je t'entends, ouais. Bah oui, je t'entends. Ah, c'est génial ce truc. Bah ouais, c'est un micro, Romano. Non, mais je peux. C'est dire... quand même magnifique. Ça fait quand même quelques années que Romano fait de la radio. En plus, il est professeur de radio dans une école de radio mondiale. Et il vient de se rendre compte que ça. Ça, c'est un micro. C'est un mic. Eh ouais. Ah bon? Bah, je croyais que c'était un godmichel. Ah, parce que moi, je me le mets dans le cul, moi. Bah oui, je t'entends. Ouais, mais parce que c'est un bouton spécial. Ah, d'accord. Je peux te parler sans qu'on m'entende à l'antenne. Ça, quand tu parles là, on t'entend pas à l'antenne. Eh bien non. Ah bah écoute, fais-le toute la soirée, ça pourra faire des vacances. Vas-y, réessaye. On t'entend, le connard. On t'entend. C'est vrai que tu te mets la bite, je vais t'en coller une, toi. Ah. Mais on m'entend, mon micro il est éteint. En fait, c'est un bouton que j'appuie. Ah, très bien. Mais on t'entend quand même, du coup. Ça n'a aucun intérêt, en fait. Romano est dangereux, nous dit Pochetron, 15 ans. Vous trouvez que Romano est dangereux? Non, mais pas du tout. Mais j'ai découvert un truc, je m'abuse. C'est intéressant. Bon, j'ai le classement de. On a lancé un grand sondage express. Alors, il a fallu un petit moment pour le calculer. On l'a fait il y a une demi-heure. On vous a demandé qui va gagner l'euro. J'ai les résultats de qui va gagner l'euro. Vous allez savoir qui va gagner l'euro ce soir sur Skyrock en exclu. Alors. Total, vos pronostics après la sensation islandaise. Ah ouais. La sensation italienne aussi. La sensation, oui, mais ah bon, ouais. C'était moins surprenant. Quoique les Italiens, dès le début, je pensais qu'ils allaient se faire dégager dès le premier tour. Ils ont tapé l'Espagne. Ils sont tellement solides aussi, l'Italie. Que... Ah, ils sont solides, les Italiens, ouais. Alors, nous, on n'entendait pas Romano quand il parlait, vous nous dites. Ah, Team Samy. Ah, de la voilà, Samy. Merci. On entend bien. Plus dans nos casques, alors. C'est bien. Bon, alors, voici donc les résultats. Ah, parle bien, toi. Il a dit, Cédric, t'as un gros con. Ah, non, mais j'ai entendu. Cédric, je vais te faire chier avec ça. Mais tu vas faire chier. C'est rien, parce que les auditeurs, ils n'entendent pas. Bah ouais. Ouais, mais c'est juste. L'inverse, ce serait bien si les auditeurs entendaient que nous, on entendait que Cédric était seul à pas entendre. C'est ça. Ça, ça serait changer les réglages. Bon, alors, moi, j'entendais Romano, nous dit le joint. Ah, mais ça dépend. Salut le joint. Bon, il y a une rumeur qui dit que la weed serait légalisée. Ouais, aux États-Unis. En France, on est encore trop cons pour ça, mais avec le temps, ça va venir, vous verrez. On va peut-être y arriver. Voici donc le classement de. Parce qu'on a fait un classement, en fait, l'équipe qui va gagner l'euro, on vous la donne, mais on vous donne également les équipes qui arriveront juste derrière. Voici notre grand rendez-vous de notre classement premier sur le foot, bien sûr. Alors à la 8e, il reste 8 équipes, hein, puisqu'on est en quart de finale. À la 8e position, d'après vous, qui est-ce que vous avez choisi? Pays de Galles. Non. L'Islande. Oui. Ouais. L'Islande. Vous êtes dur avec l'Islande. Les Gallois sont 7e. J'aurais mis les Gallois, ouais, moi. Bon, ben les Gallois sont 7e, l'Islande 8e. 6e, le Portugal, malgré tous les Portugais qui sont mobilisés. Ah, vive Portugal. 6e. À la 5e position, la Pologne. Ce qui veut dire que ces 4 équipes, si vous pronostiquez bien, devraient se faire éliminer au prochain tour. L'Islande par les Bleus, c'est normal. Enfin, Pologne et Portugal, ils peuvent pas sortir les deux puisqu'ils se jouent l'un contre l'autre. C'est vrai, c'est la question que je me posais en donc fait. Donc c'est pas possible. Bon, après, à la 4e position, on trouve nos amis belges. Ouais. La Belgique. À l'aise, hein. À l'aise. Tiens, vous n'avez pas des numéros en Belgique? Trouve-moi un numéro de resto en Belgique. On va faire un truc en Belgique. Numéro 3. Alors, on passe aux 3 premiers. Les 3 premières équipes. D'après vous, qui est-ce qui est 3e? L'Italie. 2e et 1er. L'Italie, 3e pour Samy. Allez, l'Italie, 3e. L'Italie, 3e. L'Italie, 3e pour Samy et Romano. L'Italie pour Cédric. Copie sur ses petits camarades. Copie en tout le monde. L'Italie, non. Vous avez mis l'Allemagne, 3e. Ah ouais? Ouais. L'Allemagne, 3e. Et donc ça nous donne donc pour la suite. Vous savez qui est-ce qui est premier? Bah la France. Allez les Bleus. Sont premiers de votre classement. Donc pour vous, on va gagner l'euro. On reconnaît bien notre modestie française. Ouais, ça c'est bien français ça. C'est vrai, mais moi aussi j'ai mis les Bleus moi. Parce que j'ai voté pour le sondage. Donc premier les Bleus, deuxième l'Italie. Italia, bye bye bye. Troisième les Allemands. choucroute. Numéro 4, les Belges. Donc 5, Pologne, Portugal 6, 7, Galles, Pays de Galles. Et numéro 8, l'Islande. Voilà pour votre classement footballistique. Bah écoutez, allez les Bleus, hein, comme le dit Alex allez du 17. Et ouais. Allez. Donc l'Italie deuxième, c'est vraiment la surprise de cet Euro avec l'Islande. Ouais, faudrait qu'il passe l'Allemagne déjà l'Italie, mais prochain match Allemagne-Italie, ça va être dur. Ouais, putain. Ouais, bah ça, c'est samedi ça. En tout cas, d'après votre classement, pensez que les Italiens peuvent passer. Ouais, ouais. Eh bien, on suivra ça évidemment, on en reparlera évidemment dans l'émission. Puis vous aurez votre journal des Bleus, de l'Euro, de la Radio Libre, de Skyrock. Ce soir, avant minuit. Yes. Il y a Laura là, bah, je cherchais Laura, je t'ai trouvé. Laura qui est en direct avec nous et on va aller faire un petit tour en Belgique d'ici quelques instants. Là, tenez-vous prêts. La Belgique qui nous ouvrira ses portes. Oui, on va parler d'un truc en Belgique, un truc qui fait scandale en Belgique. C'est quoi? Un scandale? Oui, c'est un scandale, vraiment. Un scandale? Que ça ne va plus du tout. Hein, mais... Que les frites ne sont plus assez salées. Bah, oui. C'est un véritable scandale. Oui. Essaye de trouver la copine de Romano, là, celle qui touille des frites. Tu vois, l'air d'autoroute, là, où c'est une cabane de chantier, là. Vas-y, mais je crois que ça ferme, Master C, hein. Mais sur l'autoroute. L'air d'autoroute. Ah, ouais, 24-24. Non, c'est où il a été. Mais à 10h du soir, c'est fermé. Excusez-moi, monsieur, que je suis la touilleuse de frites. Oui, bonjour, madame, vous avez une voix d'homme. Oui, que j'ai touillé les frites actuellement, là. Ah, alors, c'est une merde, alors. Mais sur les coups de 10h30, nous fermerons, j'arrêterai de touiller des frites jusqu'à demain matin. Fini. Putain, elle doit avoir un bras musclé. Quoi. Jusqu'à tantôt. C'est... Ouais, l'autre, elle doit avoir un bras, c'est comme Pompéi, ah ouais, il a un gros ça. Bras. Et... Mais ouais, mais bras, que je touille, c'est... toujours du même bras. C'est bien. Et je touille les frites. Donc, on parlera du scandale qui secoue la Belgique, on s'en occupera tout à l'heure. Tiens, je vais manger une saucisse panée. Voilà, j'en veux une, mais avec du jus. Ouais, non, ça va aller. Qu'on n'a pas ça en stock, monsieur, que ça s'appelle une bite que vous voulez. Ah ouais, je veux une bite. Ah ouais, vous connaissez bien. Bon, Laura, qui doit connaître mieux que nous, je pense. Salut Laura. Salut les filles. Salut. Salut Laura. Salut les filles. Bienvenue à toi. Bon, il y a plein de messages qui nous parlent d'un attentat à Istanbul. Oui, il y a eu un attentat à Istanbul, à l'aéroport d'Istanbul. Ouais. Ouais. On a vu ça depuis tout à l'heure. Il y a eu deux bombes. Ouais, attentat suicide perpétré par deux kamikazes a frappé l'aéroport Atatürk d'Istanbul. On salue nos amis turcs et notre Oran à nous là, qui garde la radio pour nous. Ouais. Qu'est-ce que tu as dit, Karim? J'ai dit Kardeş. Kardeş. Ça veut dire frère en turc. Ouais, Kardeş, c'est comme Rouya d'ailleurs. Ouais, je connais Rouya, moi. Sahaftorek Rouya. Sahafturkoum, ouais. C'est le ftou. Sahafturek Rouya. Sahafturkoum, les amis. Bon appétit, Karim. Ah, bon appétit. Bah, il commence à manger, donc si vous appelez au 01 53 40 30 20 pendant 10 minutes, il est off, Karim. Ouais, bah normal. Il se mange. Un bon sandwich, jambon beurre, c'est bon. Bon, bah bon courage à tous les amis turcs qui nous écoutent. Il y a un paquet d'attentats en Turquie, quand même. Ah ouais, c'est terrible. Depuis quelques mois, il y a au moins 10 morts, d'après ce que je vois là. Juste à l'instant. Ouais, a priori. A priori. Bon, alors, qu'est-ce qu'on disait? Ah, on disait bonjour Laura, bonjour Laura. Laura? Oui. Ah, oui. J'ai cru que t'avais perdu. Donc, bienvenue Laura. C'est super plaisir de vous avoir. Bah écoute, c'est gentil de nous appeler. Faites comme Laura, vous nous passez un coup de fil, vous débarquez ici. Alors, qu'est-ce qui se passe Laura? Pourquoi tu nous appelles toi? Moi, en fait, je vous appelle parce que c'était lundi matin. En fait, je prends tous les matins le bus pour aller à mon taf, en fait. Ouais, tu fais quoi comme taf? Je suis dans une boîte qui fait du marketing pour les entreprises. Très bien. Et en fait, si tu veux, quand j'étais à l'arrêt de bus, j'étais avec des collègues, tout ça. Et en fait, j'ai repéré une personne, donc c'était un garçon, qui, si tu veux, me regardait un petit peu. Et, bon gosse. Ouais, franchement, ouais. Eh bien, écoute, je tiens à te le dire, Laura, j'étais à l'arrêt de bus lundi matin. Et reconnu à Lille. J'étais à Lille. Parce que j'aime bien Lille. J'aime bien cette ville. J'aime bien le Nord. Et j'ai donc passé le week-end dans le Nord. Et lundi matin, j'ai pris le bus. Et ben voilà, tu m'as retrouvé, Laura. C'est lui. Ah, bah, tout simplement. Eh oui, c'est facile, hein. Donc, tu veux lancer un avis de recherche. Trop beau. Ouais, boss. En fait, si tu veux, après, j'ai senti un petit peu le contact passer, on va dire, puisque, si tu veux, genre, il m'a laissé passer pour prendre le bus, tout ça, tu vois, j'ai senti un peu le contact. Et c'est vrai qu'après, on est descendu au même arrêt, mais je suis pas allé lui parler, tu vois, et si tu veux, t'as j'aurais bien aimé. T'as pas suivi. Non, en fait, c'est sorti avant moi, mais j'ai pas. Ouais, quoi, le mec, après, il a peut-être autre chose à foutre aussi, quand même. Oui, peut-être qu'il allait bosser, lui aussi. Ouais. Non, mais tu l'avais jamais vu dans le bus, parce que si tu prends tout non, le temps. Non, c'était la première fois, donc j'attends de voir s'il reste de la semaine, je le recroise ou pas. Mais tu peux tout taquer tous les matins. Mais là, tu nous as dit que c'était lundi, donc aujourd'hui, tu l'as pas recroisé? Non, parce qu'en fait, j'ai raté le bus que je prenais d'habitude. Merde. Oh, la gourde. C'est le jour, il fallait pas le louper parce que. Parce que tu t'es fait belle. Le mec a dû. Alors après, ça dépend. Le mec, il t'a regardé toi, peut-être qu'il regarde plein de meufs dans le bus et que ça l'excite. Ou alors il louche. Ou alors il louche, oui. Alors s'il louche, il regardait la meuf d'à côté, peut-être. Ouais. Donc ou alors il a vraiment craqué sur toi. Il y a plein d'histoires d'amour hein, qui sont nées dans les transports. Ouais. Bah après, faut avoir les couilles d'aller voir la personne. Ah quoi. Ouais, de brancher comme ça. Ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai. Après, on avait donné des méthodes, hein, nous. Hein. Il y a Fred d'ailleurs. Mais Marie avait une super méthode. J'aurais été sûr que t'allais ressortir ça. Alors c'est quoi la méthode de Marie? C'est la méthode. Alors tu arrives avec un pain au chocolat, des croissants. Ah, c'est ça. Non, c'était un café. Un café dans le bus. Et une cafetière. Alors ce que tu fais. L'espresso. Tu branches sur l'allume-cigare. Alors, attends, je te rappelle. Du chauffeur de bus. Je te rappelle que c'était deux personnes qui se voyaient tous les matins et j'avais dit, ouais, prends par exemple un café avec le tien, tu lui proposes. Prends un cake. Un cake, non. Non, j'étais sur le café. Vous partagez votre cake. Donc tu as entendu, Laura, la prochaine fois, ce que tu fais, mais chaque fois que tu prends le bus café maintenant, emporté, à n'importe quelle heure, du jour et de la nuit. Tu arrives avec ta petite cafetière, ta petite tasse de café, et après tu l'ébouillantes avec le café parce que forcément dans le bus, à un moment il va freiner, donc ton café dans la petite tasse. Avec le bol que t'as à ce moment-là, le chauffeur pile. Ouais, le mec est ébouillanté et fini aux urgences. Mais n'importe quoi, en traitant de connasse, en disant quelle connasse de m'avoir. Oui. Et les gars, faut arrêter là, parce que je vois plein de messages de Lillois. Alors, ils étaient combien les mecs? Parce qu'il y a Pochetron qui dit ah, c'était moi. Wallace qui dit exactement la même chose. On a Fred qui nous laisse la même chose. Il y a Luc qui nous a laissé un message aussi. C'était moi l'arrêt de bus. Laissez-moi son numéro. Ouais, même des mecs de Marseille qui laissent leur numéro. T'inquiète, qui était à Lille, t'as raison. À Lille, ouais, on va y arriver. Ah ouais, des Marseillais aussi qui nous laissent des messages. Il faut que tu le décrives, mais en gardant un détail, sans nous le dire, comme ça on peut vérifier. Ah, tu veux dire que si on nous appelle, on vérifie si c'est des mythos ou pas. Marie, elle veut jouer à l'invité mystère. Ah bah, deux jambes. Alors il a deux jambes. Deux jambes. Okay. Okay, c'est bon. Alors, Laura, comment il est physiquement? À peu près. Il était, tu vois, classique, assez grand, brun, avec un blouson noir. Toi, t'as 20 ans. La vingtaine, je pense. La vingtaine, comme toi. Il y avait des Air Max un peu jaunes vertes. Ça c'est bien parce que les Air Max jaunes vertes, tout le monde n'a pas. Mais tu vois, t'aurais pas dû le dire ça, les Air Max jaunes vertes. Ça aurait pu être les détails qui tuent. Ouais. Bah, il y a peut-être un sac ou un truc comme ça. Ouais, un sac à main. Garde un détail pour toi. Il avait un sac à main Louis Vuitton. C'est Cédric. Voilà, pas moi. Le sac à main. Salut les filles. Tiens, c'est moi dans le bus, l'Algérino officiel. C'était moi, nous dit Jojo Ben. Non mais j'ai bien vu tous vos messages. Je vois très bien que qu'il y a plein de mythos dans les messages que vous nous laissez là. Par contre, si ça vous est déjà arrivé, vous pouvez nous dire. Tiens, dis-fou, moi aussi, ça m'est déjà arrivé ça. Ah bah tiens, c'est Komoko 94, 21 ans qui nous laisse un message. Bon, alors oui, alors seulement si vous pensez être vraiment le mec, laissez-nous vos numéros et puis on vous met en contact avec Laura et on verra. Ouais. C'est la première fois que tu craques sur quelqu'un dans le bus ou c'était déjà arrivé toi, Laura? Bah non, franchement, c'était la première fois, mais si tu veux, au début, j'avais pas trop percuté. Après, c'est comme il était un peu devant moi, tu sais, il s'est retourné plusieurs fois, donc je l'ai remarqué, tu vois. Mais sinon, non, c'est jamais arrivé. Mais Romano, toi, tu as déjà fait craquer quelqu'un dans le bus? Dans le bus? Si, l'autre qui te mettait la main sur la bite. L'autre qui me mettait la main sur la bite. Eh oui, l'homme. Non, il s'est fait hagard dans le bus. Ah non, c'était dans le métro. Dans le bus, j'ai manqué de me faire agresser par une skinhead. Alors, ouais, c'est ça, ouais. Ah, le bus de nuit, c'était ça, non? Ouais, ça, c'était le temps bus, ouais. Et alors, ton mec du métro, là? Bah, le mec du métro. Écoute bien, Laura. Pour draguer, il faut peut-être faire comme ça. Regarde, mets-toi à la place du mec du métro et Romano, c'est le mec que tu veux séduire. C'est difficile à imaginer, mais fais un effort. Ouais, non, mais ça va, je suis pas non plus, je suis pas Quasimodo. J'ai pas dit que t'étais Quasimodo. Non, mais bon. Bon, elle nous a dit il était grand, brun, donc il avait des cheveux. Bah tu sais, elle peut aimer les petits chauves. Oh. Alors raconte-nous ton copain. Bon, non, mais c'est pas mon copain, le mec, je le connais pas. Bah, attends, un mec qui me caresse les couilles, moi c'est mon copain. Autrement. Non, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que le métro, il était blindé, donc j'étais à l'endroit là où il y a la barre, là. Oui. Et donc c'était blindé et en fait comme moi. Et dans le métro il y avait pas mal d'à-coups et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une première fois un mec me touche les couilles. Absolument, oui. Bonjour. Donc, tu sais, moi, je me recule, machin. Moi, je n'ai pas fait exprès. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû avoir une fulgurance intellectuelle à ce moment-là. Ouais. Parce que je me suis dit, ouais, c'est chelou quand même. Et en fait, je regardais la main. Donc, quand il a redémarré le métro, j'ai regardé la main du mec discrètement. Et en fait, sa main, bizarrement, sans les mouvements du métro, se dirigeait systématiquement vers ma teub. C'est fou, comme attiré par ta teub, s'écartait de son corps à lui. Ouais. Donc, la deuxième fois, au prochain arrêt, à l'arrêt suivant, je me suis barré de wagon. Ah, tu flippais? Non, mais je flippais pas. Mais il était comment, ce mec? Il avait quel âge? Bah, c'est chelou, hein. je sais pas, peut-être 40-50 ans. Ouais. Oui. Mais ça se voit pas forcément sur la tête. Hein. Non, non, mais le mec, il avait l'air plutôt normal, hein, pas une tête de marginal ni rien. Ouais. Mais il n'était pas normal. Non, parce que pour caresser les couilles de quelqu'un qui n'a rien demandé dans le bus, faut avoir un petit problème. Non, mais tu vois, je me suis dit, bah, je vais en laisser profiter quelqu'un d'autre. Voilà, bonjour messieurs, dames, j'arrive voilà, dans le métro. C'est dans ce wagon-là qui touche les tubs, le mec. Tiens, toi, t'es le mec qui me fait ça, moi, je le couche. Comment tu réagirais? Tu l'as? Ah, moi, je me vénère. Tu le couches au sol? Vous entendez? Il peut pas résister. C'est pas bien de Ken dans le métro. C'est ça, le voilà, j'en colle une gros. Voilà, voilà, je colle un gros coup de dans le cul. Un gros coup de langue. Non, d'abord, je le pousse et si je vois que le mec il dit quelque chose, je lui mets une tarte dans sa gueule. Quoi. Voilà, après je l'allonge, je le défroque et je le pompe. Pourquoi tu l'allonges? Cédric, tu comprends ce qu'on te dit ou pas? Ah, excuse-moi, je viens de tester les friteries là. Ah oui, c'est vrai qu'on connaît les friteries. Non, c'est les friteries qu'on a demandé. T'en as des friteries? Hélène, c'est une friture. T'as un problème de voyelle, Cédric. Non? Si, si, si. Parce que tu dis des U, tu les prononces ou, les OU, tu les prononces U, les friteries, tu les prononces fre, friterie. Ah non, il y a une friture là. Une friture. C'est vrai. Voilà, il y a une friture. Bah oui, hein. Alors attendez, il y a Damien qui est en ligne avec nous qu'on va prendre tout de suite. C'est pour Laura, on ira faire un petit tour en Belgique dans tes friteries dans un instant, Cédric. Vas-y. Alors Damien, on va faire un conseil pas cher. Moi ça me manque déjà, vous savez. Je les ai écoutés hier matin. Ah ouais, bah voilà. Ah ouais. Dans le morning, ça me manque déjà. Maintenant j'ai une idée pour te faire gagner de l'argent. Ah ouais, ouais. Ah ouais, mais ça c'est bien ça. Une idée belge pour escroquer les Belges, ça te plaît? Ouais, c'est parfait. Bon. Voyez, il a le sourire. Content. Ouais, non, mais ça va, je l'avais déjà avant, je faisais pas la gueule. Ouais, je sais. Alors Damien, il est où? À Gap. Salut ouais. Damien. Allô. Salut. Parle bien dans ton téléphone, Damien, parce qu'on ne t'entend pas. Salut à tous, ça va bien? Ça va bien. L'équipe Romano, tout, Cédric. L'équipe va bien. Ouais, ma gueule. Ah oui, t'es du sud, toi, c'est vrai, Gap. Ouais, normal. Oh, les Hautes Alpes. Tiens, j'ai déjà eu un coup de foudre. Je suis allé le voir, mais il était avec une fille, donc c'est niqué. Mais bon, t'as quand même eu le courage. C'est qui? Caro du 49 qui nous envoie ça. Bisous, Caro. Et donc, toi, il t'est arrivé quoi, Damien? Ben, en fait, je vous appelle pour des conseils, on va dire. Parce que, une chauffeuse de bus, je sais pas si on dit comme ça. Chauffeuse de bus, oui, je sais pas. Ouais, c'est ça, je pense. Ouais, une chauffeuse, ouais, c'est bon, une ça. Une chauffeuse, ouais, en plus, ça tombe bien. Oui. Du coup, bah, elle est plus âgée que moi, je suis déjà allé la voir. Elle a quel âge, à peu près? Je pense, 35. D'accord. Alors, encore, enfin, ouais, bien. Et du coup, bon, une fois, je fais la brancher, comme ça. Et t'allais la brancher, tu lui as dit quoi? Ben, la vérité, quoi. Ça fait longtemps que je l'avais déjà repéré, tout ça. Et après, elle m'a dit juste un truc, elle m'a dit, ah, t'es pas un peu jeune, elle m'a demandé mon âge. Et là, t'es rajouté quelques années pour essayer de faire passer le truc. Ben, ouais, et encore, ouais. Même pas. Mais c'est juste que le fait qu'elle me demande ça, je me suis dit, ah, je sais pas si c'est une ouverture ou pas, en fait. C'est vrai que si elle te demande ton âge, ça veut dire qu'elle est intéressée par toi. Elle aurait pu te dire, non, je suis pas intéressé. Ouais. Ouais, c'est vrai, ouais. J'ai 35 ans, je suis marié, j'ai 10 enfants. Elle me l'a dit, ça, je suis marié. Je dis, ah, marié, j'ai pas fait le mec, c'est pas bien. Je dis, bon, d'accord, mais, après, elle m'a dit, ouais, check quel âge. Mais tu l'as pas serré, du coup? Et en fait, non. Ah bah ouais. Un message d'espoir pour toi, Laura. Ah ouais, c'est bien ça, ouais. Tous les En même temps, la meuf, elle était mariée aussi, donc, bon. Bah en même temps, tu sais, on dit ça, moi je dis souvent ça, hein, quand il y a un mec qui me plaît pas, tu vois, je dis, ouais, je suis marié ou... Si on retrouve pas ici, si je suis ménopausé. Si on retrouve pas le mec, vous allez finir ensemble tous les deux, là, la limite, Damien et Laura. Ah non, bah désolé Laura, mais bon, désolé. Il veut pas de toi, de toute façon, il est à Gap, toi t'es dans le Nord. Avec la Marie, peut-être, tu as peut-être tes chances, c'est peut-être tes chances, Damien, là. Bon, qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là, si ça vous est arrivé, on attend vos témoignages. Et puis 41. Ah, moi, 6, je suis 5, trop 9, timide pour faire quoi que ce soit. Non, mais la prochaine fois, si tu l'envoies, Laura, faudrait que tu essayes d'aller vers lui. Alors, l'histoire du café de Marie, je sais pas si c'est vraiment une bonne idée, mais bon. Non, mais ça, c'était parce qu'il se croisait tous les matins. Tu lui tombes dessus, peut-être. Ou alors, tu lui prépares carrément encore mieux que le café à buffet. Ouais, tu lui tombes dessus, ouais. T'installes un buffet. Avec un peu de charcuterie, du chocolat, du thé, des jus d'orange. Comme dans les hôtels. Voilà, histoire de faire chier un peu tous ceux qui sont dans le bus, qui sont serrés les uns contre les autres. Un petit buffet, mais oui, c'est génial comme idée. Ça, c'est super, ça. Non, mais tu peux lui tomber dessus. Il y en a plusieurs qui disaient ça, là, depuis tout à l'heure. Déjà, faut que tu nous laissais les messages, là. Il y a Renaud qui nous laissait un message, qui nous avait dit ça aussi. C'est un peu cliché, non, quand même? Ouais, mais bon, oui, c'est vrai. Mais bon, tu sais, quand s'il freine d'un coup, tu lui tombes dessus. C'est au moins l'occasion d'engager la conversation. C'est pas si con que ça, en fait. Ouais, après, il faut que le bus soit vraiment blindé, parce que si tu tombes dessus alors qu'il n'y a rien à voir, tu sais, le mec, il est assis. Et tu fais une cascade trucs, de là. Ouf du fond du bus. Non, mais tu fais comme moi, Laura. Moi, quand je suis dans le bus, dans le métro, je ne touche jamais les barres. Donc, mais des fois, tu t'assois. Dès que la dernière fois qu'on a pris le métro ensemble, il a failli se casser la gueule. Ah ouais, je touche rien, moi. Oui, mais parce qu'il y avait du monde. Et je préfère rester debout pour asseoir aussi. Il y avait de la place, c'est Karim qui l'a récupéré. Mais alors pourquoi vous n'êtes pas assis? C'est sale, Romano. Ouais, mais d'accord, mais à un moment donné, quand tu fais des longs trajets, c'est bien de s'asseoir, quoi. Ouais, mais c'est sale. Non, je pense au mec qui pète, j'imagine Cédric en train d'être assis sur le truc et en train de perlouser dans la main. Dis-toi un truc, hein. Des fois, tu loues des voitures souvent. Bah, les bagnoles, elles sont sales aussi. Ouais, mais se nettoie à chaque fois. Ouais. Attends, il les nettoie pas à fond, de fond en comble. Ah, mais il les nettoie quand même, gros. Oui, non, mais il les nettoie, mais bon, si le mec, il a perlousé sur le siège, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, le nettoyeur? Non, mais tu peux faire ça, tu fais comme moi, t'es en équilibre dans le bus, quand il freine, tu tombes, Laura. Ouais, puis vous le croiserez dans la voiture de location, il sera debout. Oui, je marche. Avec des gants. Avec des gants, même pas. Avec des gants roses. Non, mais je suis pas toqué, mais il y a des gens sont sales. Ah, bah oui, dans le bus, il y a forcément des gens sales qui sont passés avant toi. Ouais, mais d'accord, mais voilà. Ah non, mais dans le bus. Mais ça, on est d'accord, c'est dégueulasse. Ah ouais, c'est... Il y avait une étude d'ailleurs qui avait été faite sur les. Non, mais il y a tout. Les barres des bus, mais c'est dégueulasse. Il y a de la merde. Non, mais même sur les sièges, ils avaient retrouvé des puces et tout. Non, mais même les vides, vous avez jamais remarqué, tu sais, les trucs ronds gras là. Genre les gens posent leur tête et c'est tout gras. Vous avez jamais vu ça? T'as vu? Dégueulasse. Cédric. Ah ouais, non, mais je sais pas. C'est moi. Non. Le cron est grand. Je suis une boule de graisse. Non, mais tu vois que c'est une tête qui a été posée dégueulasse, quoi. Ah ouais, c'est clair. Donc, tu donnerais quoi comme conseil, Damien, toi? Puisque bon, t'as loupé la rencontre avec la chauffeuse de bus, mais bon, c'est bien. Ça montre qu'on peut rencontrer l'amour dans le bus. Ou alors, au moins qu'on peut espérer rencontrer l'amour dans le bus pour toi, ouais. Tu lui conseillerais quoi, Laura, toi? À la nana, mais je pense facile pour une fille d'aller. C'est vrai. Je pense que c'est facile. Je pense que c'est plus simple pour une meuf. Ouais, t'as pas tort. Ouais, c'est vrai que pour nous, c'est plus simple. Tu lui tombes dessus, et là, il va te. Et tel le prince charmant, il va te ramasser par terre. T'es un putain de connasse. Non, mais alors, on peut jouer la bataille un peu. Non, ouais, tout bêtement, déjà, tu peux dire bonjour, travailler dans le coin, je sais pas. Je trouve que c'est plus facile de tomber sur quelqu'un que de lui dire bonjour. Ouais, c'est pas faux. Il fout ça, cascadeur, lui. Ouais. Fais des cascades de ouf. Fais comme moi, deviens cascadeuse. Du fond du bus, tu fais une roulade. Grand écart, après, tu finis par un salto et là, tu t'éclates sur lui. Une roue. Et là, si le mec, il te remarque pas, c'est vraiment un con. Le mec, tu lui déchires ses fringues et là, le mec pète un plomb. En mini-jupe. Regarde-moi cette connasse, là, elle peut pas s'asseoir, cette connasse. Par contre, demain, loupe pas le bus, hein. Le bon. Ouais, non, bah t'inquiète. Ouais. Hein. Mais ton réveil. Putain, mais tu dois te faire en bombe tous les matins, là. Te faire super joli et tout. Il vaut mieux. C'est sûr qu'il arrive pas avec la tête du lendemain de soirée, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, donc demain matin, faut te lever un petit peu plus tôt, comme ça t'écouteras le morning plus longtemps, c'est bien. Ouais, comme ça tu te prépares en écoutant le morning et puis. Tu auras le sourire relève, tu seras belle. On verra ça demain. Du coup, j'espère que je vais le croiser quand même. Non, attends, bouge pas, parce qu'il y a sans doute d'autres solutions, vous nous les laissez, hein. Vous nous dites comment vous avez fait. Il y a Caro qui a peut-être une idée pour toi. Caro. Du 49, oui. Salut Caro. Salut Caro. Bonjour. Et bien salut. Pratique pour mettre sur une fenêtre. Caro. Mais quand tu mets une chemise, c'est une chemise à carreaux. J'attendais. J'entends quelqu'un qui crie derrière, il veut qu'on s'arrête tout de suite, il a raison. Arrête les blagues. Oui. Qu'est-ce que tu conseillerais, Caro? Qu'est-ce qui t'est arrivé à toi? J'ai été carrément le voir directement. Toi, t'es allé direct. Ton chat qui est en train de se noyer derrière. Oui, ou ton petit frère. Non, c'est ma fille. Ah, c'est ta fille. Oh, c'est pas grave. On va faire vite, histoire qu'on puisse lui faire du bouche à bouche juste après. J'ai été le voir et puis il m'a dit qu'il avait une copine. Donc, je me suis retrouvée un peu. Elle a rangé comme une conne. Ah ouais. Ça c'est pas super. Mais au moins, t'as eu le courage. Non, et puis là, je me suis fait aussi draguer par une fille dans le bus. Et toi, t'es pas intéressé par les filles? Non. T'as joué une petite relation avec une fille? Petit bisou? Non. Un petit touche nanette? Non. Mais c'était pas attiré. Un petit léchage de moule? Voilà. Ah non. Bah, attends, c'est la saison, c'est l'été. C'est l'été, vive la moule. Et en plus, on va aller dans une friterie, peut-être qu'ils feront des moules. Ah bah attends, mais une frite, évidemment. Ouais. Ça va ensemble. Ah, Cédric, il est excité. Voilà, faut les appeler tout de suite. Non, t'inquiète, Cédric. En plus, on va parler de ce qui se passe en Belgique, le scandale belge. Donc toi, d'y aller, comme ça au moins t'es fixé. Voilà, bon bah je me suis fait un râteau, bah tant pis, je suis retournée à ma place. Moi t'es fixé. Non mais bravo de l'avoir fait. Ah, tu as du courage, tu es félicité par la Marie. Ah ouais. Non mais Laura, au final, c'est ce qu'il faudrait que tu fasses, au moins tu seras fixé. Hein. Oui, puis au moins comme ça j'étais fixé, mais bon c'est vrai que ça fait mal quand même. Non mais c'est vrai que c'est vexant, oui. Oui, de se prendre un râteau. C'est vrai que ça fait mal au cœur. Ouais. Et puis tu sais plus trop quoi, t'as répondu quoi? Bon bah... Bon, cordialement, merci. C'est pas C'est pas grave. Ouais. Je suis reparti à ma place. Moi, j'étais bougé carnet, mais je suis reparti à ma place. T'es descendu au prochain arrêt, non? Juste après. C'était pas mon arrêt, mais c'est pas grave, je suis parti. Ah ouais? Bon. Tiens, limite, tu demandes au chauffeur, je vais descendre là. S'il vous plaît, ouvre-moi la porte, s'il vous plaît. Elle a une jolie voix. Oui, je sais qu'elle a une jolie voix, Caro. Et elle a quel âge? Merci. 23 ans. Il y en a qui sont déjà très intéressés. T'as un mec à la maison ou pas? Oui, c'est le papa de mes enfants. Ah, voilà. Désolé pour Tristan qui vient de nous laisser un message. Bah, lui aussi, voilà. Tristan, il vient de s'en prendre un, là. Tristan, il va être tout triste. Ben oui. Oh, c'est mignon. Il va pleurer. Désolé. Bon, ben, écoute, Caro, t'en remercie. Mon cœur est déjà pris. Bon. Très bien. Et puis, bon. Attends, fais une bise à ta fille. Et elle s'appelle comment? Oui, ben, y a pas de soucis. Ma fille s'appelle Nadia et mon fils Damien. Ah, t'en as deux à 23 ans. Ouais, j'en ai deux, oui. Mais tu les as fait les deux d'un coup, non? C'est les jumeaux? Non, j'en ai un de 4 ans et demi et une de 9 mois. C'est mieux de le faire en deux fois, comme ça tu fais deux fois l'amour. Non, mais tu fais l'amour aussi. Hein, ouais, il faut espérer. Mais oui, non, moi j'entends, tu baises entre. Non, moi je ne fais l'amour que pour procréer. Ah, très bien. Bien sûr. Et disséminer mon sperme. Alléluia. Alléluia. Donc t'as 5000 enfants, toi, maintenant. Partout. Bon, bisous, on va te laisser, Caro, parce que c'est du bruit derrière et je crois qu'elle t'appelle. Hein. Oui. Bisous à toi. Dans le bain, sa petite fille. Ciao. Salut à toi. Salut. Ciao. Quelle est la capitale de l'Islande, Cédric? Facile. Je sais pas. Moi. Oh là là là là là là, mais tout le monde en parle. Marie. Où est les capitales? Ah ouais, c'est Dublin, c'est pas Dublin. Non, mais non, Islande, Dublin, c'est l'Irlande. Non, c'est l'Irlande, Dublin. Irlande, je t'ai dit l'Irlande. Reykjavik. Hein? Reykjavik. Ah ouais, c'est cousin, déjà. Romano, quelle est la capitale de l'Irlande? Reykjavik. Romano, c'est. Tu t'y connais, je te donne ton diplôme, je te donne ton bac et ton brevet. Oh merci, c'est gentil. Voilà. Putain, Cédric, t'es nul. Cédric, je t'enlève ton, BEP. Reykjavik, c'est connu quand même. Bah oui, attends. Reykjavik, Reykjavik. Ça s'écrit comment d'ailleurs? Bah R-I. Non, Y. Non, mais de toute façon, ça dépend des villes, ça dépend des pays. Tu l'écris pas pareil si t'es américain, que si t'es français, que si t'es islandais. Oui, et d'ailleurs, si t'es arabe, tu l'écris encore pas pareil. Eh ouais. Bah, je vais l'écrire en chinois, moi. Redavik. Redavik. Parce que toi, tu sais écrire en chinois, ouais. Eh ouais, Romano, il connaît Monsieur Chang. Eh ouais. Hier, on allait dans. Décidément, pourquoi on va dans des restos tous les soirs, là? Bah, parce que je sais pas, ouais. En plus, sans avoir rien prévu, comme ça. Hier, on allait dans un restaurant chinois parce qu'on a un auditeur qui partait en Chine. Ouais. Et même plusieurs qui partaient en Chine. Ouais, c'était triste. Et là, on va en Belgique avec la nouvelle belge. Mais d'abord, votre grand feuilleton. Que s'est-il passé dans la... J'ai le générique. Ah, que s'est-il passé dans la vie de Romano? Voici donc votre feuilleton de l'été. Les nouveaux voisins de Romano. C'est le feuilleton de l'été. Attends, le générique. Nouvel épisode. Vas-y, balance ton générique, Romano, c'est tout nouveau. Ah. Nos chers voisins. Hier, on parlait également de problèmes de voisinage et ça tombe bien parce que dans l'équipe, on a eu aussi des problèmes de voisinage. Ah bah ouais. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé, Romano? Voici donc le deuxième épisode de notre feuilleton Romano et ses voisins. Attends, la musique repartait. Alors, oui. Oui, alors. Ah, tu veux pas la musique, je coupe. Non, parce qu'en fait, elle dure pas longtemps. Non, mais c'est bien, ça fait un petit générique, une petite virgule. Ouais, voilà, tu vois. C'est pas mal. Alors. Bon, bah, ce matin, donc là, cette nuit, je suis rentré. Alors, c'est le voisin, les voisins qui sont arrivés. Les nouveaux voisins, là. Ils ont une vingtaine d'années. Et ils arrêtent pas de baiser, non, c'est ça? Non, ils font du bruit. L'auditeur. Ils nous font chier. D'accord. Alors, cette nuit, je suis rentré, j'ai un peu stressé, je me suis dit, qu'est-ce que tu vas se passer? Stress out. Ouais, pareil que les 21. Tu fais quoi, toi, me filmer, là? C'est pour te mettre sur les réseaux, Romano. On filme le feuilleton. Peut-être que ce sera un succès comme Plus belle la vie. Peut-être. Oh putain, j'aimerais bien, parce que n'empêche que les mecs concrétisés doivent faire de l'oseille, les salopards. C'est vrai. Tu sais que la première année, ça a failli fermer. Plus ouais, je sais, ouais, que ça marchait pas du tout, et après, il y a eu un décollage. C'est une belle histoire. Samy qui est venu faire la promo. Ah. Oh, c'est ma série préférée, regardez. Moi, j'étais là, non, Gomorrah, c'est super. Oh non, regardez, Plus belle la vie. Et là, Samy l'a lancé. J'ai même acheté le mug. Le mug, Plus belle la vie. Trop bon. Oh là, tu sais que c'est tourné à Marseille. T'as des décors en carton, tout pourri. Il y a des Parisiens dedans. Il y en a qui ont l'accent marseillais. Bah, mais c'est des mythos. Hein, non, mais c'est des faux marseillais. Eh, bonjour. Bon, excusez-moi, mais on est dans les chers voisins. Là, ah, viens, on est dans les voisins de Romano, là, attention. Ça, ouais. Bon, alors, le truc qui s'est passé. Les nouveaux voisins de Romano, deuxième épisode. J'ai un peu stressé. Bon, ce matin, il n'y a pas eu trop de bruit. Ah. Donc, pour le moment, ça va. Et ce soir, je sais pas, ils n'étaient pas là. Donc, je vous en. Aujourd'hui. Il s'est rien passé? Bah non, dans l'épisode un peu vite aujourd'hui. Ah mais ça va. Ah, il a fait ton épisode. Hein. Moi je regarde plus le. Ah, attends, il faut qu'il se passe des trucs. Oh, plus belle vie, ouais, mais là il y a rien. Tu sais, je vais te donner une idée pour que demain il se passe quelque chose. Demain matin, tu vas voir Cariole quand elle se réveille avec le chien et tu dis que la meuf qui est au-dessus, elle t'a dragué. Et elle a passé sa langue comme ça sur ses lèvres quand tu étais dans l'ascenseur avec elle et qu'elle a essayé de bloquer l'ascenseur. Non mais ça va non. Sinon tu dis que tu les as entendu Ken et qu'il criait ton nom. Oh Romano, ah ouais. Oh, le voisin du dessous. Ah, bloc. Non, mais là ça peut être. Comment ça se passe d'après toi? Ça peut être bien, non? Pour le deuxième épisode. Non. Le troisième épisode. Je préfère pas. Pourquoi? Non, non, non, non, mais je vais pas déclencher des embrouilles. Moi, je veux vivre dans la paix et l'harmonie. Peace and harmony. Non, mais c'est vrai, tu sais, moi, j'ai pas envie. Je veux qu'on me laisse tranquille. Ouais, bah oui, t'as raison. Surtout chez toi. Moi, je veux vivre paisiblement. Ouais, moi aussi, tranquille. Tu sais, donc, je veux pas merder les autres. Je veux pas qu'on m'emmerde. Vous voulez les aventures de D-Fool sur la route tout à l'heure? Allez, vas-y, on va. Ah, mais pourquoi? Alors, t'es tombé dans une manif ou pas, là? Non, je suis tombé, ils refaisaient les Champs-Elysées, parce qu'ils sont en train de, les Champs-Elysées étaient bloqués tout à l'heure. Ça roulait bien, j'étais là, putain, on va arriver vachement tôt aujourd'hui, c'est sûr. Champs-Elysées. Et donc, je roule, tranquille, j'étais avec Oran. J'aime balader. Et Karim. J'aime balader. On se baladait sur les Champs-Elysées. Et là, ils commencent à faire les traits, vous savez, pour le 14 juillet. Ah oui, ils le font à 20h, c'est con. Ils refont les traits tous les jours. Donc, forcément, ça te bloque. Et à ce moment-là, le drame est arrivé. Les aventures de D-Fool et Karim et Oran sur la route. C'est dans un instant une embrouille. Ça va te plaire. Ah ouais, embrouille. Embrouille. Voilà, patate ou pas? Ah, ça a failli, patate. Ah ouais, hein. Ah ouais, quand même. Ah ouais, ah, ça a failli. Ouais, avec Oran et Karim, je peux te dire qu'il faut pas les faire chier. C'est vrai, ça. Oui, mais ils sont sous Ramadan, donc ils étaient calmes. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Et donc, vous voulez la suite de l'histoire? Dans un instant, on vous dit tout. Et puis, ben, on remercie vos messages pour Laura, Caro. Vos messages pour Laura, merci Caro, on fait un gros bisou. On remercie Damien aussi de Gap, merci Damien. Oui, et la drague dans le bus, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Là, on va changer de véhicule, on va dans ma voiture. D'accord? Allez, on y va. Le prochain épisode, très bientôt. Et les bugs de Romano à traduire, et puis un petit designer tout de suite. Enfin, un gros son de designer, c'est Panda sur Sky. Best. The morning show. Les meilleurs moments du morning de D-Fool. Tous les matins de 6h à 9h. Et Didier Deschamps dans le réveil de Star. Et oui, on a du lourd, les plus grandes stars sont là. Et là, c'est pour la famille de Loïc qu'on appelle ce matin. Bah, qui est-ce? C'est moi qui entraîne les joueurs. Les joueurs de quoi? L'équipe de France a toujours été au-dessus de tout. Ah ouais, putain, mais t'es Didier Deschamps carrément, genre. Oui. T'as fumé combien de pétards, toi? 23. Chacun fait ce qu'il veut. D'accord. 6h, 9h, Morning Best. Morning Show. Réveille-toi tous les matins avec les meilleurs moments du morning de D-Fool sur Skyrock. Le 3692 est le numéro pour discuter avec des hommes et des femmes, échanger vos numéros et pourquoi pas vous rencontrer. Le 3692, le numéro pour réaliser tous vos projets, même les plus fous. Alors n'attendez plus, appelez dès maintenant le 3692. C'est très simple et surtout rapide. Télone, 80 centimes d'euros la minute, plus prix d'un appel. Dans Vite de Marais, télécharge Yax et découvre les dernières blagues inventées par le peuple Yax. Balance tes photos et tes dossiers et tape-toi des barres avec les autres Yaxeurs. Cherche pas plus loin. Cherche pas. C'est sur Yax que ça se passe. Yax. Et c'est reparti sur Skyrock, radio libre en direct jusqu'à minuit. Et le son de Panda tout de suite. C'est Designer qu'on écoute sur Skyrock. C'est le son du Panda, mais l'artiste c'est Designer. Tous les soirs, la radio libre de D-Fool, 21h minuit sur Skyrock. Et du Jul à écouter tout à l'heure, et du Drake à écouter tout à l'heure. Et vous tous et vous toutes en direct jusqu'à minuit sur Skyrock. On sera un 50 Cent qu'on avait promis aussi. Hein. Ah oui, bien ça. Allez, avant minuit, petit 50 aussi à écouter. Panda. On choisira le 50 ensemble, parce que c'est vrai qu'il a fait plein de cartons, 50 Cent. Ah. Et un bon son à l'ancienne comme ça, ça fait plaisir. Allez, Panda. Découverte Sky. The lean, the fan, credit cards and the scams, hitting the licks in the van, legacies, fam, wait and see, look like a pan, going out like a Montana, honey killers on the hands, legacies, fan, wait and see, fam, pockets full, Dan, selling ball, candy, man on the macho like Randy, the chopper go out for granted, in the bullet you ban it, hope you killers understand it. I got broads in the land, twisted the lean, the fan, credit cards and the scams, hitting the licks in the van, legacy, family, why is it look like a panda, going out like a Montana, honey killers on the hands, legacy, family, why is it, family, package full, Danny, selling ball, candy, man had the macho like Randy, the chopper go out for granted, the nigga pull up your band, hope the killers understand me. Hey! Panda. I get broads in Atlanta, twisted up lean and shoot, sipping Fanta. Credit cards and the scammers, wake up beside the shoot, let designer, over to Lattice shoot. They be acting rats, I know we clapping shoot. I be pulling that stuff in the finest shoot. I got plenty of stuff with Bugatti, but look how I try to shoot. Black and six, Fanta, why is he killing no comma? Pop a perk, I got signed a gorilla. They come and kill you with bananas. For feelers, I feel it, pull up in the finest. No niggas, they come and kill you on the comma. But Broly is dancing bigger than the panic. Go out to the Grammy, but pull it, you're finding. Pull up, I'ma flip it. I got bills, pull up and they get it. I got niggas, discount for digits. Say you you make you a lot in the money. Don't you kill us, pull off in the end of baby. CTD, pull off in the killer, baby. Call a feeling, feel like gon' feel it, baby. Niggas up in the baby, gon' drill it, baby. Fuck, we gon' kill it, baby. Get it. I got broad, yeah, I get it. I got cards, yeah, I shoot it. It's how I live. Did it all for a ticket. I flood the bombs when he spinning the Bobby, you trending. Chop the dawn, doing business. In the rave, doing the fooling, I'm doing the feeling. I be getting to the chicken, count to the chicken, and all of my niggas you feel Panda. Panda. Panda, panda, panda, panda. I got broads in Atlanta. Just a Dolly in the family. Credit cards in the scammers. Hitting no licks in the banner. Legacies, family. Way and see, look like a panda. Going out like a Montana. Honey killers on the hammers. Legacies, family. Way and see, panda. Packers full, Danny. Selling ball, candy. Man on the macho like Randy. The chopper go out to for Grammy. Big nigga pull up your banner. Hope you killers understand me. I got broads in Atlanta. Twisted or lean the fan. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the van. Legacy, fan. Why is it look like a panda? Going out like a Montana. Honey killers on the hands. Legacy, fan. Why is it panda? Packers full, Danny. Selling ball, candy. Man on the macho like Randy. The chopper go out to for Grammy. Then nigga pull up your banner. Hope you killers understand me. Panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda. Panda, panda, c'est Panda sur Skyrock, on écoutait Designer. 21h minuit, la radio libre de Tifoul, seulement sur Skyrock. Et celui qui a fait du scout avec nous la semaine dernière, Jules, l'a écouté tout à l'heure avant 11h, il y a d'ailleurs la vidéo, vous pouvez aller mater. C'est Jules, oui. Oui, mais non, c'est bien. La vidéo de la petite. On a été courageux, Romano, dans l'équipe quand même. Bah, c'est, on voit qui sont les bonhommes, quoi. Bah, je vois, il y en a deux qui sont montés sur le scooter de Jules. Jules nous a fait faire des Y. Ouais, c'est ça, en I, en Y. Ouais, on était en I, Y. Z. Ouais. Si vous avez fait des Z. Non. Z, comme non, par contre, ça fonctionne pas. Moi, j'ai failli me retrouver. J'ai failli me retrouver par terre aussi. Ouais, t'as failli tomber. Non, mais on était cascadeurs parce que les autres de l'équipe, là, ils ont une grande gueule. Regarde-moi Karim, par exemple. Il est même pas monté sur le scooter. Ah non, moi, t'es fou, quoi. Il va partir en Y, je vais taper ma tête contre le sol. Non, non. Ah. Alors, Romano était moins courageux que moi, puisque lui, il avait mis un casque. Il respecte toujours la loi. Bon, moi, non. Ouais, mais non, mais. Non, par contre, tu pourrais faire du scout. Non, et vous savez ce que j'ai fait à la radio, je ferai pas dans la vie réelle. Ah, bah non, attends. C'est ce qu'il m'a dit, non, mais, du cool, ouais. Mais c'était la vie réelle, hein, tu sais. Je sais, mais c'est-à-dire que j'aurais pas été à la radio, en gros, j'aurais pas fait le machin. Ouais, bon, l'avantage, c'est qu'il y avait pas de voiture déjà. T'as remonté sans casque sur un truc, avec Jules. Si, une voiture qui est passée à moi. Oui, mais bien sûr que oui, Marie, il y avait des voitures, c'est comme une autoroute. Bah, on a fait ça sur le périph. On a fait ça devant la radio, vous avez la vidéo que vous pouvez aller mater sur tous les réseaux. Sur le difool.skyrock.com, par exemple. T'étais tout blanc, putain, mais c'était trop marrant. J'étais tout blanc. Au début, tu l'as attrapé, mais je crois que tu serrais une meuf dans ses bras, quoi. Tu sais, tu l'as. Non, mais au début, il me dit, ouais, serre. Je fais. Tu sers, quoi. T'inquiète, pas de problème, y a pas de souci. J'ai pas peur. Tranquille. Bon, une fois qu'on a démarré, par contre, ouais, on a changé un peu. Et Romano, tu étais tout mignon aussi derrière. On aurait dit un sac à dos, que Jules avait un sac à dos. C'était toi le sac à dos. Non, ouais, mais il a dit que tu l'avais étouffé, quoi. Oui, non, mais moi, il m'a dit. Oui, il m'a dit que tu l'avais trop serré, toi, par contre. Non, mais moi, j'ai pas attendu qu'il me dise, ouais, serre-moi. Moi, je l'ai serré direct. Direct. Si je savais. Et après, on a failli manger le trottoir, là, j'ai eu peur. Mais on voit sur la vidéo, ouais, on voit vos mains. Enfin, les Difool et toi, on voit vos mains, mais qui sont liées, là, autour de son ventre. Comme des nanas, là. Moi, j'ai serré Jules dans mes bras. Mais vous avez pas vu, Romano, moi, il met un coup de casque, le pauvre. À Jules. Ouais, parce que lui, il avait mis un casque de moto. Un mot, l'autre, il freine. Tu vas pour le lever, il freine. Et t'as Romano, bam, il lui met un coup de casse dans le dos. C'est sympa. Mais il a rien senti. Ouais, parce qu'il est fort, il est balèze. C'est un bonhomme. Et exactement. Jules, on le retrouve dans une demi-heure. Arrêtez de beugler sur le son. Arrêtez de chanter, de parler sur les sons. Arrête de chanter, Cédric. Ouais, on écoute. Ouais, non, ouais. On écoute la version de Jules qui dit je veux trop Romano. Et toi, t'es en train de beugler dessus, quoi. Pas Romano. Chaque fois, fait l'enregistrer. Jules, Emotion, on écoutera ça avant 11h. On se fera du Drake tout à l'heure. Et un 50 qu'on choisira ensemble avant la fin de l'émission. Et n'oubliez pas vos places pour gagner Rihanna. C'est sur Skyrock que ça se passe. Concert Skyrock à pas louper. C'est avec Sky, évidemment. C'est au mois de juillet. Donc, ça approche et elle sera dans les plus grands stades de France jusqu'après qu'on ait gagné l'euro. Donc, un beau mois de juillet qui nous attend sur Skyrock, ne le loupez pas. Dans le même stade. On salue. Ah oui, qui c'est qui nous demande le numéro? C'est quoi votre numéro, Skyrock? Eh ben, tu es peut-être un nouveau, on va te le donner parce qu'on est comme ça. On te le donne, c'est gratuit, c'est pas cher. Le numéro de Skyrock est le 01 53 40 30, 20. C'est bravo. Bravo. Comme dans les vieilles radios, vous savez où ils font ça là, sur, comme sur Europe 1. Ouais, c'est ça. Sur Europe 1 là. Eh bien, vous êtes sur Europa, il est 22h36, nous allons retrouver Joseph Bougnard. Ouais. Oui, bonjour, bonjour Josiane. En direct du périphérique de... Pour sa rubrique littéraire, oui. Un livre, une pendaison. Oui. Je vous conseille aujourd'hui un très très beau livre, un livre à lire pendant les vacances, par exemple, sur la plage. Il s'agit du livre de Yolaine Delabougne, également actrice. Ah ouais, qui a écrit réalisatrice. Très, très... C'est Marie, elle a fond. Ah, ouais. Réalisatrice, ouais. C'est pas vrai, elle a sorti un bouquin. Elle oui, elle a écrit un très très bel ouvrage, en effet, Josiane. C'est un bouquin, un très très bel ouvrage qu'elle a écrit, qui s'appelle Attention, attention, il risque de pleuvoir, donc je vais sortir avec mon parapluie et mes bottes en caoutchouc. C'est un très très beau livre, magnifique. Très très beau. Attends, elle est en panne, la dame d'Europa. Elle est vieille aussi. Oui. Josiane, nous allons faire venir le défibrillateur. Défibrillateur, Robert. Oui, très beau programme en perspective. Mais oui, un livre pour l'été, bien sûr. Bien sûr. Eh bien, il est 22h37 sur Europa. Nous allons passer à la rubrique météo, présentée par notre belle Maryse. Ouais, bien sûr, t'as raison. Eh putain, la météo, pauvre belle de merde. Qu'est-ce qu'il y a à faire, là? Ah là là. Et la météo avec les bottes en caoutchouc, bisu. Les bottes en caoutchouc, bisu. Ne sortez jamais sans vos bottes en caoutchouc, bisu. Ah bah, c'est un sponsor. Toujours sponsor. Ouais. Ouais. Sponsor. Bon, alors, on retourne sur Skyrock, on est bien. Hein. Allez, ouais, c'est mieux. Ah, on est mieux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va appeler les Belges. Vous avez pas vu cette histoire en Belgique qui secoue la Belgique? Bah, elle est tout secouée. Bah, imaginez le plus gros restaurant de votre ville, le restaurant le plus connu dans la ville, qui se fait contrôler par l'hygiène et qui se fait fermer par l'hygiène. Ah, ça, non. C'est con. Eh bien, c'est ce qui est arrivé à Bruxelles, d'où les mois en Belgique. Imaginez les Belges. Le plus grand restaurant de Belgique s'est fait fermer. Alors, pourquoi il s'est fait fermer, est-ce que vous savez? Je sais pas, il y avait des rats. Ouais, bonne réponse de Romano. Tu viens de gagner ton t-shirt Skyrock, Romano. Ah, merci, cool. T-shirt Skyrock, on va t'envoyer à la maison, à ton adresse personnelle, au 37 rue de la Bouze. Exactement. À Autun, en Bourgogne. 71 000. 71 000, Autun-Bourgogne. Autun-Bourgogne, rue de l'Étable. Un beau t-shirt que vous allez choisir. Waouh, cool. Parmi un maillot de l'équipe de ce que vous voulez. Ouais, donc, il trouvait plein de rats. Et donc, le mec, il a plusieurs restaurants, il est dégoûté. Il est là, oui, alors on m'a fermé mon restaurant alors qu'il n'y avait que quelques rats dans la cuisine. Dans la cuisine. Quelques. Que je comprends pas comment ça s'est passé, qu'on me ferme parce que j'ai des rats. Tout le monde, il a des rats en Belgique. Non, mais tu sais que dans Cauchemar en cuisine. Qu'est-ce que t'as fait mal à l'épaule? Je suis fait mal à l'épaule. Cauchemar en cuisine, c'est hurlé. Il a rien fait en plus. Ah putain. Vas-y, raconte. Non, mais dans Cauchemar en cuisine. Les rats morts, là. Tu sais, il y a des gens, ils se font contrôler. Donc, l'autre, il vient là, Philippe Etchebest, il arrive là pour contrôler. Oui. Il leur dit que c'est dégueulasse. Ouais. Mais pour les gens, mais tu vois, tu sais qu'ils sont ils sincères. Mais genre, l'autre fois, par exemple, là encore. Bon, il y avait, je vous ai raconté, là, dans la pizzeria, l'autre, il renverse le jambon. Le jambon, il est en train de moisir. Ah, il part en courant, le jambon. et la meuf, normale, elle lui dit, ah bah, attends, moi, je le mange, ce jambon. Mais vas-y, vous. Et une autre fois, là, c'était pire, là, je crois que j'avais regardé ça en rediff la nuit. Mmh. Pareil, il arrive dans une cuisine, il y avait des espèces de sacs de farine, c'était une pizzeria, des sacs de farine. Derrière, il rentre, il y a des rats qui se barrent, et le mec, il lui fait, il y a des rats, il fait, oh bah attends, il y en a tout le temps eu, on a jamais eu de problème. Bah oui, il n'y a jamais eu de soucis, les gens sont très contents. Non, ouais, et le mec, il expliquait ça, mais nature, quoi. Mais tu sais qu'ils ont fait un truc pas mal, là, mais c'est pas encore dans toutes les villes, pour le moment, il y a Paris et... je sais plus quelle autre ville. Ouais, une note l'hygiène, non? Ouais, et en fait, t'as une carte interactive et tu peux voir les restos. Je pense pas que ce soit à Marseille, Samy, désolé. Non, je crois pas, ouais. Autrement, on les voit, les rats. Je crois qu'ils avaient fait le test à Paris et Avignon, je crois. Et je crois qu'à Paris, ça démarre. Voir la note, en fait. Ouais, en fait, quand ils ont été contrôlés, t'as le truc. Est-ce que contrôlé ou pas? Ouais, voilà. Ouais, et les restos, c'est marqué. Tu sais, moi, j'ai été voir pour Paris, ils avaient fait une version test, tu vois. Comment ta crêperie, tu sais, celle qui t'a rendu malade pendant 3 jours. Et à Paris, en fait, il y en a, c'est marqué en gros que l'hygiène elle est douteuse, quoi. Tiens, mais ils peuvent rien faire, les restos, parce que c'est un truc d'état, quoi. Il y a Miss 42 qui dit, tu veux que je t'apporte des crêpes, Romano? Non merci, ça va. Depuis mon intoxication alimentaire, non, j'étais malade en crevé. Bloqué maintenant. Intoxication alimentaire. Non mais en plus, c'est, j'en bouffe rarement, donc. Non, mais quand t'es malade comme ça, t'es bloqué. Oui, et puis là, j'en ai absolument pas envie. C'est du fake, cette émission, Romano, nous dit Shawir. Ah, tu parles de cauchemar en cuisine? Non, je pense pas. Je pense qu'il y a du réel dedans aussi. Non, sur le coup, là, je pense pas que ce soit bidon. Je vais étudier ça, je regarde pas assez pour te dire, mais bon. Je suis qui... Ah tiens, dites-nous d'ailleurs si vous avez déjà mangé. Vous avez mangé dans un truc dégueulasse, vous êtes allé bouffer un truc ignoble, c'était sale, vous pouvez témoigner. Cédric, tu auras évidemment la parole, puisque tu as testé tous les restos les plus sales de France. Mais oui, il est de France. Et de Belgique. Aussi, ouais. Ah bah tiens, un cuisinier là, ouais. David. Bonjour David. 51-110. Je suis cuisinier. Oui. J'ai déjà travaillé dans une cuisine et il y avait des souris. D'autres, je bossais avec trois chiens dans la cuisine. Ah non, mais non. C'est ses collègues de travail, c'était des clébards. Non, mais tu sais que l'autre fois, ils ont sorti un chiffre là, je sais plus, j'ai vu ça dans un reportage. Genre, juste à Paris, il y a à peu près 30% des restos qui sont plus que limite sur l'hygiène, quoi. Voilà. Ça m'étonne pas. Bon appétit, bien sûr, bien si vous pensez sortir ce soir. Bah, en gros, tu vas dans un resto, t'as une chance sur trois pour qu'il soit dégueu, quoi. Ouais. Tiens, il y a un grec qui est dégueulasse à côté de chez moi. C'est le message de Asma qui nous laisse un message il y a 17 ans et il est dans le 91. Salut à toi. On salue le grec du 91 aussi. Ah, le kebab. Alors, et là, c'était vraiment un grand restaurant étoilé, tout ça. Hein. Donc, bah, il y avait une histoire à l'époque, le Fouquet, ça, sur les Champs-Elysées, ils avaient retrouvé pareil des rats et des cafards. Ça avait fait pareil, ça avait fait scandale. Ouais. Ah ouais. Donc, racontez-nous si vous avez déjà bouffé un truc dégueulasse, vous êtes allé bouffer dans un. Ou alors vous avez travaillé dans un endroit dégueu. On attend vos messages. Donc, on va faire un tour en Belgique pour faire plaisir à Cédric. Ah, et puis, je vous passerai peut-être un petit réveil de star avec Philippe Echtebèche. Je vous l'ai pas remis, ça, le soir, là. Vous l'avez jamais entendu, non? Ah, non, non, non, on l'avait pas remis, non. Non, on l'a pas mis. Non. Bon, très bien. Non. Bon, tiens, Manon Petite Bande. Moi, j'ai déjà été mangé dans une pizzeria en vacances. Le mec était bourré. Il a ramené la pizza en tombant et toute la tête dedans. Non, moi, tu rigoles. Le mec était bourré. Non, je viens de manger. Je mange le restaurant chinois. Il y avait des cafards dans les sushis. Ah non. Victor qui nous envoie le message. Les sushis chez un chinois. Ouais. C'est clean dans ta pizzeria, Karim. Ouais, tu peux venir, gros. Y a non, pas de je vais déjà aller voir. Si j'ai mangé, c'est clean. T'inquiète, gros. Non, j'ai regardé. Elle est pas mal, cette pizzeria. Y a pas de rats, y a rien, gros. Elle est bien notée sur, j'ai vu sur les sites. Eh ouais, man. Avec 18,3 sur 20, man. Ah bah attends, t'inquiète, je vais te faire baisser un peu. Enculé. Et bah, s'occuper de t'es quoi, t'es cuisine d'or, non? Ouais, resto d'or, ouais. Resto d'or. Sur le resto, très sur le resto. Sur TripAdvisor. Non. Je sais pas. Joyette sans doute, ouais, peut-être. Je sais pas. Va voir. Non, mais ça, tu sais que c'est de la merde. Moi, je connais un mec, il avait un resto, il y a. Trop bien, TripAdvisor, t'es ouf. Non, mais alors, non, les avis, franchement, il y a des gens qui se font bousiller des établissements à cause de cette merde. Salut, j'ai raconté l'histoire. Moi, quand j'étais allé dans un resto, après, je vous raconterai mon nouveau feuilleton, le feuilleton de Les Embrouilles sur la route. Ouais. Dans un hôtel à Rimini. J'ai vu sur le des truc. Bons avis. Super. J'ai dormi avec des cafards. Donc, je me suis barré au bout d'une heure parce que dormir avec des cafards. Mais tes avis dataient de quand aussi? C'était récent. C'était ouais, je crois. Ah, ouais. C'est chelou alors. Non, mais tu vois, moi, j'ai. Parce que normalement. J'ai un pote en Sardaigne, il a un resto. Lui, tu vois, par exemple, il a reçu des avis de merde tout l'hiver, il y a deux ans. Des concurrents ou des vrais avis? Ah, des vrais avis. Bah, non, parce que après, tu sais pas où est-ce qu'il y a. Non, parce que justement, lui, en fait, il a reçu des avis de, on va dire, entre décembre et avril, la période où il est. Où il y a personne. Où il est fermé. Il est même pas, c'est même pas ouvert. Et lui, il a contacté TripAdvisor, lui en fait ça lui a cassé les couilles, ouais, en disant ouais, moi j'étais fermé et en plus tu sais c'est scandaleux, ouais. Tu sais en plus il connaît pas mal de gens qui viennent, c'est beaucoup d'habitués. Elle a dit ouais, bizarrement je connais aucune personne dans tous les avis et il a jamais eu de raison. Non, ils sont toujours hein. Ah ouais, et tu remontes parce que, je suis allé voir, c'est lui a cassé les couilles. Ce que j'ai écrit l'été dernier, ça y est encore, j'ai vu. Tu lui diras bonjour à Marco. Salut Marco, ciao. Non mais tu sais que même qu'en Italie, c'est l'année dernière ou il y a deux ans, ce qu'ils avaient réussi à faire, ils avaient monté un faux restaurant sur. Ouais, il avait reçu des avis sur, ouais. De TripAdvisor et il l'avait fait monter numéro 1 en l'espace de 15 jours. Ouais, galère. Alors que le resto n'existait pas. Ouais. Comme ils l'ont dit dans la pub qui est passée tout à l'heure que j'ai entendu dans l'émission. Non, mais après, attention. Non mais attention. Non mais les complots. Non mais il faut faire gaffe. Non mais c'est vrai que ça peut être, c'est quand même utile. Moi, parce qu'en fait, sur TripAdvisor, ils doivent pas être assez nombreux, mais je sais qu'il y a des mecs qui travaillent uniquement sur ça pour détecter les faux avis. Et dès qu'il y a un avis pour enquêter, mais après sûrement ils doivent pas pouvoir vérifier tout le flux d'avis. Ouais. C'est cool comme boulot parce que t'es payé à aller bouffer pour vérifier si c'est bien ou aller dormir. Ouais, pour et puis vérifier si les avis c'est des avis des concurrents ou si c'est vraiment des vrais clients qui les ont laissés, tu vois. Eh bien, je vous dis tout de suite, direction la Belgique. Bonsoir, et comment ça va? Ben que ça va bien, que tranquille. Oh, que vous savez qu'une catastrophe est arrivée dans notre plat pays. Que c'est un scandale. Comment ça s'appelle? Que le resto le Boui Boui, le resto le plus célèbre de Bruxelles, qui l'a fermé. Mais il est fermé. Bonjour. Oui, bonjour. Excusez-moi de déranger. Ministère de l'Hygiène au téléphone. Oui. Oui, nous vous informons d'un contrôle. Nous allons venir effectuer un petit contrôle dans votre restaurant ce soir. Oui. Petit contrôle inopiné, comme on dit. Hein, oui. Et que je vais vous passer immédiatement le contrôleur des restaurants et qu'il va falloir lui préparer à manger. Hein. Oui, je vous passe le responsable. Oui, passez-moi le responsable. Merci, ma bonne dame. Ça, c'est ça mon idée de conseil pas cher. Oui, que je suis monsieur Van der Saal. Van der Saal, et que tu es contrôleur des restaurants. Exactement. Pour l'hygiène de Bruxelles. Allô, oui, oui, bon, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. Comment allez-vous? Je vous entends très mal, je suis désolé. Oui, j'entends, il y a des bruits derrière. Que je voulais vous, je travaille au ministère de l'hygiène, que je vous informe qu'un contrôleur va venir ce soir d'ici un petit quart d'heure pour vérifier l'hygiène de votre restaurant. Oui, oui, oui, oui. Et que je vais vous le passer tout de suite, voici monsieur Van der Saal. Oui, bonsoir, ah. Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, que vous me préparez ce qu'il y a de meilleur sur la carte, hein. Oui, oui, mais on a que des bonnes choses, nous, hein. Qu'est-ce que vous nous conseillez pour monsieur Van der Saal, qu'il a très faim? On a que des bonnes choses, nous. Est-ce que vous faites le célèbre moule frites? Ah, okay, oui. Les plus célèbres, hein. Mais hélas, le restaurant est fermé maintenant, hein. Ah, ben, il va falloir le rouvrir, hein, monsieur. Bah, oui, hein. Hein, parce que j'arrive pour l'hygiène, hein. Oui, ou autrement, oui, moi, je le ferme tout de suite. Mais hein. Le problème, c'est que j'ai encore un peu de boulot, donc je voudrais, je vous vois. Ah, ben, qu'est-ce que n'en a rien à foutre, monsieur? Le problème, j'ai un peu de boulot. Qu'on n'en a rien à battre, monsieur. Oui, que l'on travaille pour le ministère et que t'en coule. Venez, ciao. Qu'on arrive ciao. Manger des moules frites, hein. Ciao. À tantôt, oui, à tantôt. Et par contre, l'hôte, elle y a cru, hein. Ah ouais, l'hôte est à fond. Ah ouais. Oui, alors que c'est le chef responsable. Parce qu'il y a le ministère. Et lui, il s'appelle Friture, celui qu'on appelle. Friture. Friture. La friture sur la ligne. Attends, Romano, fais un peu de friture quand je vais parler au début. Voilà, comme ça. Pierre-Antoine, bonjour. Oui, bonjour Pierre-Antoine, que je suis au restaurant Friture. Vous êtes à la friture, Antoine. Oui, bonjour, bonjour monsieur. Excusez-moi de vous déranger, qu'il y a de la friture sur la ligne d'ailleurs que je vois. Alors, que je vous appelle, que je travaille pour le ministère de l'Alimentation. Et que nous allons effectuer un petit contrôle dans votre restaurant d'ici 10 minutes, un quart d'heure. Hein, que, oui, que je voulais vous prévenir. Que je vous passe le contrôleur en chef, monsieur Van der Saal. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Van der Saal. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Un ouvrier de chez Antoine. Ah, un ouvrier de chez Antoine, oui. Que j'arriverai dans 8 minutes exactement. Hein. 8. Oui, allô? Oui. Oui, que non, vous... pas oui, oui. À la friture, vous faites des moules frites? Non, mais on n'a pas le temps de plaisanter. Ah, que l'on ne plaisante pas, monsieur. Ah, monsieur le ministère de l'Alimentation. Hein. C'est une friture, ils font pas de frites. Que... Ah, oui, ils font pas de frites. Putain, mais les noms de merde des restos. Y a... friture, oui, alors que l'on fait de la bouillabaisse, hein, cet été, hein, que la friture. Hein. Et il y en a, ils s'appellent frites à gogo. Vas-y, après. Allez, frites à gogo. On s'en fait un dernier, frites à gogo. Et après, vous nous racontez, d'ailleurs, merci pour tous les messages que vous envoyez, je les vois. Des trucs qui vous ont rendu malade, un resto dégueulasse, ou un truc ignoble que vous avez bouffé. Il y a plein de messages que Moi, je vous avais raconté au mois d'avril quand je me suis embrouillé avec le cuisinier. Ah oui, sur la Côte d'Azur. Oui, tu nous avais dit. Le mec, je l'ai rendu ouf. Tu l'as dit que c'était dégueulasse, sa bouffe. Le mec, il a fallu lui faire bouffer la cuisine. Le mec a pété un plomb. Mais la cuisine avec les poils, les machins. Frites à gogo, allô? Allô, frites à gogo, qu'il n'y a plus personne à frites à gogo. Mais que ça ferme super tôt, dis donc. Ce que nous expliquait Cédric Orantin, tout à l'heure, il nous disait. Ouais, il y a plein de restaurants. Voilà, faut appeler, viens vite parce que ça ferme. Mais ça ferme à quelle heure? 10h30? Attends là, 10h49. Mais là, on est où? À Bruxelles? Ouais, à Bruxelles. À Bruxelles, c'est fermé à 10h49. Ouais, parce que moi, à la limite, bon, t'es dans, non, dans une petite ville. Et il n'y a pas là, ma copine, la tuyeuse? Ah, j'ai cherché. Restez en ligne pour laisser un message à votre correspondant. Non. Poursuivons. Non, on ne va pas laisser un message. Bon, allez, on. Au cas où. Lui, c'est Belgian Frit Papi. Belgian Frit Papi. Mais il trouve les noms. Eh, Papi. Oui, bonjour, allô? Frit Papi? Allô? Allô? Oui, bonjour, excusez-moi, je vous appelle, je suis au ministère du restaurant, hein, que je vous appelle ce soir, que nous allons venir faire un petit contrôle ce soir dans votre restaurant. Ce soir? Un contrôle de? Un contrôle de l'hygiène, oui, c'est pour l'hygiène, hein, parce que il y a eu quelques petits problèmes, vous avez peut-être entendu parler de l'histoire du restaurant qui a fermé à cause des rats, hein. Non. Eh bien, que je vous l'annonce, qu'un restaurant a fermé à cause des rats, un des restaurants les plus célèbres de Bruxelles. Il y avait Ratatouille. Et Ratatouille qui faisait de la cuisine, c'était dégueulasse. Et donc, je vous passe immédiatement le contrôleur, qui s'appelle monsieur Van der Saal, hein. Oui, allô, bonjour madame. Comme Cédric. Allô? Non. Allô? Oui, bonjour, que je vais venir contrôler le restaurant dans 8 minutes, hein. 8. Dans 8 minutes. Dans 8 minutes. Vous voulez que je vous passe mon responsable? Eh bien, que je vais bien parler au responsable, s'il vous plaît. Je suis monsieur Van der Saal. Du ministère des restaurants de l'alimentation. Oui, c'est bien ça. Que j'ai travaillé avec Ratatouille. Oui, sympa, comme qu'on a enlevé Ratatouille du restaurant. Allô, là. Allô. Allô. Oui, bonsoir, monsieur Van der Saal. Oui, madame, monsieur. Oui, madame, monsieur. Oui, ça va bien. Tu vois en travail, hein, toi, dis donc. Attention. Ah bon, hein. Je vous rappelle que la consommation d'alcool est interdite sur le lieu du travail. Oui. Oui, donc je viens contrôler l'établissement dans 8 minutes. Hein. Oui. Ok, monsieur. Oui, et que je viens avec le ministre en personne. Que c'est moi. Ok, monsieur. Oui, que je suis le ministre, oui. Ok. Et je vais venir avec mon... Qu'est-ce qu'il y a à manger? Mon écharpe, que j'ai très faim. Qu- qu'on a la down. Oh, que j'ai la down. Oh, qu'on a trop la down. Est-ce qu'il y a des frites? Qu'on voudrait manger des trucs panés. Une merguez panée, vous. Je voudrais une merguez panée. Ok, salut. Hein. Ah, bah, salut, bah, qu'on arrive. Hein. Bah, oui, qu'on arrive. Un rat pané. Et attention, l'alcool. Sur le lieu J'adore de travail. L'alcool sur le lieu de travail. Vous savez que je ne pourrais pas travailler sinon. Ben oui, je l'ai besoin. Vive l'alcool sur le lieu de travail. Hein. Ah, je vous ai retrouvé Philippe Echtebest. Ah, très bien. Vous voulez Philippe Echtebest? Allez, Philippe Echtebest au resto. C'est sûr qu'on l'a pas remis le soir, ça. Vous pouvez retrouver d'ailleurs les meilleurs réveils de star tous les matins dans le morning. Le morning best de l'été avec Vincent demain matin, donc entre 6h et 9h, à 6h10, 7h50 et 8h50, les réveils de stars. Et donc, je suis sûr, les parmi Philippe Echtebest chez McDo, ça vous dit rien dans les J'ai un doute, moi. Eh bien, on va vous le remettre. Écoutez bien, qu'est-ce qui se passe? Donc là, on est en Belgique. Qu'est-ce qui se passe quand on met Philippe Echtebest en contact avec. C'est parti, c'est cauchemar en cuisine. Eh ouais, avec Fifi. Et là, c'est cauchemar au McDo. Vous rappelez pas le Mac Kebab, tout ça? Quelque chose, moi. McDonald's, Laurent Bonnet, Amélie Sapp, bonjour. Bonjour, bonjour. Oui, bonjour. Mon nom, Philippe Echtebest. D'accord, ça va? Carrément. Ça vous va comme réponse? Ça va, tranquille. Enchanté. Enchanté. On peut manger ici ou pas? Bah ouais, au drive. Ah, attends, c'est une blague. Bah ouais, mais j'ai pas le choix. Il y a du couscous. Ouais, il y a du couscous, il y a du tagine, il y a tout ce que tu veux. Ouais, bah. On va s'arrêter là, parce que moi ça me dépasse, puis j'arrive pas à te comprendre. Je peux même te faire un kebab si tu veux. Oh putain, oh, c'est pas bien. Oh du coup. Génial. Vous avez pas de carte? Bah ça dépend, tu veux McDo ou tu veux couscous, tagine, kebab, ce que tu veux? C'est pourri, c'est dégueulasse. Ah bah ça dépend, si c'est moi qui le fais, tu risques pas d'être déçu, je te le dis. Le plat du jour, vous l'avez goûté? Ouais, j'ai goûté, ouais. Tu travailles dans la merde tous les jours? Bah non, ils sont super bons. Je vomis maintenant ou j'attends un peu là? Parce que là. Comme tu veux. Je vais te mettre ton nez dans ton caca et puis après on va voir. D'accord. Pas commode, hein. Oh, j'en ai de la chance. Ma salade, quand vous faites une vinaigrette, mettez du vinaigre ou pas? C'est pas nous qui l'avons la vinaigrette. Oui, il y a des plastiques. C'est une blague? Bah ouais. C'est quoi la salade italienne d'abord? Bah il y a le mozza, il y a des pâtes, il y a des tomates, il y a des. Oui! Des herbes, puis voilà quoi. Faut que je bouge d'ici là, et vite. Je prends ok, ça marche. Yes, je vais enfin pouvoir aller me coucher. Putain, mais je suis énervé. Hein. Allez, bonjour. Merci. De rien. C'est Fifi. Ouais, c'est Fifi. Philippe Echtebest. Philippe Echtebest. Hey, le Mac Kebab, le Mac Couscous, le Mac Tagine. Faut lancer ça, McDonald's. Si vous nous écoutez, les McDo, allez-y. Le un jour, hein. D'ailleurs, McDo, c'est de mieux en mieux, je trouve, la bouffe à l'intérieur des McDo. Je sais pas, on parlait des trucs dégueulasses qu'on pouvait manger. Alors, je suis rarement déçu par le McDo ces temps-ci. Ouais, tu disais ça, le toit. Depuis ouais. qu'il y a plus de concurrence, bah, vous voyez, les McDo se sont améliorés, ils font des trucs bien à l'intérieur. Ouais, c'est ça, ouais. Enfin, les nouveaux fiches, double fiche, par exemple, ça, je t'en mangerais des dizaines. Double fiche, ah putain, moi, je reste au Big Mac, moi. Essaye le double fiche. Ah ouais, Big Mac, putain, classique. Ah, le Big Mac hier, je m'en suis fait un hier soir. Qu'est-ce que c'était bon. Ah, moi aussi, j'en ai pris deux. Ah bah, putain, deux. Attends, tu vas pas. Mais j'ai pas pris le menu, moi. D'ailleurs, il faut qu'on te pèse, Cédric. Ouais, bah vas-y. Hein. Non, bah, mais deux, ouais. Putain, moi j'ai du mal à les bouffer, les deux, quand même. Ah, avant minuit, on te pèse, Cédric. Ah, moi je les enchaîne. Ah, non, mais c'est balèze, quand même. Allez-y, baisez-moi. Non. Tous les uns derrière les autres. Non, mais ça va, tranquille. Tiens, en parlant de baise, on aura Kenza. On va te rappeler, Kenza, parce que tu nous as laissé ton numéro de téléphone. On va te passer un petit coup de fil. Kenza, qui nous a laissé un message tout à l'heure et qui nous dit j'ai un problème avec moi. Alors, Kenza, 17 ans, dans le 92. Salut, 9-2. Eh, 9-2 en force ce soir. Hein. Bon, qui nous écrit j'ai jamais connu un mec qui giclait autant. Et donc, on va en savoir plus dans un instant. Elle va nous raconter ce qu'elle nous a dit. Ah, et ta baston sur les Champs-Élysées. Et vous aurez mon feuilleton, 10 foules et ses embrouilles sur les Champs-Élysées. Un baston carrément. Presque, Cédric. Putain, mais heureusement qu'on m'a retenu, sinon tu les couchais tous, non? Sinon ça, ouais. Surtout qu'il était tout seul. Tous les jours. une embrouille de voiture. Donc n'hésitez pas à témoigner là-dessus. Si vous en avez une, vous aussi. On parlait hier des problèmes avec les voisins. Vous aurez la suite de Feuilleton de Romano. Là, je vous lance le grand feuilleton. Mes embrouilles en voiture. Attention. Et donc on s'occupe de Kenza. J'ai jamais connu un mec qui giclait autant. Marie, t'es déjà tombée sur un mec qui était parce qu'il existe des femmes fontaines. Il y a peut-être des mecs qui giclent comme des fontaines, non? Bah écoute, non. J'adore. Spécialement. T'as dit qu'il remplissait une bouteille 1,5 litre de Contrex. Ah ouais. Et je la buvais que sec. Là, là. Non, pas spécialement, mais j'ai remarqué, ouais, mon mec, parce que je mets des capotes sinon, mais mon mec, je mets plus de capotes depuis un petit moment. Donc tu vois ce qui sort. Mais quand, même dans la capote, tu vois ce qu'il a lâché, non? Ouais, ah ouais, mais bon, en général, tu regardes pas trop, quoi. Ah ouais, c'est pas le truc que tu regardes, tu dis franchement. Pas. Ah, pas mal, mon chéri. 50 centilitres. Chapeau, dis donc. Ouais, tu sais, mais genre, peut mieux faire. Oui. Avec une pipette et tout. Non, non, mais j'ai remarqué que quand on se voyait pas pendant une semaine, quand il partait et tout ça, oui, après, ça. Ah, elle avait les couilles bien plaides, hein. Mais c'est pas, c'est pas parce que Kenza nous dit juste après, mais elle va nous raconter à l'antenne. Elle nous dit juste après que le mec, en fait, elle a passé le week-end avec lui et qu'ils ont baisé tout le week-end et qu'à chaque fois le mec la gicle. Ah ouais. Non, mais c'est parce qu'elle l'excite, je crois. Mais c'est pas parce que moi, je sais que quand une meuf genre elle m'excite à mort, quand je crache, je vais cracher beaucoup. Tu veux m'exciter? Ouais, non, mais t'es pas. Vision. Mais quand tu sais, quand je crée une meuf, je suis pas forcément excité. Non, ça va, ça va. Non, mais en revanche, bon. Ce que j'ai remarqué, c'est la gougoute selon les mecs. Quelquefois, il y a des mecs qui, tu sais, qui gougoutent vachement. Et d'autres qui gougoutent pas? Ouais. Ou pas du tout, ouais. Moi, c'est quand je suis excité, je gougoute, autrement, je gougoute pas. Eh ben, moi, j'ai eu des mecs qui goûtaient. Bah, c'est que tu les excitais pas, peut-être, moi. Bah, si, si. Bah, moi, je suis un bon cracheur, moi. Ah, bah, non, enfin, des témoignages sexy, excitants. Non, mais franchement, moi, il y a une bonne quantité de foutre. Eh bien, écoute, on va vite mettre Joule, alors, hein, et puis on en reparle dans un instant. Vous bougez pas. Non, mais franchement, mais moi, je fais des bonnes giclées. Sans ma petite bite, mais bonnes giclées. Pas mal. Donc, vous nous. Ah, non, mais moi, j'ai de la pression, hein. T'as la pression, hein. J'ai une bonne pompe. Moi aussi, j'ai une pression. Chronobourg. C'est pas pareil, Marie. Bonne pression, ça. Romano, il l'a dit, il s'est déjà mis le facial en se branlant. Non, mais ah ouais, c'est vrai, tu ouais, dans l'œil, ouais. Paf, comme ça, dans le sourcil, quoi. Non, après, il a étalé un peu sur le visage. Ouais, comme ça, j'ai fait. Bitch. Ah ouais. Regarde, j'en ai deux, des yeux. Ah ouais, ben bah, attends. Regarde comme ils sont jolis. Difficile de les rater, en plus. Tu fais beaucoup l'amour, tu. Ouais, quand même, tu vois, je suis jamais vraiment, vraiment une petite gougoute misérable, quoi. Bon, alors, on est prêt, puis dans un instant, on retrouve David en direct avec nous. Ah, pour les histoires de resto dégueulasses, tout ça. Ah, très bien. Et on retrouve Joule Emotions. Pas emotion, emotion, émotion. Joule nous l'a demandé jeudi dernier. Comment on dit? Alors, je dis c'est emotions, il y a un S, mais dans le morceau, tu dis emotion. On dit comme on veut. Comme tu veux. Tu peux même dire émotion. Ou en islandais, Flutukunson. Salut David! David, excuse-moi. Oui, salut David. Romano, il joue des instruments pendant l'émission. Il s'amuse. Donc David, t'es là donc parce que tu t'informes en restauration et t'as vu des trucs dégueux. Tu vas tout nous raconter, David, ok? Ouais, pas de problème. Tu bouges pas. Est-ce que tu gicles beaucoup? C'est un autre sujet, hein, mais on est comme ça dans la radio libre, on saute du coq au porc. Ah bah c'est ça. Clair, ouais. Et c'est Cédric qui parle juste après. Du coq à l'âne. Ah là là. Et donc oui, donc est-ce que tu es un gros gicleur, toi, David? Ouais, ça va. T'envoies la sauce, quoi. Ça va. Bon, et vos témoignages pour tous de ce dont on parle, et puis pour tout ce que vous voulez, si vous avez besoin de nous, vous nous appelez Joule Emotions tout de suite sur Sky. Une seule radio est officiellement partenaire des concerts de Rihanna en France. Et c'est encore Skyrock. Hi, this is Rihanna, and you're listening to Skyrock. Trois semaines avant le raz-de-marée Rihanna. Skyrock t'offre les dernières places de concert pour les 4 stades de Rihanna. Allianz Riviera de Nice le 15 juillet, Grand Stade de Lyon le 19, Stade Pierre-Mauroy de Lille le 23, Stade de France à Paris le 30 juillet. Rihanna, l'anti-world tour, avec Big Sean en première partie, c'est 400 places. 400 places en exclu sur Skyrock pour voir Rihanna en concert. Exclusive. Et Rihanna, c'est parti, merci. Écoute Skyrock et gagne tes places Rihanna à tout moment. Le 3692 est le numéro pour discuter avec des hommes et des femmes, échanger vos numéros et pourquoi pas vous rencontrer. Le 3692, le numéro pour réaliser tous vos projets, même les plus fous. Alors n'attendez plus, appelez dès maintenant le 3692. C'est très simple et surtout rapide. Télone, 80 centimes d'euros la minute, plus prix d'un appel. Beau mec à 500 mètres, va tout droit, tourne à droite dans 50 mètres. Beau mec en vue, tu es arrivé à destination. Smax, l'appli de rencontre qui te guide vers de belles rencontres. Télécharge Smax, S-M-A-X, Smax, et active ta destination vers de nouvelles rencontres. Dipoule Radio Libre. 21h minuit sur Skyrock. C'est Joule, Joule. C'est Joule sur Skyrock. Rappé R&B non-stop. C'est Joule sur Skyrock. Rappé R&B non-stop. Je rêve de thunes de voyage. J'en ai besoin vu mon âge. Prenez des shorts dans le bagage. On va changer de paysage. Tête dans la lune puis sur terre. J'vois les oiseaux s'envoler. On quoi râler. Je fais ce que je peux pour mes potos et ils font ce qu'ils peuvent pour moi. À tout moment je peux sauter, je prends la vie comme un tournoi. Tu veux t'évader, partir de là, alors imagine-moi. Je pense même plus à verser des larmes, je fais que ta fille comme un chinois. J'envoie des sons partir seul, se nager dans l'eau. Faut pas qu'on me laisse seul, je suis parano. Faut pas qu'on me laisse seul, même par amour. La mise est fraîche, je suis parano. Elle a fait des mèches, je suis parano. Parano, parano. Du mal à sortir mes émotions. Je roule en bolide 4 motion. Du mal à sortir mes émotions. Rappé R&B non-stop. Are you ready? Romano. Non, je somme plus à rien. Difool. On m'a déjà. Vous savez que. Cédric. Combien y a-t-il de semaines dans l'année, Cédric? 54, non? Marie. Oh, j'aimerais bien que Marie me la suce un peu. Ah, je te la suce. T'as envie de me la sucer, là? Ah bah. Bah oui. Samy. Je l'avale. Momo. Je vous appelle pour faire découvrir une chanson. Alors, la chanson, c'est ça. Karim. Eh ouais, je suis là, man. Difool Radio Libre. Tous les soirs. 21h minuit sur Skyrock. Et ouais, on est en direct tous les soirs. Profitez-en. C'est l'été. On est là avec vous. Enfin, c'est l'été. Ça dépend pour qui. Dans le sud. Ouais, vous êtes bien dans le sud, hein. Rappelez du camping avec ces 4 là. Si tu veux, Romano, on peut faire camping. En plus, il sort demain, camping, non? Ouais, ouais, c'est demain, ouais. Ouais. Et là, si je vais pas aller le voir. Camping, on passe à BO d'ailleurs depuis un mois, c'est ma beauté. C'est Maître Gilles, ouais. Oui. Donc, camping, c'est demain, ouais, c'est ça. Ouais, ça sort demain, ouais. Domani. Je parle un peu en italien parce que. T'as des bontés. Si on passe l'Islande et si les. Ça va être plus difficile pour les eux. Si les l'Allemagne. Italiens passent l'Allemagne, on rencontre les Italiens. Ouais, c'est ça. Ouais. Je ferais peut-être venir des potes italiens et italiennes d'ailleurs la semaine prochaine si on suit le match en direct. Ou sinon, ça sera Allemagne-Islande. Je ferais venir des potes allemands, j'ai mon ami Gunther. Et des potes islandais. Bonjour, je suis Gunther. C'est moi qui vais encore gagner les Allemands, non? Ouais, ouais. Bon, on a fait les pronostics tout à l'heure. Vos pronostics pour l'Euro 2016, les champions, c'est nous. Hein. Ouais. Ça y est, on vous annonce. Normal. Et les bleus, merde. Ouais, les bleus. Deuxième, les Italiens. Troisième, les Allemands, voilà ce que vous avez pour les équipes qui et en dernier, devraient gagner l'euro. Oui, et les Islandais. Ouais. Faut se méfier, vous imaginez s'ils nous sortent les Islandais? Bah, faut se méfier quand même. Hein. Faut pas porter la poisse, mais bon, ils ont quand même sorti les Anglais. Ouais. Hein. Mais voilà. On va les taper normalement, t'inquiète même J'sais pas. Je sais pas gros. Hein. Si, t'inquiète. T'as vu le groupe de ouf qu'ils étaient pour se qualifier? Je pense que ça va être facile. Et ils ont battu la Hollande, ils ont battu le Portugal. Ouais, facile, peut-être pas s'emballer parce qu'il n'y a pas un match qu'on a eu de facile. C'est vrai, t'as raison, Romano. Tous les matchs, on a galéré un peu. Ah bah. C'est sympa la petite danse là dans les mains là. Donc, leur clapping là. Ah ouais, c'est ça, clapping. Les Islandais, ouais. Moi je dis attention aux Islandais. Eh bien merci, ça nous rassure. Attention à l'Islande. On vous aura prévenu. Attention les gars. Le journal des Bleus de l'Euro, si vous avez des infos à donner, d'ailleurs vous les envoyez sur le 41759 et sur l'appli Skyrock. Faites la même chose si vous avez passé à l'émission. Il y a plein de messages pour nos amis turcs. C'est vrai que les Turcs, vous avez souvent des attentats chez vous. Nouvel attentat ce soir. Istanbul, ouais. Istanbul. Il y a Audrey, la 59, qui nous dit attentat encore à Istanbul. J'ai vu l'explosion, c'est ça. Pensez au peuple turc, on y pense bien sûr. Puis en plus, on a des potes turcs qui bossent ici à Sky avec nous, donc évidemment qu'on y pense. Mais c'est vrai que ça devient c'est chaud là-bas, à Istanbul. Là. C'est souvent là-bas en plus. Ouais. Oui. Bon, après, qu'est-ce que on voulait faire? Ah, vous voulez mon feuilleton? Ah oui. Juste après, alors, on va parler des trucs dégueulasses à bouffer au resto, ou alors des restos dégueulasses, ou des trucs dans lesquels vous avez des problèmes d'hygiène. Je sais pas où tu es allé. C'est qui a trouvé une queue de rat dans un burger? Non, mais c'est une queue de rat. Une queue de rat dans un burger où t'as cru que c'était une queue de rat, t'avais un truc, je sais pas, ils ont mis un. Oh. C'est pas un fil. Oh, c'est dégueulasse, les queues de rat. Oui, ça dégoûte. Donc on a Antoine. Ah là, moi, direct, le mec, je lui dis quoi. Je lui dis, je vous précise qu'il est hors de question que je paye. Mais oui, mais vous avez pris le burger rat. Oui, non, mais. Qui a des queues de rat à la burger. Oui. C'est les rats qui traînent dans les cuisines, on leur coupe la queue. Super. C'est le burger ratatouille. Ouais, c'est ça. Et il n'y a pas des queues tout court, non. Si, Marie, t'inquiète. On en a deux là. Il y a Antoine du 82 et David de Reims. Vous êtes là tous les deux, les gars. Ouais. Salut. Ouais. Alors, ça travaille dans des boui-boui. Ouais, c'est ça. Antoine, t'as 20 ans, tu bossais dans un grec, toi. Hein. Ouais, c'est ça. Très bien. Restaurant grec. Ouais. Et toi, t'as bossé, oui, tu bossais pas dans Nikos. Par ouais, non, mais pas dans un kebab, quoi. Ah, c'était pas un kebab. Ouais, ouais, c'était un restaurant. Ah, d'accord. Grec. Non, okay. C'était pas un kebab, c'était un restaurant de spécialité grecque. D'accord. Mmh. Donc vous faisiez des salades avec de la feta. Tout avec de la feta. Tout est à la feta en Grèce. Et toi, David, tu bossais dans un restaurant ou t'as bossé dans plusieurs restos, toi, je crois, non? Ah oui, moi j'ai bossé dans du traditionnel, dans du gastro, dans de la brasserie, partout moi. Partout. Bon bah vous allez nous raconter. Il y a quand même des endroits propres, j'espère. Oui, quand même. Ouais, quand même. Même cité, oui. Donc vous allez nous raconter, et puis tous vos témoignages, allez-y. Hein. Je suis tombé malade en Belgique. Ah bah tiens, on parlait de la Belgique encore, mais c'est sale là-bas la nourriture, c'est pas possible. C'est ouf, c'est propre là. En allant dans un quick. Quick en Belgique. Bah c'est belge quick, non? Bah ouais, oui, là-bas, c'est... ouais, c'est vrai. Ouais, origine belge. Moi, vous savez que McDo, Quick, tout ça, je suis jamais tombé malade, moi. Jamais. Parce que je pense que c'est super surveillé. Comme ils ouais, sont non, non, mais. En fait, ça débite tellement. Non, mais il y a eu des galères quand même. Ouais, bah ouais. Quick, ils ont quand même eu 2-3 galères, quoi, dans des restos. Qu'est-ce qu'ils ont eu? Bah, il y a eu des scandales, ouais. Il y a eu des décès, ouais. C'est vrai, des galères. Il y a quand même. Ils ont eu 2-3 bricoles, con. C'était pas moi. Non, mais. Bon, alors, on fait mes enfants. Ah, ouais, bah, bon, après, c'était des cas vraiment particuliers. Oui, en général, dans ces trucs-là, c'est plutôt contrôlé. C'est pire. C'est mieux. Alors, les embrouilles de voiture, on en reparle aussi. Voici ce qui nous est arrivé tout à l'heure. Cédric vient se garer, vous l'avez entendu. Voilà, ça tranquille, j'ai fait un créneau. Non, mais bon, alors, sur les Champs-Élysées, tout à l'heure, on roulait tranquillement en direction la radio. Il y avait Oran, il y avait Karim et moi dans le véhicule, tranquille. On écoutait Planète Rap, c'était sympa. Pénard. Ouais, c'était bien. Il y avait Jules dans Planète Rap. Et c'est Best of de Planète Rap cette semaine, à pas louper. Et donc, Karim, tu nous racontes la suite parce que. Moi, je ne peux pas, ça m'énerve. Non, j'étais zen, moi, j'étais zen. Hein. Ouais, mais on était tous les trois, on était zen à la base. On était zen, pépère, quoi. Tous les trois, on était pépère, on était en voiture, donc Oran qui conduit comme d'hab, il prend une voie de bus. Tranquille, parce qu'on normal. Était. Voilà. Serein, normal. Ouais, serein, tranquille, okay. Pépère. Et au moment, au moment où il prend la voie de bus, t'as un taxi qui arrive, qui le voit prendre la voie de bus, qui accélère et qui klaxonne en même temps. Ah ouais, donc le mec, il roulait tout tranquille. Derrière vous. Et dès qu'il a vu qu'on allait aller dans sa voie de taxi, de voie de bus, le mec s'est mis à accélérer comme un ouf. Il arrive en klaxonnant. Donc il baisse sa fenêtre, moi Oran baisse la fenêtre aussi, tu vois. Mmh. Et je lui dis laisse-nous passer. Ouais, je lui dis tranquille, tu vois, je vois il était énervé, je lui dis tranquille, calme-toi, on est tous sous Ramadan. Oran il lui dit pareil, tranquille, calme-toi, on est tous sous Ramadan. Et là t'as Difool qui lui dit ouais, tranquille, calme-toi, là le mec ça y est, il voulait plus lâcher Difool. Ah. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, comment ça sous Ramadan, arrête, il commence à vouloir s'en prendre à Difool. il ne sait pas ce qu'il attendait. Ce qu'il attendait c'est qu'après je lui ai dit hey, tu parles à qui là, calme-toi, je vais te niquer, tu vois. Je vais te niquer. Ouais, Karim. Calmement, quoi. Non, mais ouais. Sous Ramadan. Tout dans la joie là-bas. Non, tu sais pourquoi ce qui m'a énervé, en fait, c'est que quand moi je lui dis calme-toi, on est sous Ramadan, il dit rien. Quand Oran, il lui dit ça, il dit rien. Mais quand c'est Difool, genre là, il embrouille direct, t'as vu. Il a vraiment mal choisi ceci. À ce moment-là, je sors de la voiture et devinez ce que j'ai fait. Bim, bam, boum. Non. T'as pris la voiture, j'ai retourné le taxi. Voilà. Bah, bien sûr. Sur le toit. Mais la bagnole entière. Avec le doux, le taxi a fini sur le toit. Et après, le mec en arabe, il lui disait Smahli, Difool. Smahli. Ouais, désolé. Je veux dire, désolé. Voilà. Non, mais vous l'avez insulté un peu quand même, parce que entre Oran et Karim et non, toi. Non, mais moi, au bout d'un moment, je rigolais. Non, Difool, ouais, il a rigolé. Bon, mais moi, ce qui m'a énervé, en fait, c'est qu'en gros, moi, j'ai pris ça comment? J'ai pris genre le truc, il voit deux rebeux, il veut pas les hagar, il voit genre Difool, un blanc, il veut le hagar. Et voilà, il voulait me hagar, mais il ne savait pas ce qu'il l'attendait. Hein. Eh ouais, retournage de voiture, bam, descendu. Non, il fallait lui dire. Et il est rentré chez lui à pied. Vive Uber. Tiens, vous faites un câble. Tiens, mais dans les deux sens, t'as envie de leur dire, mais. Vive Uber. Ouais, c'est vrai, putain, on aurait dû lui dire ça, ouais. C'est vrai. Tu fais ça, le mec, tu fous à bout de nerfs. Ouais, c'est ça. En plus, les mecs là-dessus, ils sont chauds. La prochaine fois, tu viens, Romano. Mais heureusement qu'il y avait Difool quand même, il a retourné la voiture. Bah, heureusement, oui. On imagine bien. Qu'est-ce qu'il est fort. Et après, on est. Merci, Marie. Et après, on a filé direction Skyrock et ça y est, on est là maintenant. Ça y est. Bon, alors, les trucs dégueulasses que vous avez vus. Merci pour les messages que nous avons envoyés. Merci pour les témoignages. Bah, témoignage justement. Antoine dans ton grec et David dans tes restaurants, brasseries, gastro. Toi, t'as tout fait, toi. Hein. Ah, David. Ouais. Ah, toi, ouais, tu es là. Je suis là, gars, regardez pas. Et Antoine aussi. Ouais. Vous êtes cuistots, tous les deux. Beaucoup de restaurants. Alors, vous êtes quoi? Vous faites quoi en restauration? Tu fais quoi, toi, Antoine? Moi, je faisais de la plonge, en fait. Tu faisais de la plonge. Je travaillais que le week-end, je faisais de la plonge. T'allais à la piscine. Ah ouais, trop dur. Voilà, trop bien comme métier. Voilà, c'est cool. Voilà, tu vois les meufs en maillot. Ah ouais. C'est génial. Non, mais rien à voir. L'autre jour, il y a l'école maternelle qui est venue. Voilà, moi, j'adore m'occuper du petit bassin. J'adore leur mettre les brassières. Je mets des lunettes et je les regarde sous l'eau. Mais casse-toi de là. Donc, tu faisais la plonge. Et toi, David, tu fais quoi, toi? Moi, je suis sous-chef dans un gastronomique. Ah ouais! Hello, monsieur, okay, le sous-chef. Monsieur fait le sous-chef, quoi! Et ouais. Et alors, donc, qu'est-ce que vous avez vu de dégueulasse dans vos restos, vous? Moi, je travaille que le week-end, en fait. Et quand j'arrivais le week-end, la vaisselle, en fait, il a laissé toute la semaine. Oh. Il a laissé toute la semaine. Quand j'arrivais, il y avait du moisi sur les assiettes. Ça me rappelle l'appartement de quelqu'un? De l'équipe, il me semble, et qu'il y en a des autres membres de l'équipe à visiter. Ah, pas son nom par respect. On dit pas son nom par respect. On dit aucun nom par respect. Ouais, parce qu'on respecte quand même. Bah, chez moi, c'est très propre, mon pote. Tu peux y aller. Hein. Tu veux. Tu laisses pas traîner la vaisselle. Mensonge. Ah, tu vois, il y a quelqu'un, monsieur Yves. Une fois, ça m'est arrivé, ça va. Ah, une fois. C'est le jour où Robin est venu. Je ne dirai pas qui je suis. J'ai été chez Cédric. Ne dis pas chez qui tu es allé. J'ai été chez quelqu'un qui a quatre mentons. Très bien. Et il y avait du couscous sur la table dans des barquettes dégueu. Il y avait de la semoule qui avait séché sur la table en verre. Et le pire, les plaques de cuisson, vitrocéramique, il y avait une pellicule blanche. Il était obligé de gratter toutes ses faces avec une éponge. C'est même pas vrai, je passais un coup de pied. Mais il y avait quoi? T'avais beaucoup de vaisselle dans l'évier? Non, il n'y a pas grand chose. T'avais quoi? Je sais pas, une assiette. Elle traînait dans le temps. Non, je te jure. Non, mais dis, franchement. Non. Monsieur X, c'est bien la vaisselle, tu sais, je fous tout dans la vaisselle. Monsieur X, c'est quelqu'un. Ah, pas vrai! Pas vrai! Pas vrai? Non, ça, c'est. T'as un mytho. Alors, attends, on va prendre le truc par étapes. Attendez. Le couscous, il y avait ou pas sur la table? Non. Espèce de mytho. C'était la fin d'un couscous. Ah, donc tu vois, tu me dis. Donc il y avait un couscous. Voilà. Est-ce que tes plaques de cuisson, je me souviens même, parce que. Il n'y avait pas de casserole par contre. Non, il y avait une poêle dégueu. Non. Si, il y avait une poêle dégueu. Et ce que t'as fait. Tu sais, l'éponge verte là, la. La Spontex. Non. La Scotch Brite. Non. Comment tu le truc. Scotch Brite. Scotch Brite. Tu veux mettre ta Scotch Brite? C'est merde. La Spontex, c'est mieux. Ta Scotch Brite. Non, ta pierre d'argent là. Ah oui, mais c'est pas une éponge verte, c'est une éponge jaune, connard. Ben. Ouais, bah t'as c'est utilisé ça. Ça, c'est un truc pour vraiment décrasser. Non, mais quoi, c'est utilisé tous les jours. Bah allez voir. Pierre d'argent, c'est tellement simple, vous avez vu, il l'a dit. Il l'utilise tous les jours. Non, Pierre d'argent, tellement c'est crasse. Ils l'ont tous les jours, t'es con, toi. Tu sais, c'est un truc dans l'espèce de peau, faut gratter. Ouais, c'est ça, ouais. Une petite boule. Ouais, une crème. Ouais. Non mais c'est et donc il y avait une couche blanche et t'as gratté toutes tes parce que j'avais fait moi. Des pâtes la veille et j'avais laissé voilà. Nous dépasser. T'as fait des pâtes dans une poêle. Attends, donc pour résumer, il y avait donc du couscous dans des barquettes, des fins de couscous. Non mais il y avait des pâtes de la veille qui traînaient aussi. Donc le couscous il était de l'avant-veille. Non mais il y avait de la semoule sur la table et des taches de sauce. Il va falloir vraiment que vous ayez vécu des trucs difficiles, Antoine, pour rivaliser avec Cédric. C'est la veille au soir et midi. C'est cauchemar chez Cédric. C'est ça. Alors qu'est-ce qui t'arrive? Antoine, t'as vu quoi de dégueulasse dans ton... La cuisine, c'est déjà pas mal, la vaisselle pourrie. Il y avait de la vaisselle dans les deux éviers qui débordaient jusqu'au plan de travail. Ils ont pas la vaisselle? Non, bon, en fait, il y a un lave-vaisselle, mais c'est pas un lave-vaisselle. Il fallait laver à la main et après le mettre dans le stérilisateur, en fait. Ah ouais, donc en fait, il le laisse. Heureusement qu'il stérilise après, parce que si le truc est resté une semaine, donc tu dois avoir du moisi, peut-être même des vers, des bêtes. Ouais, en plus, c'est beaucoup des plats en sauce. Donc ça faisait bien des grosses couches. Ah, puis là, ouais, la sauce qui sèche, hein, Cédric. Voilà. Ça accroche. Ah ouais. Ça accroche au palais. Après, je prends ma Scotch Brite. Mais moi, c'est pas de la sauce qui avait à coller. C'est juste, tu sais, de l'eau des pâtes, en fait, qui avait débordé. Je sais plus ce que je faisais. J'avais laissé le truc et ça avait sauté par-dessus la casserole. Masturbé. Faut rajouter un petit peu d'huile. Là, même quand tu mets l'huile, ça saute, hein. Ah non. Mais non, si tu mets trop fort le truc, tu sais, la plaque, ça boue. Ah bah oui, quand le bout, ça boue. On va pas faire courte cuisine, mais bon, je te dis, Cédric, tu vas... Non, mais de toute façon, là où tu bossais, Antoine, là, c'était un vrai boui-boui, parce que même au niveau de l'hygiène, tu sais, si la plonge, elle est dans le... Juste à côté des plats qui sont sortis, mais là, les bactéries que les gens se sont pris dans la gueule. Ah ouais. Mais c'est toujours ouvert. Ça ne dit pas le nom. Ouais, c'est toujours ouvert. Eh bah, écoute, c'est bien miraculeux. Tiens, on a... Non, mais tu sais que le problème, c'est que les restos, parce que souvent on se dit, mais comment ce truc il peut rester ouvert? Mais c'est que les contrôles d'hygiène, ils sont super rares. Hein. Un resto, je crois qu'il se fait contrôler, je crois que c'est une fois tous les 5 ans en moyenne. Ah, ouais, sur dénonciation aussi. Et appelez-nous Kenza, là. Alors Kenza, Samy, il a rappelé très bien. Donc Kenza, avec son mec, il gicle beaucoup. Il y a de la quantité de foot. Beaucoup trop, là, ouais. Parce qu'on en reparle aussi dans un instant. Excusez-moi. C'est parce qu'on parlait. Tu nous parlais de sauce, Antoine. Et donc, ça m'a fait penser à Kenza, ouais. Avec son mec qui gicle beaucoup. C'est sympa. Je t'ai pas demandé. Ah, si, je t'ai demandé, Antoine. Non, je t'ai pas demandé si tu giclais beaucoup, Antoine. Bah, quand je baisse pas depuis un petit moment, ouais. Là, ça remplit, tout le monde baisse... Quand ça part. Hein. Ah oui, dans ce cas-là, ça ouais. Propulse, mais sinon, quoi. Si, je sais pas, si tu fais l'amour tous les jours, si tu te branles tous les jours, c'est pas une fontaine, ton machin. Bah, ah, quand c'est régulièrement, non, ça va, mais quand ça fait 2-3 jours, là, ça commence à se remplir. Ah oui, 2-3 hein. jours, quoi. Donc tu es un bon gicleur, on va dire, mais pas trop. Mais bon gicleur quand même. Ouais, ça va, ouais. C'est bien. On va y revenir pour Kenza, là. Et donc, pour les cuisines et la bouffe dégueu, ouais. Pour David, là. Ouais, juste pour dire, à mon menu, c'est pas tous les 5 ans le service vétérinaire. Ils viennent la première année quand tu ouvres un restaurant, ouais. Et après, ils font surtout les fermes et les collectivités. Voilà. Et c'est les services vétérinaires qui vont. Vétérinaire, ah ouais. Oui, on appelle ça le service vétérinaire, le service d'hygiène, quoi. Ah bon, c'est vétérinaire. Ah ouais, je savais pas. Non, on dit ça. Ah non, c'est parce qu'il y a tellement de rats dans les cuisines des restos qu'en fait ils font venir les vétos directement maintenant. C'est clair, direct. Et ouais. Et donc toi, t'as vu quoi, toi, David? Ben moi, j'ai bossé dans une cuisine, une brasserie. T'avais des souris dans la cuisine pourrée. Oh. Et c'était normal pour le patron. Bah oui, attends, le mec avait vu Ratatouille à la télé, on l'a dit tout à l'heure. C'est que la bouffe est fraîche. Hein. Mais il n'y en avait pas dans le frigo et tout ça, dans la chambre froide. Oh, ma Marie, elle veut rentrer dans le frigo maintenant. Dans les frigos, non, puisque c'est surélevé. Mais lui, par exemple, il tirait le tiroir à marre de café. Ouais. T'avais des souris dedans, quoi. Ah non. Ouais, c'est non, mais le mec, il trouvait ça normal, mais c'était un porc, cet homme. Un alcoolique. Ah, mais génial. Sans doute un pote à moi. Tu peux être propre aussi. En même temps, est-ce que ça change le goût des aliments? Je suis pas sûr. Tu le sais, ça dégoûte, mais quand tu manges le truc. Samy, lui, il est un peu casse-cou, hein. Non, mais. Au niveau de la bouffe, il avait que Marseille aussi. Hein. Ouais, bon, putain, à Marseille, je suis rodé. Non, moi, je vous ai expliqué. Bah, à Marseille, il y avait un grec, le mec, il se branlait dans la sauce. Ouais, c'était devant le commissariat. Ouais, bouffé dans c'est pour ça qu'il faisait ça. Et après, il donnait à la police. Allez, mangez. Et mort de rire, parce que eux, ils savaient qu'ils allaient tous juter un par un dans la sauce blanche, tu vois. Ah, mais ils le faisaient plusieurs. Ah, ouais, en fait, c'était trois spermes différents, c'était les trois mecs du kebab, tu vois. Et c'est devant un des gros commissariats à Marseille. Et en fait, ils se branlaient dans la sauce parce que les keufs, en fait, sont devant le commissariat et tu sais, ils sont prêts à partir en intervention, ils sont dans les voitures. Mmh. Donc, ils bouffent des sandwichs toute la nuit, machin. Et donc, eux, ils jutaient dans les sandwichs, dans les sauces, et après, ils regardaient les keufs manger leurs sandwichs dans la voiture. Oh. Oh, c'est dégueulasse. Jusqu'à un jour où il y a eu un contrôle, mais ça a duré vachement longtemps. Marie, comment tu réagirais, Cédric? Ouais, j'étais avec Marie. Attends, mangez Marie, elle a bouffé un sandwich. Ouais, je vous avais déjà dit, mais j'ai adoré. J'étais avec des artistes, je vous dirais pas qui, mais. Et c'était délicieux. Le meilleur kebab de ma vie. Non, mais j'espère que j'adore aussi. Il a fermé un an derrière, ils ont changé le propriétaire, ils ont tout refait neuf, et bon, maintenant les keufs ils y retournent manger, mais ça a l'air un peu plus propre, tu vois. Ah oui. Bah, espérons. Toi, t'as jamais craché dans un truc, David? T'es jamais branlé dans un truc? Non. Non, mais déjà, les souris. Il y a Marvin qui avait mis une crotte de nez quand il bossait dans un fast food, une crotte de nez parce qu'il y avait un mec qui l'aimait pas. J'ai un ami comique qui avait fait ça aussi, moi. Qui a mis une crotte de nez dedans? Crotte de nez, il crachait dans les bourguignons. Oh. Ah bah ouais, ça, c'est bœuf vraiment... bourguignon crachat, il est pour qui? Attends, c'était en ton étoilé, là? Parce que ça fait peur. Ah non, c'est moi qui est responsable d'hygiène dans la cuisine, là, non. Ah, et bah, non, mais là, ouais, maintenant t'es sous-chef, tu peux plus te permettre de faire le con, ouais, c'est clair. Et ouais, c'est ça, des sous-chefs. Toi, Romain, je sais pas, tu trouves une crotte de nez dans ton kebab, comment tu réagis? Non, mais dans un kebab, comment veux-tu l'avoir? C'est impossible. Bah, on pouvait continuer à en mettre, alors Marvin, continue, ça ne se voit pas. C'est vrai, non, mais. T'apprends par exemple que le. Non, mais encore les kebabs, tu vois, parce que tu vois les mecs le faire devant toi en général. C'est vrai. Ouais, mais c'est dans la sauce comme à Marseille, là. Et ouais. Ah bah ouais bah là c'est le problème. C'est dégueulasse. Non mais de toute façon ouais, même dans n'importe quel plat, dans n'importe quel resto, si le mec il veut même cracher dedans, ouais, tu le vois pas. Si c'est cuit ou quoi, tu vas pas t'en rendre compte. Ça c'est clair. Pour bon, rappel, on a déjà tous bouffé des crachats de la merde. C'est sûr qu'il dit en plus. Et en plus, il pose dans la restauration. C'est rassurant, David. Il y a tellement de probabilités, tu sais, sur le nombre de restos. Le truc, c'est. Ouais, je sais pas, clair. David, moi, j'avais vu que c'était 30% des restos qui étaient moyens niveau hygiène. Tu sais, qui avaient des rappels. Ça veut pas dire que c'était dégueulasse à fermer. Mais ils avaient, il y avait des problèmes dans le resto. C'est-à-dire qu'il y avait soit un problème avec un frigo, ou il y avait un truc qui fonctionnait pas, ou il y avait un problème, quoi. Énorme. 1/3, c'est énorme. J'ai un message d'amour pour Cédric de Callaghan. Comme quoi, tout peut arriver. Quand on vous dit que sur Skyrock, sérieux, on sait jamais ce qui va se passer, tout peut arriver. La preuve. Qu'est-ce qu'il veut, Callaghan, un des membres fondateurs et très actifs de la team Romano. Bisous, Callaghan. Ouais, c'est clair. Big up à toi, Callaghan. D'ailleurs, hier, on a eu un 50-50 pour le clash. Hein. Jamais on a eu ça. Et ouais, on a recompté. C'est vraiment 50-50. Ouais. Donc, demain, c'est. Il faut que je te baise. C'est la bataille. Callaghan, donc, il nous dit, je n'ai jamais mangé un truc dans un truc dégueulasse. Je voudrais bien que Cédric m'invite, vu qu'il m'aime énormément. C'est pas beau. Ah oui, c'est l'amour. T'inquiète pas, mon gars, viens. Je vais m'occuper de toi, tu vois. Ça y est, il est vénère. Ouais. Non, pas vénère, t'inquiète. Hugo, qui a trouvé un cafard dans son plat, c'est dans un resto américain, il nous dit Hugo. Tranquille. 14 ans, salut à toi, Hugo. C'est pas mal. Moi, j'ai déjà trouvé une mouche dans un plat, mais je pense qu'elle avait crevé, en fait. Mais il y a pas longtemps, là, il y avait une vidéo qui tournait, mais c'était vrai, hein, c'était chez Paul. Ouais, on en parlait dans une gare, là, il y avait eu une vidéo. Gare de Lyon. Ouais, c'était à Gare de Lyon. Gare de Lyon, alors, t'es sûr? Vous avez pas vu? Je savais plus. Si, on a vu. En fait, il y avait une vidéo et tu voyais, en fait, il y avait des rats qui se trimbalaient dans le truc. Le resto, le truc, il était fermé. Il se baladait dans la vitrine. C'était avant l'ouverture. Et ça se baladait, en fait, sur les petits gâteaux. Marie, que ça soit avant l'ouverture ou après ou pendant, c'est dégueu, quoi. Parce que j'avais pas vu, moi. Non, je croyais que tu disais que c'était des rats qui se baladaient devant le local. Dans la vitrine avec. C'était dans la vitrine, ils couraient. Tous les samedis, j'y prends un sandwich. Bonjour, veux faire un tatouille. Je vois où il est. Non, mais Paul, ils ont dit, ouais. Tous les samedis, je prends un sandwich, gros. Et ben, les rats aussi. J'attends mon petit sandwich poulet. Paul avait fait un communiqué qu'ils allaient faire le nécessaire. Bon, heureusement, d'ailleurs. Ah, je l'ai pas battu. Mais c'est vrai que pour l'image de marque, c'est pas top. En plus, c'est bon, là. Plein qui nous disent un truc et c'est vrai en plus. C'est tu vas dans un resto, tu veux savoir s'il est propre, tu vas direct aux toilettes. C'est vrai parce qu'il y a eu plein de messages que vous avez envoyés. Là, je vois le message, c'est qui avait envoyé ça? C'est John, juste en dessous. J'ai Amélie qui nous a dit exactement la même chose. Ils ont raison, hein, moi je fais la même. Perros qui nous a dit la même chose. Toilettes et les petits pots de sauce aussi. Si tu vois que c'est des pots avec la sauce qui est collée, qui est dégueulasse, qui a été utilisée, réutilisée, c'est que les mecs ils sont pas. Bah moi ça j'avais vu ça, tu vois. Bah d'ailleurs j'en ai plus jamais allé bouffer. Pareil, sur la Côte d'Azur, un soir on bouffe et la meuf. Décidément, tu as visité les plus beaux restaurants de la Côte d'Azur. Non, mais là c'était des brasseries, tu vois. Mais en fait, tu sais, il y a plein de trucs que tu vois pas. Quand tu bouffes, c'est pas franchement dégueu, mais. Et là, en fait, la nana, elle récupérait les pots d'olive qui étaient pas finis et les reversait dans le seau, tu vois. Comme le pain. Bah ouais, mais tiens, à mon avis, dans un paquet de restos, ils font ça. Hein. J'allais dire dans tous quasiment. Vous faites ça, vous? On paye pas cher. Non, non, elle mettait pas les doigts, mais tiens, mais dégueulasse. Oui, les gens. Bah, c'est pour ça, tu vois, ça m'a un peu vacciné. Il y en a même, ils mettent les noyaux à côté du truc. Il y a tous les noyaux dans le plat, s'il faut. Bon appétit, bien sûr. Bien sûr. Non, ce qui est pas mal maintenant, c'est il y a pas mal de restos maintenant, ce qu'ils font, c'est des cuisines ouvertes. Donc là, tu vois ce qu'il y a dedans. Quoi. Ouais. Si tu vois que ta cuisine, elle est dégueu, bon. Dans ce cas-là, il la ferme. Oui, dans ce cas-là, il met ta rideau. Attendez, on ferme. Bon, bah écoutez, en tout cas, c'est marrant vos témoignages à tous les deux qui avaient bossé derrière. C'est marrant quand il va. C'est vrai, ouais. On a retrouvé déjà. Ah tiens, dans le 25, ils ont retrouvé du sperme aussi dans la sauce blanche. Enfin, il y avait un truc de sperme. J'ai vu le message de. Comme à Marseille. Je sais plus qui parce que ça défile vite. Non, mais le mec, ça les faisait triper, tu vois. Ah, super. Non, mais il devait rigoler, oui. Bah, ouais, il voyait que c'est les choux qui mangeaient, machin. Tiens, Cédric, puisqu'on parle de bouffe, on fait la pesée. Allez, vas-y. Allez, c'est parti. On va peser Cédric. Merci Antoine du témoignage. Antoine du 82. Vas-y, Antoine. Je passe une dédicace à Kev et Madeleine de Moissac. Au gars de Paul Duet et de Fénelon de Cambrai dans le 59. Et Romano continue à éclater Cédric. Hein. Ah bah t'inquiète. Et attends, hier, la prochaine fois, hier c'est 50, demain. 50 hier. Ouais. Bah ouais. Ça me dégoûte un peu. Bah c'est pas grave, t'as pas perdu, t'as pas gagné non plus, tu vas me dire. Ouais, mais j'aime pas un match. C'est possible d'avoir un maillot dédicacé. Oui, on va t'envoyer. Et on t'envoie ça tout de suite, Antoine. Et merci, David, aussi, on t'envoie le t-shirt Skyrock. Ah, c'est pas de dédicace, David. Vas-y, David. Et on va vous faire gagner vos maillots avec la traduction des bugs de Romano. Ouais. Je passe une petite dédicace à Chloé qui écoute, là, puis à Stan. Ah. Puis à tous ceux qui m'ont reconnu, parce qu'à mon avis, demain, ça va jaser. Bah, tu nous diras, tu peux nous rappeler quand tu veux, Antoine, en tout cas. Et David aussi, pareil, les deux. Enfin, toi, tu es David et Antoine aussi. Vous allez me rappeler tous les deux. Ciao. Salut, ciao. Ouais. Ça y est, la balance est prête. Et merci, les témoignages. La balance est prête. Alors, pour petit rappel, il faisait 94,6. La dernière fois, il avait perdu 800 grammes. Mais la balance est prête, mais tu sais que c'est pas, tu vas pas te peser en l'ayant dans les bras. Oui, c'est vrai, Cédric. Alors, le temps que Cédric la pose dans le couloir, on va écouter Drake avec. Vous voulez quoi de Drake d'ailleurs? Parce qu'on a dit qu'on choisirait le 50 de tout à l'heure. On peut vous passer ça de... Oui, parce qu'il y en a plein des Drake qu'on fait tourner. Lui. This sound like some 4301 shit. All my niggas wanna do is pop. Moi je vais prendre One Dance, moi. Attends. Turn my birthday into a lifestyle. Tell my mama I love her if I do not make. Donc lui il s'appelle Pop Style. Vous avez lui aussi. Ah non, vous avez lui aussi. Ouais. Tu mixes mal, Romano, aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. Et toi, t'es prof de radio, toi. Bah écoute. Donc, ça, lui, il s'appelle Too Good, j'aime bien ça. Too Good to You. Écoutez bien. C'est qui chante? Ah, c'est Drake. Ah, ouais. Moi, je croyais que c'était Zifou. Moi, je veux One Dance, moi. Bon, il y a One Dance. Tiens ton One Dance. Ouais. One more time. Aussi, je prends One Dance. Allez, vendu. Alors, vous voulez Too Good, vous voulez Pop Style, vous voulez One Dance. Ça sent trop bon l'été, ça. Vous voulez Work, un petit One Dance peut-être. Pop Style. Bon, et on vous influence pas du tout, mais vous choisissez celui que vous voulez. Vous choisissez One Dance. Non, mais les. Pop Style, hein. Les autres, ils déchirent aussi, hein. Vous nous laissez vos messages, tiens, pour choisir le Drake. Et dans un instant, on retrouve Kenza. Elle est où, Kenza, Samy? Parce que ça fait une demi-heure. Et Kenza, en fait, elle veut pas trop passer à l'antenne. Kenza avec son mec qui gicle trop. Il gicle énormément, hein. Il gicle énormément. Non, mais elle m'a dit elle a pas trop d'expérience, mais le peu qu'elle a pu comparer, c'est plus du double que ses autres. Mais les sûrs, ils pissent pas. Non, parce que genre, ils mettent pas de capote et après, tu sais, elle va aux toilettes. Ah bah, pour, c'est ça. Et genre, bah, ça coule. Il pisse dans la chatte. Non, mais il a rempli, quoi. Non, mais il y a peut-être mélangé à de la mouille aussi. Hein, et au pipi. Oh, non, elle m'a dit c'est une bourde. C'est une bourde. C'est une bourde. Non, je rigole. Il a rempli, quoi. La pesée de Cédric. Dites-nous, les filles, si vous avez déjà vu des mecs qui giclaient beaucoup, si vous aimez ça, si vous aimez pas ça, t'as pas une question comme dans le problème du mois d'ailleurs. Romano, c'est un peu ta spécialité, tout ça. Cédric, t'aimes bien te faire remplir? Tu veux que je te remplisse? Non, mais tu devrais, admettons, te faire éjaculer. Tu préfères qu'on t'éjacule dans le cul ou dans la bouche? Ah, c'est horrible, t'es foutu. Regarde ta question, gros. Non, mais t'es obligé de choisir. Obligé de choisir. Ah, c'est mort, gars. Non, mais si t'es obligé, Cédric. Non, mais t'es obligé, gros. Ah, c'est mort. C'est obligé, c'est une question de vie ou de mort. Ouais. Et toi, Romano? Bah, je meurs. Ah, bah, je préfère qu'on me gicle dans le cul. Hein. Ouais, mais moi aussi. Mais le problème, c'est qu'il faut te la rentrer dans le cul avant. C'est ça. Tu vas me dire, il faut la rentrer dans la bouche. Bah, elle te rentre dans la gueule aussi. Ah, non, pas forcément, non. Non, mais là, il est obligé de te rentrer dans la gueule. Ah ouais, bon, le cul... Ouais, ça fait mal, hein, peut-être. Ça fait mal, mais franchement, moi, t'as pas le goût. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, mais après, donc... Ah, moi, je sais que je me fais enculer. Ouais, mais dans ton cul, ça dégouline après. Ah, ça dégoûte un peu. Vous pouvez répondre à la question, d'ailleurs, qu'on vient de poser, vous aussi. Alors, Cédric répond. Bon, allez-y, tout le monde répond. Ah, je sais pas, putain. Cédric, tu dois choisir, allez. Moi, je meurs, je m'en fous, vas-y. Choisis comme toi, moi, man. Je meurs, quoi. Non, t'as pas le droit de mourir. Tu meurs pas, non. Allez, Drake, on se met donc un Drake dans un instant. On va mater les messages que vous nous avez laissés. Okay. On revient dans une minute sur Sky. 6h, 9h, Morning Best. Morning Show. Réveille-toi tous les matins avec les meilleurs moments du morning de Diffoul sur Skyrock. Quelle marque de préservatif rime avec film X? Matrix. Non, Manix. Best. The Morning Show. Les meilleurs moments du morning de Diffoul. Tous les matins de 6h à 9h sur Skyrock. Le 3692 est le numéro pour discuter avec des hommes et des femmes, échanger vos numéros et pourquoi pas vous rencontrer. Le 3692, le numéro pour réaliser tous vos projets, même les plus fous. Alors n'attendez plus, appelez dès maintenant le 3692. C'est très simple et surtout rapide. Télon, 80 centimes d'euros la minute, plus prix d'un appel. T'as envie de te marrer? Télécharge Yax et découvre les dernières blagues inventées par le peuple Yax. Balance tes photos et tes dossiers et tape-toi des barres avec les autres Yaxeurs. Cherche pas plus loin. Cherche pas. C'est sur Yax que ça se passe. Yax. Votre appli YAX et Skyrock, votre radio et... Eh ben c'est One Dance qu'on écoute, c'est parti. Toi aussi, viens rejoindre la plus grande radio libre de France en direct de 21h à minuit sur Skyrock. On vous les mettra les autres, Drake. Hein. Oh, c'est bon ça, One Dance. Découvert sur Sky, Drake. On your ways, front way, back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away. Even when I'm away, OT, OT. There's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like you so. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. One Dance, c'est sur Sky, c'était le son de Drake. Gros son de Drake. 21h minuit, la radio libre de Tifoul. Seulement sur Skyrock. Grosse radio libre. Ah, aussi. Radio libre, 21h minuit, on est là en direct, vous profitez, déjà 11h30. Ça veut dire que dans moins d'une demi-heure, vous gagnez Rihanna. Rihanna a gagné les places de concert pour aller la voir. C'est sur Skyrock toute la journée. Et comme ça cartonne, on vous en a remis encore plein cette semaine. Il y a 400 places de concert à gagner. Ouais. Et peut-être deux pour vous. Préparez-vous, je vous donnerai le top tout à l'heure. Je vais vous passer un bug de Romano, il va falloir le traduire en direct ce soir. Et on va parler de Kenza. Kenza, qui, bon, veut pas passer à l'antenne. Bon, on veut bien te comprendre, Kenza. Après, c'est pas sûr qu'on te reconnaisse, hein. Non, c'est vrai. D'ailleurs, on peut dire que tu t'appelles Josiane. Ouais, ah, bah c'est joli, ouais. Que tu nous appelles de, je sais pas, de... Enfin, pas ta ville, en tout cas. Saint-Thibaud-des-Vignes. Saint-Thibaud-des-Vignes, voilà, voilà, très bien, Thibaud-des-Vignes. Et donc voilà. Mais en tout cas, donc toi, tu as remarqué que t'étais avec un mec là. Bon, t'as pas beaucoup d'expérience avant. Et que le mec, il jouissait beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire, il crachait. Rempli, quoi. Ah, tiens, il y a Franck qui nous dit, moi, je crache pas quand je nique. Bah, comment t'as ton plaisir alors? Bah, en tout cas, bon, dites-nous. Et si vous êtes déjà tombé sur le même genre de mec, les filles ou les mecs, si vous giclez beaucoup, n'hésitez pas à nous envoyer pas vos machins, hein, vos messages. Ah non, on veut pas au 41 759. Ou alors pour faire plaisir à la Marie, si vous voulez. Ouais, 37 bah, c'est sympa, bis rue Grenetta, Marie, 75002, Paris. Vous lui envoyez des petites fioles. T'as raison, ouais. Ou des résidus de capote, ou ce que vous voulez, là. Moi, je jute sans fin. Ah ouais, t'as du jute sans fin, c'est donc. Toi, ça gicle. J'ai couché avec un Renoir qui éjaculait grave. Je sais pas ce qui s'est passé. Tiens, message d'une nouvelle Ikram. Décidément, les Ikrams, on a une Ikram tout à l'heure. C'est pour ça que je dis ça. Bah, moi, je suis pas Ikram. Black, mais j'ai du bon jus. Hein. Eh bien, écoutez, Romano fait partie de. C'est vrai, tu gicles beaucoup, toi. Ah, je sais pas, ça vous dégoûte pas. Non, ça vous dégoûte pas, les filles. Tu vas me dire, non, peut-être pas, non. Bah après. Oh, j'ai pas entendu, pardon, je t'ai dit. Mais un mec qui éjacule beaucoup, ça te dégoûte pas, non? Non, mais la gougoute beaucoup, tu sais, le mec que j'avais eu, ça me dégoûtait un petit peu, parce qu'en le suçant, c'est hyper salé ce truc. D'accord, donc la gougoute. Pas trop. Non, Harry, mais beaucoup de sperme, oui. Ah oui. Ouais, ouais. Bon, ça, on s'en fout. Ah ouais. Ah oui. Ah ouais, mais c'est bon ça. Non mais si c'est dans une capote, tu t'en fous totalement. Si c'est en toi, c'est des... ça fait longtemps. Ah c'est génial, ton, c'est bon, chaud, c'est bon. C'est pas bien. C'est chaud, c'est moelleux. Ouais, c'est moelleux. Ça, ouais, t'as raison. Ah c'est moelleux, Marie. Ah ouais. Moelleux, ouais, c'est super. Tendre et fondant. C'est tout doux. Mon témoignage 41 759, appli Skyrock, vos messages, vos témoignages en direct. Une petite douceur dans ma foune. Tout ce que vous voulez, des petites douceurs. Et Cédric, t'éjacules beaucoup, toi? Ouais, ça va. Voilà, j'adore avoir des petites douceurs dans mon anus. Non, mais ça dépend des fois, tu vois. Ouais, mais toi, t'es pas un mec qui éjacule comme. Ah non, non. 5-4, quoi. Non, ça va. Non, toi, t'éjacules vite, toi. C'est normal, moi, j'ai qu'une giclée. J'ai qu'une giclée. Ah, tu veux dire que tu fais pas. Attends, pour une fois, quoi. Ah, oui, attends. Toi, tu as pardon d'un coup. Tiens, le foot, ma gueule, moi, j'ai jamais giclé. T'as quel âge? 15 ans. Bah peut-être que t'as ta puberté qui va arriver. Mais vous, c'est laquelle la giclée la plus forte? C'est la première? Pas toujours. Ouais, moi aussi, pareil, pas forcément. Non, la première, c'est un petit truc qui prévient que ça va gicler très fort derrière. Moi, ça dépend des fois. C'est vrai que ça dépend aussi. Ouais, ouais, ouais. Cédric? La première, moi. Moi, je donne tout, la première. Et à mon avis, j'ai qu'une normale, mais perso, je m'en fous tant que j'ai mon plaisir. Ouais, non, c'est clair, oui, c'est pas. Ah, parfait. T'es éjaculé à litre. Sucer une bite qui mouille beaucoup, c'est dégueu. Très bien, merci Jules de ton message. Mais par contre, moi, quand je suis bourré, j'avais remarqué que je crachais plus. Quand t'es bourré, tu craches plus. Bah, non, c'est peut-être la pression, tu vois t'es double. Bourré, ouais, tu vois. Ah ouais, peut-être alors. Tu vois double quantité. Moi, je gicle en 5 fois. Ah ouais, tu comptes 1, 2, 3, 4, 5. Ça y est, c'est fini, ma chérie. Bah, moi, c'est pareil, ça dépend, non? Ça dépend, ouais. Moi, j'ai jamais calculé. Ouais, non plus. La capote m'empêche de gicler. J'ai réussi qu'une fois. Par contre, sans capote, je gicle beaucoup. Je peux gicler plusieurs fois. C'est Tanguy, 20 ans, qui nous envoie le message, là. Ah. Bon, on y revient pour Kenza. Bah, c'est après, tout doux. A priori, ça varie sur les meufs. Hein. En gros. Ouais. Mais c'est tout doux et bien chaud. Mais c'est pas oui, c'est moelleux, Marie, je sais. C'est moelleux. C'est moelleux dans ma chatte. C'est visqueux, ouais, plutôt. Visqueux. Bon, on fait la traduction des mots. Allez, vas-y. Ouais. J'avais promis avant minuit, bah, vous avez vu, j'ai tenu ma promesse. Alors, le bug à traduire. Comment ça marche? C'est simple, Romano, tu prononces des mots dans l'émission. Des phrases même. Et parfois, ces mots sont inconnus. On a l'impression d'entendre parler un Islandais, mais pas du tout. Non. Ce n'est pas de l'Islandais. Je suis bourguignon. Ce n'est pas du bourguignon non plus. C'est une espèce de langage que vous allez devoir traduire maintenant. Et on vous file vos maillots ou vos jeux au choix. Vous choisissez ce que vous voulez. Écoutez bien. Ah ouais, non, mais on va trouver ça. Ah bon? Putain, je croyais que tout le monde allait gueuler la réponse. Ah ouais? Je le remets peut-être. Écoutez bien. Digue digue dong, tu dis. Non. Digue digue dong. Putain, mais alors là, je vois pas du tout. Moi. C'est pas Euromillion? Non. Ah, c'est pas con, Cédric. Pas con, ouais. Débile. Pourquoi tu dis ça? Je parle bien, toi, il est plus. C'est la bonne réponse? Dis donc, dis donc. C'est la bonne réponse? Non, non, c'est pas la bonne réponse. Débile, je confirme. Ta gueule. Digue digue dong. Il fait pas Tilali Laloum. Tilali Laloum. Tu vois, genre. Balabalabada. Il chante. Ouais, tu sais, genre, il y a un truc, il fait Tilali Laloum. Je suis bourguignon, on nous dit. Tiens, Aurélien Bourguignon, il dit aussi. Égalisation pour Maxou du 59. Ah ouais, pas con, c'est pas ça. Non, je viens d'Avignon pour Alex de Moreno. Dans le 4-2, salut Alex, salut Moreno, salut le 4-2. Et moi aussi le gagnant. Qui c'est qui dit ça? Agone. Donc le gagnant, ce sera le premier ou la première qui, sur le 41-759, sur l'appli Skyrock, nous laisse la bonne réponse. Et j'ai une petite question. C'est qui c'est qui a dit ça, bonne réponse? Ah ouais, ah ouais. J'ai une petite question. Ouais. Caillou Trouble. Ah ouais, bah Caillou Trouble, bonne réponse. Et puis t'as juste avant, il y avait KVT44, ah ouais, 16 ans, qui disait j'ai une question. Non, c'est petite question. Presque ça, c'est une petite question. Ouais, tu l'entends bien en plus. J'ai une petite question. Sinon, il y a eu des Cédric qui l'écoute. On appelle Caillou Trouble. Paris, tu pouvais fermer ta gueule qu'on passe le son. Ah, j'ai pas entendu. Bah écoute, t'as pas entendu, t'as un casque, t'es complètement sourd. Oui, mais alors là, j'écoute Europe 1. Ah d'accord. Parce que tout à l'heure, j'ai entendu, il faut une rubrique jardinage. C'est ça. Et ça, super. Pour cultiver ma bœuf. Voilà. Et mon opium. J'ai une petite question. Putain, t'es fort, Caillou. Ah ouais, ah ouais. Non, pas écouté. Tu t'es trompé sur ton âge, dans 82 ans. On va voir. On va t'appeler. Bah non, en tout cas, t'as laissé ton numéro. On t'appelle. T'as gagné ton maillot ou ton jeu au choix. Et on en refait un autre avant minuit. Alors, on va avoir la traduction. Alors, on écoute le bug en entier. Écoutez bien. On a même offert ça de lundi matin, nous, hein, d'ailleurs. On a démarré la semaine avec. Alors, je crois qu'on parlait des animaux. Je crois qu'il y a une mouche ou un moustique qui vient de rentrer. Je sais pas si tu as entendu un espèce de machin qui faisait. Non, j'avais une petite question. Petite question, c'est ça. J'ai une petite question, ça marche. C'est bon. Bien joué, Caillou Trouble, pour ton message. Bien vu. Donc, qui c'est qui rappelle Caillou Trouble? Il est là déjà. C'est bien, Cédric. Alors, pour une fois, t'es pas trop lent. Ouais, d'ailleurs, on va les peser, c'est vrai. Ce que tu parles. Maxence. Non, bah, rien. Pourquoi t'as écrit endormi? Parce qu'il est en train de s'endormir. Ah. Eh ben, putain, t'es rapide pour un mec qui s'endort, Maxence. Ouais, c'est hein. Clair. Maxence, 15 ans à Saint-Michel. C'est où, Saint-Michel? 91. Ah, Saint-Michel-sur-Orge. Ouais. Très bien. Salut, Maxence. Salut. Salut. Ah ouais, effectivement, ouais. Ça va, Maxence? Salut. Ça va? Ouais, ça va être tranquille. Oui, j'entends. Tranquille, pépère. J'ai dit, il est en face de. Alors, Maxence, tu as gagné ton maillot. Mais c'est même hallucinant, ouais, que t'es rapide comme ça avec T'assures, Maxence. C'est bien. Juste avant de t'endormir, tu t'es dit, ah, c'est con de Skyrock, ils font un jeu, tiens. Bravo. Allez, donc, Maxence, tu as donc trouvé. Comment t'as fait pour trouver? Mais c'est facile. C'est pas Romano, on a trouvé un gars qui t'en prend. Cool, putain, j'ai trouvé un copain. J'ai pas ton numéro, Maxence, je vais t'appeler, on va discuter des fois. Tu veux quoi? Tu veux un maillot, un jeu? On t'envoie quoi? J'ai bien un jeu. Tu veux quel jeu? NBA 2K17. En tout cas, ça fait beaucoup rire Cédric. Ah, NBA 2K. Tu prennes un jeu, alors ça, ça l'éclate. Non, mais c'est le décalage entre la question et la réponse. Tu veux gagner un jeu? Ouais. Bah, il est content. Ouais, ouais, je sais, mais t'es, il y a un décalage. NBA 2K17. Wow. 16. Non, 16, non, 2017. Non, il veut 17, lui. Ah, ben, il faut attendre. Ouais, il veut 17. Ça, c'est, voilà, mais sort c'est quand qui sort. Ça sort dans 6 mois, ce truc. Ça sort quand, Maxence? Non, c'est octobre. On va attendre. Bah, si. Dites-nous quand ça sort, NBA 2K17. Bah, en général, c'est Maxence, ouais, Maxence, est-ce que tu es encore capable de nous le dire ou là, t'es au bout de ta vie? Au bout du rouleau. Moi, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Ouais. C'est bien. 20 septembre la sortie. Ouais, en tout cas, hey, c'est ah, bien. Septembre, bon, ouais, si tu peux attendre. Même en train de vous endormir, vous pouvez écouter l'émission, on sait jamais. Ouais, puis il a été vif, il a trouvé. C'est vrai, ce qui est hallucinant, ah ouais, c'est ah non, mais ça, vif. C'est, oui, c'est surprenant. Bravo à toi. Il y a plein de réponses. Didon, Euromillion, je suis bourguignon, tout ça, tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais non, c'est toi qui as eu la première. Ah, il est cher, le jeu. Bravo. Combien il coûte? 89,99€. Voilà, prends autre chose, hein, Maxence. Ouais. On a des autocollants, tu vois. Tu veux? L'autocollant. Et tu sais que Karim, il a mis ton autocollant, derrière sa voiture, des pizzas, là. Eh ouais, man. Eh ouais. Et l'autocollant de Cédric aussi. Là, j'ai une nouvelle, moi, il y a un nouveau stock qui arrive bientôt, là, je vous tiens au courant. Magnifique. Là. Ah bon, ouais, pas moi. Maxence. Ah bah, tu te débrouilles. Ah, t'as commandé que pour toi? Bah, moi, je sais pas, est-ce que t'étais en rupture de stock? Moi, de mon côté, je les avais. Bah, ouais, j'étais en rupture de stock, du con, va. Bon, Maxence, demander. On va vite te reprendre pour prendre tes coordonnées avant que tu tombes. Et bravo à toi, tu viens de gagner ton maillot. On va refaire un. Son jeu. Bien joué. Ah oui, ton jeu. NBA 2K17. Voilà. À 89 balles. Ouais, putain, tu te fais pas chier, okay. Maxence. Hein. Mmh. Bon, bah, merci à toi, et puis bonne nuit. Salut, Maxence. Ciao. Ciao. Dors bien. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est marrant, Maxence. Bon, il y a Myriam qui est en ligne avec nous. On la prend et juste après, on se fait un dernier bug et on jouera pour Rihanna. En fait, il y a plein de cadeaux à gagner, ça, c'est super. C'est ça. Alors, Myriam, elle est où? Dans le 95. Salut, Mimi. Salut, salut. Qui c'est qui fait une teuf? T'as vu pas, radio, ouais. Fait gueuler, t'as eu une rêve de l'autre couloir. Côté. Je crois qu'il y a une ambiance. Je sais pas si vous entendez. C'est quoi ce bordel? Est-ce qu'il y aurait des cachets? Il y a une rêve dans les studios. Il y a une rêve partout. Ah, mais on est quel jour? Ah, c'est pas la soirée à côté là? Tout est fait, il faut une soirée, les voisins. Ah, bah salut les voisins. Bah tiens, Romano, tes voisins ils sont peut-être venus nous faire chier jusqu'à chez nous là. Ah, bah je serais bien qu'ils soient là. Ah, mais c'est un truc. Bon, ah, ouais, ils font des. Il y a des jeunes qui ont pris un appart juste là, tu sais, la fenêtre en face là. Mais mec, mais tous les mardis ou les mercredis, mais ils sont 200 dans le truc. Ah, c'est la soirée. Mais jusqu'à 6h du matin, bordel, ouais. Bah t'es content, t'habites dans l'immeuble. Ah, ouais, je pense qu'il faut pas rester longtemps. C'est marrant, on parlait de problèmes de voisinage hier et puis il y a le grand feuilleton de Romano et ses voisins. Aujourd'hui, dans le feuilleton, il s'est rien passé. Bah non, pas grand chose, non. Je suis déçu. Demain, dis-leur que la meuf elle t'a dragué, qu'elle t'a touché la carriole ça et je pense qu'il y aura un petit souci. Bon, Cédric, il allait chercher la balance, ouais. Ou elle allait s'embrouiller avec les voisins, les deux peut-être. Cédric. Ah ouais, l'autre s'est barré. Ah. Cédric. Ah, il s'est barré. Je suis dans les couloirs avec. Chez les voisins, il est, tiens. Cédric. Mais qu'est-ce qu'il fout? Il est où? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu fous? Ah ouais, toi t'es posé là. Ouais. Mais le mec, il met du soin à fond. Demain. Ah, donc il fait la teuf. Dis fou, on ne t'entend plus là. Si, tu m'entends. Ah, si, bah parle. Bon, Cédric, viens de peser. Donc c'est la nouvelle balance parce que l'autre malheureusement n'a plus supporté ton poids. Elle est plus grande, hein, celle-ci. J'espère que celle-ci va tenir le choc. Allez, c'est parti, il monte dessus. Ouh. Avec classe. 93,8. 93,8, mais ils font comme neige au soleil. Ouais. Putain, la neige, elle ne fond pas vite. Beau gosse, là, hein. Tu vois, Cédric, t'as vu Sabine, t'as dit t'es beau gosse. Ouais, ça y est, pour l'été, là, tu vas être bien. Hein. Ouais. Ah ouais, franchement, sacré baléno sur la plage. Baléno. Non, je pense avant la fin de la semaine, en dessous de 93. Ouais. En fait, tu perds par 800 grammes. Ouais, tu prends un parasol à la plage. Non. Ouais, une glacière et tout. Non, moi, je prends un parasol, moi, je te dis. C'est vrai. Bah, mais toi, t'es un vrai, toi. Bah ouais, les vrais prennent un parasol. Ouais, et pourtant, il fait un vrai régime. Tout à l'heure, quand je suis arrivé, il bouffait des M&M's comme un porc. Ah bah, ça, c'est du régime. Comme un porc, ça va, je bouge. Bah, c'est bien, 800 grammes de moins. Un petit sachet, tu vois. T'as jamais fait de régime avant les vacances, toi, Myriam? Cédric, il est en plein dedans, là. Myriam? Oui. Moi, je suis. Oh, l'émission, elle est pourrie ce soir. Parce que non, c'est bien marré. Ah, ça va, non, Myriam. Je vous écoute, je vous écoute. C'est gentil, Myriam. Tu n'as jamais fait de régime avant les vacances? Je sais qu'il y en a plein qui en parlait l'autre jour. Il y en a plein qui en font. Si, moi, je fais du régime. Je suis en plein régime, là. Ah, toi aussi. Bah, Cédric, tu vois, il y a quelqu'un qui te soutient. Et là, il est en train de boire de la vitelle. Cédric, je t'adore. C'est gentil, Maxime. Merci. Merci, ma chérie. Moi, je suis à la vitelle et au Coca Light. En ce moment. Et au M&M's. Ah, je te jure. Et au M&M's, ouais. Ouais, mais je mange pas beaucoup, tu vois. Voilà pour le régime. Bon alors Myriam, toi tu nous appelais par rapport à ah oui, au témoignage de Kenza dont on parlait tout à l'heure. Elle trouve que son mec éjacule beaucoup beaucoup. Bon, limite elle s'est dit que ça la dégoûtait un peu, Samy. Ouais ouais, carrément. Elle a dit que elle, tu vois, il y en avait trop et que c'était par rapport aux autres mecs, c'était trop. Ouais, trop. Et qu'elle fout des capotes. Mais ça, en fait, elle se vidait pendant vachement longtemps, elle m'a dit. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Donc, tu vois, et heureusement qu'il lui fait pas une buccale, parce que ça peut te faire vomir, ça, non? Mais justement, Myriam voulait en parler. Ah, Myriam, on t'écoute. Ouais. Exactement. Moi, j'ai couché avec un mec pendant un bon moment. Mmh. Il a éjaculé, mais il a éjaculé un truc de ouf. Mais c'était trop, en fait. C'était trop. Je comprenais pas, en fait, c'était en plus, c'était dans ma bouche, donc. Ah oui, donc j'imagine qu'il s'y remplissait la. Mais c'est-à-dire, t'avais eu d'autres mecs avant, donc t'as pu comparer, comment ça s'est passé? C'était pas comme ça du tout. Là, c'était une rivière, quoi. Parce que c'est vrai, t'as des films de cul où t'as des mecs qui. Qui tu te dis, putain, mais ça va jamais s'arrêter, le truc. Mais c'est du lait concentré aussi, non? Du lait concentré qui sort de la bite. Ouais, dans les films de cul, non, il n'y avait pas ça? Non, Marie, non. Ah ouais, j'avais cru entendre ça, moi. Non. Non. Que dans les films de cul, hein, pas dans ta vie, évidemment. Ah, mais non, mais tu vois ce que tu veux dire. En fait, Marie, ce qu'elle veut dire, c'est que pour faire du faux sperme, ils utilisent du lait concentré. Oui, mais quand tu le vois sortir de la bite, ouais, je pense pas qu'ils arrivent avec une pipette avant qu'ils injectent ça dans la bite. Non, c'est, ouais, c'est un peu compliqué techniquement. Et donc, mais ce. Oh. Ça t'est arrivé de vomir? Non, du tout. Hein. La première fois, j'étais un petit peu choquée de voir ça. J'avais l'habitude après. Tu savais ce qui t'attendait, en fait. Mais tu avales? Non, j'avale pas. Tu craches sur la gueule. Fallait prévoir un seau pour cracher des trucs. Ouais, une bouteille. Seau, des serpillères. Mais tu craches sur son bite, par exemple. Non, en fait, c'était ça dans la bouche, ça sur les seins, donc. Non, je remplissais ma piscine comme ça. Ah ouais. Et toi, c'est un truc, je sais pas, quand tu voyais sur tes seins, par exemple, on a parlé de la bouche, mais sur tes seins, quand tu voyais qu'il éjaculait plein de sperme, ça t'excitait. Ça m'a toujours intéressé de savoir, les filles, ce que vous sentiez par rapport à ça. Là. Ah oui, ça m'excite de ouf, hein. Quand je le vois, ça m'excite de ouf, de plus en plus. Ah ouais, donc quand tu vois plein de sperme qui arrive sur toi, tu te dis. Ah oui, un truc de ouf. Donc ah si, ouais. si tu ressortais avec un mec qui. Parce qu'il y a des auditeurs qui nous ont dit qu'ils éjaculaient pas beaucoup, qu'ils nous laissaient des messages, genre, un petit truc. Ouais, il y a des petits juteurs, ouais. Ouais, ou peut-être c'est peut-être parce que vous vous branlez trop, hein. Ouais, c'est possible aussi. Il y a Pépito Choc qui nous dit ça dépend de la taille des testicules. Je suis pas sûr. Ah, je sais pas. Il y a des grosses boules. Normal. Oui, il a pas des. Non, mais à ce moment-là, Cédric, laisse tomber, le machin, c'est un geyser avec la taille de ses couilles. Oui. Après, c'est pas dans les couilles qu'il y a le liquide. Le liquide, ouais. Il est ouais, dans c'est le. Ça, ouais. C'est tout en circulant. Dans les couilles, ça fabrique les spermatozoïdes. Ouais, ouais, les couilles, ouais, c'est un peu le mixeur. Je crois pas, Romano. Je crois que c'est le fabricant de spermatozoïdes et après, ça c'est remonte ça. Par les. Dites-nous avec si vous avez fait des cours de bio, des SVT, tout ça. Ah, moi, je croyais que c'était dans les couilles que ça se mélangeait. Non, dans les couilles, en fait, t'as les spermes qui sont créés, les petits spermatozoïdes. Voilà, il y a le liquide qui ramasse tout ça et. Après, ça remonte dans des espèces de boules. Et à l'intérieur des boules où il y a du liquide, tout ça se mélange. Et après, shaker, hop. Shaker, et après, ça part. Et service. Ça dépend de l'excitation. Il y en a beaucoup qui disent ça. Tiens, Flo de Clermont qui nous laisse le message. Walls qui nous fait, moi, je jute pas beaucoup. Et pas très loin du tout. Ah, tu vois, il y a des petits juteurs aussi. Hein. Ouais, il y a pas. C'est trop dégueulasse, un mec, s'il éjacule. Magdalena. Bah ouais, mais bon, c'est quand on est content, hein, tu devrais être contente. Il y a Ophélie qui dit ça serait mieux le goût de les concentrer pour le sperme. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Oh. D'accord, Marie, mais t'es pas obligée d'en manger non plus. T'es obligée, c'est sûr. Bah Marie, t'as pas goûté le mien, il est très bon. Dans les films de cul, c'est lit concentré plus. Moi, perso, on s'en est jamais plein, moi. Qu'est-ce que tu racontes, Marie? Voilà, bien sûr, Marie. J'ai vu un message, c'était. Racontez-lui qui rajoute du sel, du poivre et puis des petites. Ouais, un steak aussi, Marie. Des petites tomates, des fois. Ah ouais, mais t'as steak. Ouais, bah ouais. Pour les règles, c'est celle du ketchup. Non, mais en plus de ça, elle était très sucrée. Il y avait du sperme sucré. Ah ouais? Sucré, mais un truc de ouf. Une vraie du lait concentré. On nous a jamais dit que c'était du sperme, c'était sucré. Ah une vraie douceur. Je trouve que ça sent la javel. C'est moelleux. Ça sent la javel. La javel. Non, mais on dit quand on boit beaucoup de jus d'orange, donc après le sperme, il est sucré. Donc, mais lui, il était sucré, mais un truc de ouf. On dirait du miel. Ah ouais. Ouais. Du miel, ça colle en plus, c'est cool. Ouais, c'est super. c'est mignon. Le sperme vient de la prostate et des vésicules séminales. Ah, j'étais sûr qu'elle est. Qu'est-ce que vous me dites d'autre? Parce que j'aimerais. Ouais, je crois que c'est ça en fait. Donc tu as raison, t'as pas mis ton pseudo, mais merci à toi, l'inconnu, on va t'appeler l'inconnu. Salut l'inconnu. Bon, bah écoute, merci Myriam. Donc pour Kenza, faut qu'elle en profite plutôt, hein. Et puis, bah, elle est pas obligée d'avaler, hein. Bah non, voilà, bon. Kenza. C'est ça, ouais. Ah bah elle est tombée, s'il éjacule beaucoup. Après même dans la chatte, ça la. Ça la bah ouais, elle kiffe, elle kiffe pas. Mais qu'elle fout des capotes. Bah au moins elle est, voilà. Et au moins, il va bien les remplir. Ça montre qu'il est content. Les grosses capotes alors. Gros réservoir. Enfin un gros bisou Myriam. Ah oui, bisous bisous. Salut Myriam. Bisous. Tiens, on va choisir le 50 Cent que vous avez envie d'écouter. 50 Cent, je vous l'avais promis, on a raconté la petite histoire qu'il est arrivé sur les îles dans les Caraïbes. Ouais. Il a dit motherfucker sur scène et il s'est trouvé donc arrêté par la police des Caraïbes parce qu'il a proféré des grossièretés sur scène. Ouais. Et ouais, on n'a pas le droit de dire motherfucker dans les Caraïbes. Et 1800 dollars d'amende. Et bien motherfucker et ça lui a coûté 1800 euros. À payer tout de suite en plus. Et ça nous a donné envie d'écouter un petit 50 Cent. Alors on va choisir le 50, t'en as combien Romano des 50? Ouais, il y en a un paquet hein. Il y en a un paquet. Bah je vais déjà vous mettre ça. Alors il y a ça, écoutez bien, notez bien les titres et dites-nous celui que vous voulez écouter. Candy Shop. Ouais, j'adore. C'est vrai que ça va pas être facile à choisir, donc c'est vous qui allez choisir à notre place. Candy Shop. Enfin, nous aussi on peut choisir hein. Après t'as quoi? Candy Shop. Très bien. PNP. C'est le clip dans les magasins hein. C'est les bonbons. PMP. Donc. Alors attends. Ça c'est le deuxième que vous avez choisi. Moi je veux Just Little Bit, nous dit Chrissy Sauvage. Il y a le classique. Le classique Hit the Club. Ça c'est mon préféré. Ah, j'aime bien Just Little Bit aussi. Hit the Club, c'est vrai, il déchire. Et 50 Cent avec In the Club. Alors ensuite, il y a Straight to the Bank. Ah, celle-là, elle est bien. Ah, tu l'avais chanté avec lui, ça. Il y a beaucoup de candy shop là pour l'instant là. Ça c'est Just Little Bit. C'est vrai que ça aussi ça déchire. Ah ouais. Shady. Aftermath. Demandé par Blue. On est s'engager dans un truc, on a envie de t'écouter en fait. Ouais, c'est ça. Il y a Dia qui nous dit à 21 questions. C'est vrai qu'il y a, on va pas se faire tous les albums. Et Window Shopper, on nous dit aussi pour Yanis. Allez, Window Shopper. Yanis, 14 ans, veut Window Shopper. Oh. Et il y a Moano qui fait comme toi, Romano, il vote pour Straight to the Bank. Moi j'aime bien tout moi. Moi aussi j'aime bien tout. Donc vous choisissez celui que vous voulez. Prenez lequel dans l'équipe. Tu prends lequel? Allez Marie, on commence par toi. Putain mais j'ai du mal moi. Peut-être Candy Shop alors. Moi je prendrais Ça pique comme jamais. Mais j'ai pas le club. J'adore. Raté. Tu veux quoi alors? Straight to the Bank. Ah il y a un Black Club. J'ai du mal. Il y a quoi? Ah oui. Ah oui il y a ça aussi ouais. Ah celui-là moi je prends. C'est Be ou ça? Be By Me. Ouais. Et sinon il y a d'un an et demi aussi il est dessus. Ah non. Non, non, Nick Jeremiah. Ouais. Put it down on me. Put it down on me. Put it down on me. Don't know it up a mountain. Bon, alors à vous de choisir. Vous choisissez. Marie, on a vu. Cédric aussi. Tu prends lequel, Samy? À Inda Club ou Straight to the Bank? Choisir. Ouais, bah, Inda Club. Inda Club. Le premier. Romano. Eh bien, moi, je vais prendre PIMP, moi. PIMP. Parce que t'es un pimp, toi, man. Ouais, je suis un pimp. Oui, oui. Moi, je prends celle avec Jeremiah, là. Put it down on me. Ah ouais. Put it down on me. Put it down on me. C'est vrai que celle-là, elle est grave, celle-là. Elle est terrible. Ouais, moi aussi, j'aime bien. Moi, ah ouais, Jeremiah down on me, c'est vrai, c'est bien, ça. Ah ouais. Ouais, c'est celle-là, là. Ouais, ouais, j'avais pas pensé à ça. Mais bon, c'est un morceau de Jeremiah. C'est vrai, mais bon, il y a fait 50 dessus. Parce qu'il y en a plein d'Eminem qu'on a joué avec 50 aussi. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bon, allez, vous choisissez, puis dans même pas 5 minutes, on se sur le mai, donc choisissez vite, allez-y. Et Romain des réseaux sociaux, il va compter, faut ça, faut calculer tout ça. Bon courage. Le dernier avec Jeremiah, le Candy Shop ou Window Shopper. Léa, The IO Technology, Down on Me, pour des Down on Me. C'est vrai que IO Technology est bien aussi. Ouais, c'était, tout est bien. Down on Me pour Marion, Candy Shop. Il y a eu plein de Candy Shop au début. Là, ça file vers Down on Me. Allez, on va vous dire, on va vous dire tout ça. PMP pour Hello Catch, 20 ans. Marion, elle veut Down on Me. Diffool 3.0, il veut. Salut, t'as 17 ans. Tu veux IO? Non? Tu veux Down on Me, toi aussi. IO Technology, c'est Kamel qui est juste en dessous. Zbub, qu'est-ce que c'est Zbub? C'est pas un titre hein, de Gwendou, tu t'es trompé. Non, Zbub, ça n'existe pas. Zbub de 57, non, on connaît pas. Bon, alors, vous nous dites très vite, et j'avais promis un dernier bug à traduire pour Romano, ben, c'est dans un instant allez. Que ça va se passer. Un allez. Bug à traduire. Oh, je peux même vous le faire écouter tout de suite, si vous voulez. Allez, vous êtes prêts? Allez. Donc, ça vote pour 50, que de la bombe, 50 Cent, prenez tout. Eh bien, voici tout de suite ça. On n'entend rien. Attends. Que dit Romano? C'est la question que je vous pose. Ah, j'ai une idée. Christian, quelle horreur. Eh bien, non. Non, c'est, ça. Non, c'est, un, pré- c'est un prénom, non? Et pas du tout, Karim. Ah, ouais, je croyais qu'il y avait Christian au début. Il n'y a pas Christian au-dessus. Non. Il n'y a pas Aurore non plus, comme nous dit Juba. Non plus. Ah, il n'y a pas Aurore. Quelle horreur. C'est merde, bah, je suis. C'est qui encore, nous dit Flo Clermont. Vas-y, remets voir un petit coup. Excuse-moi, Aurore. Non, c'est pas ça. Puisqu'il n'y a pas Aurore. Je remets, écoute. Qu'est-ce que ça te fait quand tu t'entends parler comme ça? Parce que c'est vrai, je me pose la question. C'est chaud, là. Tu te dis, ah ouais, c'est chaud, là. Je suis débile. Non. Non, non, t'es fatigué, on va dire. Ouais, c'est ça, c'est le cerveau. Le cerveau, la bouche, peut-être, la bouche est fatiguée. Bon, allez, faites une proposition. Si vous avez la bonne réponse, vous partez avec votre maillot ou votre jeu au choix, comme Clément qu'on a eu tout à l'heure. Quel film d'horreur, on nous dit, non? C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Je suis dehors, c'est pas ça. Je me suis levé à l'aurore, c'est pas ça. Moi, je pensais, c'est tiens, aurore. J'ai rien compris. Non, c'est Thierry Aurore. Mais quelle horreur. C'est Thierry Aurore. Maintenant, il n'y a pas Aurore, il n'y a pas de prénom. Merde. Je suis, c'est non, Orange, nous dit Sochi. Non, c'est pas ça. Je vous dis au revoir. Il y en a un qui a trouvé ça. Du 63. Je suis avec lui au téléphone. Il y en a un qui a trouvé. Ouais, direct. Bon, bah écoutez, la réponse du bug, le bug en entier, on va l'écouter. Et puis, on peut lancer les places pour Rihanna. Ah, bah allons-y, les inscriptions. Ah, ouais, ça va tous mélanger là. Alors, Rihanna, je vais aller faire un tour dans le bureau des réseaux sociaux de Skyrock. Ah, au niveau du comptage du 50 Cent. Parce que, comme on a dit, il doit galérer pour compter tous les. Ouais, parce que là, faut se dépêcher, Romain, il n'y a pas de pub en plus. Bah, il est là. Il n'y a plus de pub, on a tout enlevé. Alors, c'est Candy Shop. C'était sûr. Ah ouais? Non, vas-y, il est pourri. C'est pas. Mais arrête, ça. Bah, il est pas pourri. Non, mais c'est pas le mieux qu'on ait dit. Il est trop bien, mais c'est pas le mieux. Tu vois, je préfère Candy Shop à Straight to the Bank. Ah ouais? Ah ouais. Putain, non, Straight to the Bank. T'as envie de te lever, lever les bras, quoi. Ah ouais. Bah, Candy Shop aussi. Ouais. Je lève le bras avec pas de. Il est plus mélodieux, tu vois. Donc, c'est vraiment le classement. Pourquoi tu veux pas que je le fasse? Non, parce qu'il y a de la gruge. C'est celui que tu voulais, c'est le petit. Mais c'est comment tu l'as grillé. Candy Shop. Est-ce que je vois ça? Ouais, donc Candy Shop. C'est quoi ce comptage là? Bah, il a choisi Candy Shop. Mais il a choisi. C'est pas demandé. Ouais, il a choisi pour lui. J'en suis sûr, cet enfoiré. Non, non, j'ai eu plein de messages au début pour Candy Shop. C'est vrai qu'après, ça se partageait un petit peu. Et on va te tabasser. De toute façon, du 50, vous en trouvez toute la journée sur Skyrock. Des gros classiques sur Skyrock. Et n'oubliez pas un nouveau rendez-vous le dimanche soir, 18h-20h avec Maxime. S'appelle Skyrock Classics, avec des cas partout dans Classics. Et vous pouvez écouter plein de gros sons, plein de souvenirs comme ça dimanche soir. De 18h à 20h et ça continue pendant tout l'été et c'est ben bon comme le dit Marie. Allez, Candy Shop, c'est parti, 50 Cent et vous inscrivez pour aller voir Rihanna en concert avec Skyrock évidemment, et vous la chopez tout de suite. Vous voulez vos places de concert, inscrivez-vous vite, c'est Marie qui tire au sort et vous irez peut-être voir Rihanna en concert avec Skyrock à Nice, à Lyon, à Lille et à Paris, au Stade de France, dans tous les stades en France. Ça va être la grosse tournée de l'été à pas louper. On vous l'offre tout de suite, Sky. I take it to the candy shop. So seductive. Yeah, that's so seductive. Come on, I take it to the candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa. I take you to the candy shop. Yeah. One more taste of what I got. I'll have you spending all you got. Come on. Keep going till you hit the spot. Whoa. You can have it your way. How do you want it? You gon' back that thing up, or should I push up on it? Temperature rising, okay, let's go to the next level. Dance floor jam-packed, hot as a tea kettle. I break it down for you now, baby, it's simple. If you be an info, I'll be an info. In the hotel or in the back of the rental, on the beach or in the park, it's whatever you into. Got the magic stick, I'm the love doctor. How your friends teasing you about how sprung I got you. When you show me you can work it, baby, no problem. Get on top, then get to bounce around like a little rider. I'm a seasoned vet when it come to this shit. After you work up a sweat, you can play with the stick. I'm trying to explain, baby, the best way I can. I'm melting your mouth, girl, not in your hand. I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa. Slow, climb on top, ride like you're in a rodeo. You ain't never heard it sound like this before. Cause I ain't never put it down like this. Soon as I come through the door, she get the pulling on my zipper. It's like it's a race, who could get undressed quicker. Isn't it ironic how erotic it is to watch in thongs? Had me thinking about that ass after I'm gone. I touch the right spot at the right time. Lights on or lights off, she like it from behind. So seductive, you should see the way she whine. Her hips in slow-mo on the floor when we grind. Long as she ain't stopping, homie, I ain't stopping. Dripping wet with sweat, man, it's on and popping on my champagne campaign. Bottle after bottle is gone, and we gon' sip to every bubble and every bottle is gone. I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa. I'll take you to the candy shop. One more taste of what I got. I'll have to spend on all you got. Keep going till you hit the spot. Whoa. Eh ben, c'est un bon choix. De toute façon, on n'est jamais déçu avec 50 Cent et Candy Shop sur Skyrock. 50 Cent qui a donc eu quelques problèmes hier dans les Caraïbes. Il a dit ce week-end, il a dit motherfucker sur scène. Il s'est retrouvé avec 1800 euros d'amende et arrêté à la sortie du concert. Eh ben, voilà, le travail. Je suis pas sûr qu'il aille refaire un concert là-bas. Ça ça va. En même temps, 1800 euros, c'est 5 euros pour nous, quoi. Ah, pour lui, peut-être moins, ouais. Ah, bah, ouais, ça va. Le mec, il est blindé. Lui. T'aimerais être riche comme lui? Ouais. Tu te ferais des dents blanches comme lui qui ressemblent à de la cuvette des toilettes. Non, pas aussi blanche, mais je vais me faire faire mes dents. Ouais. Cuvette des toilettes. Non, mais j'ai vu en photo, c'est hallucinant d'avoir des dents blanches comme ça. Bah ouais, mais on l'a déjà vu. Il a, ouais, il a, ah bah, toutes, il a des jaquettes blanches, comme on dit. Ouais. Et voilà. Bon, allez. Des fausses dents, quoi. C'est reparti, on va voir la traduction du bug parce qu'on sait toujours pas ce que tu dis quand tu dis ça, Romano, là. La traduction. Bah ouais, on attend ça. Et bah c'est Nasser, c'est on va pas l'attendre longtemps. Nasser de Nice. Salut Nasser. Ouais. Salut, Nice 107 FM, je le dis, parce qu'il y a plein d'auditeurs qui vont aller en vacances. Donc si vous allez en vacances du côté de Nice, 107 FM à Cannes, 107 FM à Antibes, 107 FM, 107 FM. Oui, il fait beau d'ailleurs. Bon, oui, t'as eu beau temps encore aujourd'hui, Nasser. Oui, enfin je me suis levé à 18h, mais oui, apparemment. Et pourquoi tu t'es levé à 18h? Avec quel envers? Parce que vu que c'est le ramadan, du coup je dis la nuit et je. Ah, mais t'es comme moi, Tu es un oiseau de nuit. T'es une chauve-souris, quoi. Ouais, c'est ça. Non, la chauve-souris, c'est Romano, je vous le rappelle. C'est moi. Alors, non, mais c'est les Arabes aussi, gros. Justement, puisqu'on parle de chauve-souris, voici le bug à traduire. Romano, tu as parlé. Christian Aurore. Christian Aurore. Putain, mais t'as réussi à traduire. Ah, Christian Dior, non. Mais non. Christian Dior. Christian Dior. Qu'est-ce que ça veut dire, Nasser? Écrit au forum. Bien joué, Nasser. Écrit au forum. Ah oui, mais comment t'as trouvé? Comment t'as trouvé? Parce que quand j'étais au collège, j'ai pris le romano en LV1. Langue officielle. Et bah ça donc. Ah bah putain. C'est ça. Donc vérification. Enfin, c'est ça, on va vérifier quand même. Oui, c'est ça, bon. Vérification. Le problème du mois continue malgré tout. Alors, Muriel de Nice, elle a écrit. Comment? Elle a écrit au forum. Elle a écrit au forum. Au féminin.com. Putain, Nasser. Tu t'es gavé. Ah ouais, mais. Non, mais t'avais noté, non? Ah, t'as le droit de noter. Non, mais tu peux le dire, si t'avais noté. Bah oui. C'est, ah ouais, ouais, ouais. C'est bien, t'es infidèle. Et, c'était quel jour alors? Ça, c'est il y a un petit moment, ça. C'était un problème du mois. C'était quoi, il y a un mois à peu près, non? Je sais plus, mais en gros, ouais, il y a à peu près un mois, ouais. Eh ben, écoute, bravo Nasser. Comme quoi, il faut écouter l'émission et prendre Des notes. Prendre des notes pendant pendant vous écoutez. Oui, oui, tu notes dans ton dans les trucs sur iPhone et tu es très bien. Elle doit être drôle ta note. Tu dois avoir que des mots comme ça au carrefour et tu dois attendre tous les mardis. Ouais. Bon, ben bravo Nasser. Tu choisis quoi, maillot, jeu? Je pense que je vais prendre un jeu. Je vais voir lequel. Je sais pas encore. Bon, ben écoute, tu choisis le standard. Bravo à toi. Ben, merci. Bravo Nasser. Et au fait, j'ai toujours pas reçu l'autocollant de Roman. Ah, tu l'avais, t'avais écrit. Non, mais alors, attends, parce qu'il y a eu. En fait, il a eu des réponses, mais t'as eu combien? Non, mais je. Non, mais attends, je. 7, 8 milliards? 29. Ouais, alors, énorme. Énorme. Je crois qu'on a battu tous les records avec les. Qu'on a révolutionné le stickers. Mais en tout cas, ouais, non, mais c'est hallucinant, ce côté. Non, mais bon, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on m'avait dit que c'était parti la semaine dernière, mais il y a eu un malentendu, parce que j'avais passé aujourd'hui un appel sur Twitter, parce que les membres de ma team se plaignaient. Oui. De ne pas les avoir. Mais en plus, il y en a qui les recevront pas parce Ouais, mais là, je vais en ravoir, mais j'ai dit, je donnerai le signal à l'antenne pour renvoyer les adresses à ce moment-là. Et remercie Clémence, auditeur de Skype, qui nous avait amené des autocollants avec écrit Tim Romano et Tim le Belge. Et donc, ils sont, les miens sont partis aujourd'hui, parce qu'il y a eu un malentendu au niveau du service courrier, ils sont partis aujourd'hui. Ils auraient dû partir la semaine dernière. Bon, ben, tu recevras aussi ton, Bah, normalement, si t'as été dans les 24 heures, c'est bon. Normalement, tu l'auras. Ouais. Bravo Nasser. Ouais, pour ceux de ma team aussi. Et pour ceux de la team de Cédric, pareil. Ouais. Bon, ben, merci à toi, Nasser, et puis bravo. Félicitations. Merci. On va faire tourner la roulette. On finit avec le journal des Bleus. Yes. Ah, bah oui, qu'il faut le journal des Bleus. Le journal des Bleus, c'est parti. L'Euro 2016. Journal des Bleus. Wouh! Samy sur Skyrock. Et le deuxième journal des Bleus, on en a fait en speed tout à l'heure, mais voilà, le journal officiel des Bleus. Que se passe-t-il? Journal des Bleus de l'Euro, de la radio libre de Skyrock. Bien sûr. Juste avant de parler des Bleus foot, les Bleus basket, c'est qui jouent leur place pour les qualifications pour les Jeux Olympiques de Rio. C'est vrai qu'on n'est pas encore qualifié pour Et en fait, ce soir, ils avaient le dernier match en France, et c'était le dernier match en France de Tony Parker, puisque après, s'il va aux Jeux, il fera les Jeux, mais il arrêtera sa carrière internationale. Ah, ça y est? Ouais, ils jouaient contre le Japon, ils ont gagné largement, je sais plus combien. Mais bon, on est qualifié ou pas? Non, là, c'était le match de préparation. Maintenant, le prochain match, ça compte, ça va être un tournoi pré-olympique, en fait. Et il faut gagner ce tournoi pour aller aux Jeux Olympiques. Et bah, allez, les Bleus, du basket aussi. Ça jouera aux Philippines. Sont sympas, ils sont pratiquement tous venus dans les studios, les joueurs d'équipe de France. Ils sont cool. Putain, aux Philippines, c'est cool. Ouais, en fait, ils jouent trois matchs, je crois, là-bas. Il faut gagner, en gros, les trois matchs pour partir au JO directement après, quoi. Très bien. Donc ça, c'était le journal des Bleus du basket. On passe à notre journal des Bleus, au journal de l'Euro. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Donc aujourd'hui, entraînement pour les Bleus, donc à 17h. Maintenant, ils ont repris les entraînements à 17h. Ils s'entraînaient la semaine dernière à 15h parce qu'il y avait le match qui était plus tôt. Mmh. Maintenant, tous les matchs qui restent, ils sont à 21h. Donc ils prennent des entraînements normaux à 17h. Ah ouais, c'est marrant, ça. Toujours à huis clos. Toujours à huis clos, sauf demain. Aujourd'hui, aucun contact encore avec la presse. Demain, il y a des invités qui pourront aller les voir. Non, et les supporters aussi. Donc, ouais, mais je crois que c'est sur invitation. Ouais, bon, si vous pointez devant à Clairefontaine, vous pourrez pas rentrer parce que en fait, ce sera blindé. Mais bon, ça sera quand même ouvert pour certains. Oh, c'est ouvert pour les VIP. Bonjour Didier Deschamps. Bonsoir. En gros, tu vas, tu poirotes et t'assistes à une partie de l'entraînement parce qu'après tout ce qui est tactique, tout ça, ça se fait huit. Tactique, ça, tu vois pas la tactique. C'est secret. Là, la tactique, tu te la fous au cul. Dans le cul. Donc justement, la question tactique, donc les Bleus ils commencent à travailler la tactique qu'ils vont utiliser dimanche contre l'Islande. Deux questions se posent. Est-ce que Deschamps va utiliser le système qu'il a mis en première mi-temps contre l'Irlande dimanche dernier? Non, il faut pas, Didier. Qui a pas été terrible. Faut pas, ça c'est pas bien, et, ça. Et j'ai souri. J'ai fait une connerie avec la tactique. Ou est-ce qu'il va utiliser le système qu'il a utilisé donc en deuxième mi-temps, le 4-2-3-1, qui est un système plus offensif, tu vois. Ah, j'ai envie d'essayer le A8-2. A8-2, ouais, ça c'est pas. A8-2. Le 16-64. Comment tu vas? C'est génial. Quelle bonne idée. Bonne idée, Maryse. Donc, en gros, le système qu'il va utiliser, ça dépend de comment joue l'adversaire. Et comme l'Islande est une équipe très défensive, tu vois, c'est une des équipes les plus défensives de l'Euro, Deschamps, il devrait utiliser une tactique offensive. Parce que ça va être la tactique de l'attaque. Il faut quand même s'attendre à un match fermé, donc vous affolez pas si en première mi-temps ça fait comme contre l'Irlande. Non, mais de toute façon, on démarre mal pratiquement tous les matchs. Hein. C'est le concept, c'est la tactique. Donc, la question va se poser notamment de Paul Pogba. Est-ce qu'il va être titulaire? Est-ce qu'il va être sur le banc? Parce qu'il est quand même vachement irrégulier dans cet Euro, même s'il a fait non mais pour le moment c'est ouais mais bon en ce moment c'est quand même une déception. Pour le moment il fait un Euro un peu de merde. Carrément mais c'est une il déception. Il faut être franc quand même. C'est le point négatif un peu de l'équipe. Il a fait quelques bonnes minutes, il a fait des trucs de fou. Ouais mais bon c'est des bons passages mais c'est trop irrigué, c'est genre 5 minutes sur un match. Voilà, quoi. Dans le global, c'est vraiment pas oui, bon, c'est vrai ouais. Mais bon, si pendant ces 5 minutes il marquait. Bon. Ouais, mais même pas, c'est même pas son rôle, tu vois. Mais là, c'est vrai que lui. Allez, Polo! Non, mais là, il passe un peu à travers. Mais ça arrive. Exactement. Tu sais, souvent, c'est la fatigue. Quand les mecs font des grosses saisons en club, ils arrivent, ils sont épuisés, quoi. Bon, après, il y a des mecs comme Griezmann qui font une grosse saison en club et qui derrière. Non, mais peut-être qu'il y a un mec qui va se révéler, hein, on sait jamais. Oui, oui, il suffit d'un match. C'est possible, mais là, les premiers matchs de Griezmann, tout le monde disait, ah, il est où Griezmann? Ouais, c'est vrai. Bon, c'est possible que Pogba, Deschamps le laisse de repos dimanche. Ah, bah ouais, tiens, tu vas chauffer le banc. Si, mais que deux milieux défensifs, c'est possible qu'il y ait Matuidi et qu'il y ait Cabaye. Donc, parce qu'en fait, il y a deux joueurs qui seront suspendus dimanche qui pourront pas jouer, c'est Kanté et Rami. Cabaye, il va jouer. Donc, d'après les dernières informations, Kanté devait être remplacé dans le 11 par Cabaye. Cabaye. Cabane, oui. Non, Cabaye. Cabaye. Con. Tu te calmes là, Marseille. Et donc, Rami, le défenseur central, c'était soit Mangala, soit Umtiti qui le remplacerait. Et là, dernière, d'après les dernières infos, ce serait plus Umtiti. Donc, le joueur de Lyon qui remplacerait. Ah oui, ce Titi, je l'adore. On l'avait eu au téléphone. Umtiti, on l'avait au téléphone. Ouais, il est sympa. Il est à Lyon. Il est à Lyon. Ouais, il est toujours encore à Lyon. Tu lui parles, Karim. Il va avoir des offres. Ouais, toujours en contact avec lui. Ouais, il devrait peut-être signer au Barça, apparemment. Ou en Angleterre, moi, j'ai vu. En Angleterre, ouais. Il a des offres, ouais. Plus vers le Barça. Si vous pouvez l'avoir. Pendant l'euro, je sais que c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Pendant l'euro, mais je vais lui demander. Mais quand on aura gagné. Ah, t'as pas loin. Hein, pendant l'euro, ils ont pas loin. C'est impossible. Ils sont verrouillés. Ils ont pas loin. Bon, et sinon, c'est tout. Après, donc voilà pour les dernières infos tactiques de l'équipe de France. Les dernières infos des Bleus. Et le journal des Bleus tous les soirs, dès 21h. Hein, c'est dans la radio libre et la roulette qui tourne. C'est parti. 400 places de concert Rihanna a gagné sur Skyrock. Jérôme, 20 ans, Grenoble. C'est toi, Jérôme. Salut, Jérôme. Allô. Comment ça va, Jérôme? Salut, Jérôme. Ça va et vous? Écoute, ça va bien. Passez de bonnes soirées encore, très bien. Elle va se finir bien pour toi puisque tu vas jouer pour Rihanna là, c'est parti. Hein. Ah, c'est cool ça. C'est l'heure de la roulette. Je lance la roulette. Tu fais quoi dans la vie, Jérôme, à 20 ans toi? Bah, moi je suis étudiant là. Mais donc en vacances? Non, pas encore. En vacances? Non, pas encore en vacances. T'as pas de bol toi? Ah ouais, t'as pas de bol. Ouais. Tu dois être l'une des dernières à pas être en vacances. Ouais, c'est ça. Bon courage. Merci. Mais tu finis quand? Dans deux semaines. Oh, mais tu fais des études de quoi? On va qu'on les fasse pas. T'inquiète, on va arrêter la roulette après, Jérôme. Tu fais des études de quoi? Droit, je suis en droit. Ah ouais, putain. Eh ben c'est parti, tu dis stop quand tu veux. Stop. Aïe, aïe. Ah, ah, tu t'es fait mal. Ah, mais tu connais le pied. Eh, tu sais qu'il m'est arrivé la même chose tout à l'heure. J'ai suis pété un orteil. Et depuis, il marche comme une vieille. Mais je marche pas comme une vieille, j'ai mal au pied gauche. Bah, ça fait mal, hein. Amenez-lui sa canne. Mais j'ai pas besoin de canne. J'ai juste, moi aussi, je me suis pété le pied sur le rebord de mon lit. Juste une question d'ordre psychologique. Oui. Est-ce que tu comptes nous faire chier avec ton doigt de pied comme avec ta tendinite? Bah, tout dépend de la douleur que j'aurai à mon doigt de pied. Bon, moi, je crois que je vais me mettre en maladie mentale. Bon, en tout cas, une bonne nouvelle pour toi, Jérôme. T'as gagné tes deux places pour aller voir Rihanna en concert avec Skyrock. Elle passe à côté de Grenoble à Lyon. Ah bah oui, c'est cool, merci Skyrock. Donc elle passe. Je vous kiffe. Et bah tu vas pouvoir kiffer Rihanna. Tu vas avec qui? Tu ramènes qui? Je vais avec mon pote à mon avis. Et bah très bien. Donc le poteau, Jérôme, direction le concert de Rihanna, un des concerts de Rihanna. Et plein de places à gagner. Soyez là demain matin, entre 6h et 9h, les premières places à gagner avec Vincent dans le Morning Best. T'as pas loupé. Salut Jérôme. Salut à vous. Et bonne nuit à toi, bravo pour Rihanna. Et merci à vous d'avoir passé la soirée avec nous. On va vous laisser avec Prisca. Ouais. C'est parti, Urban Music non-stop, Rap R&B non-stop toute la nuit. Avec du gros son. On a écouté plein de gros sons ce soir, mais on en a laissé quand même quelques-uns à Prisca. On va démarrer avec. Avec du bon son. Mais je sais, Romano, mais quoi donc? Cherche. Ah, ton titre préféré. C'est Beyoncé. C'est Beyoncé. C'est Beyoncé. Il adore. Je te le dédicace. Merci. Beyoncé, hold up. C'est le son de D-Fool. C'est mon son, ouais. Je crois qu'il il le kiffe, mais jusqu'à la mort. Il en peut eu. Ah, mais vous savez qu'il nous saoule, il veut tout le temps Beyoncé, on vous a offert plein de places pour le concert de Beyoncé au Stade de France. Ouais, c'est vrai qu'elle sera au Stade de France en juillet après l'Euro aussi. Et ouais, vous avez gagné plein de places. Bon, ben on va l'écouter, on va se faire plaisir. Hein. Bah ouais. Et puis demain, on va se retrouver ensemble à partir de 21h, entre 21h et minuit, sur Skyrock, bien sûr, avec toute l'équipe qui est là. Ouais. Et qui sera là demain, on compte sur vous. Bien sûr. 21h minuit, demain soir, et puis le clash, après le match nul d'hier. Que se passera-t-il demain? Eh bien, soyez là, entre 21h et minuit. Et Floc, clairement, Medifull, tu es monté en kit. Oui, oui. Et ouais, non, c'est monté en kit. C'est mal au pied. Ouais, non, mais t'es monsieur. C'est ça qui me faisait rire. T'es monsieur Shkoumoun, en fait. Bah, je suis pas monsieur Shkoumoun. Monsieur Shkoumoun est de retour. C'est toutes les semaines une galère, quoi. Et ben, malgré ma tendinite et mon pied pété, eh bien, demain, on sera là. Il est fort. Oui, promis. Allez, à demain soir. Passez une bonne nuit. Merci à vous. Bonne nuit, Ben. Il nous dit dormez bien. Eh bien, bonne nuit, oui. Salut. Ciao et à demain. Ciao. Et Prisca, tout de suite. Allez, salut! Best. The morning show! Les meilleurs moments du morning de D-Fool. Tous les matins de 6h à 9h. Réveil de star tout de suite sur Skyrock avec Joule qui réveille la famille d'Eric ce matin. Oui, c'est qui? C'est Joule. Vas-y, là, tu vois l'heure qu'il est, pauvre connard. Wesh, mon petit, faut apprendre à fermer ta bouche.